Et salut à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue dans ce rendez-vous dissident numéro 4. Aujourd'hui, je vais vous faire comme d'habitude tous les petits rappels. Premier rappel, vous devez participer sur Twitter au hashtag RDV dissident. Là, on a agrandi un peu l'espace Twitter pour qu'on voit beaucoup mieux vos tweets très intéressants. Là, on a l'oiseau bleu qui est affiché. Et donc, c'est hashtag RDV dissident. On essaiera d'être constant pendant le live sur Twitter pour que vous puissiez réagir et qu'on voit vos réactions. Donc ça, c'est le premier appel. Deuxième appel, comme d'habitude, dans la description, vous avez la liste des sujets de ce soir, plus ou moins détaillée. Et vous trouverez aussi le lien des chaînes YouTube de nos trois invités ce soir. D'ailleurs, nos trois invités que je vais présenter d'ailleurs maintenant. Donc on a Topa pour la première fois. Comment ça va, Topa? Bah ça va, écoute, merci de m'inviter. Hein, Bah écoute, il n'y a pas de quoi. Peut-être tu peux te présenter rapidement. Bah moi, bon, j'ai un parcours un peu atypique, c'est-à-dire je viens du rap. Et parle fort. Alors oui, peut-être on m'entend pas encore assez bien. Alors je vais répéter. Moi, je viens à la base, je viens du rap. J'ai eu un parcours de rappeur. Ensuite, j'ai fait continué à faire de la politique. Depuis, j'ai monté une chaîne de télé, Meta TV. Faut vraiment que tu parles plus Ah, faut fort. vraiment que je parle plus fort. Parce Bah, attention, j'ai une voix qui porte, moi je veux bien. D'accord, bah pas de soucis. Parce que tu fais alors. Ouais, bah, non, mais je veux pas éclater ton micro. Non, parce que je veux pas éclater son micro. À la base, j'ai une voix qui porte. Alors, bah, je veux bien. Hein. Donc, voilà. Donc, le rapport, comment dire, parcours de rappeur, la musique, puis ensuite la politique. Et après, j'ai monté un média indépendant qui s'appelait Meta TV. Et puis aujourd'hui, je continue avec un nouveau média indépendant qui s'appelle Patriote.info. Voilà. Ok, bah voilà, on trouvera, comme je l'ai dit, le lien de tout le monde dans la description. Papacito, comment ça va, Papacito? On te retrouve aujourd'hui. Eh bien, écoute, ça va très bien, merci. Donc de retour pour ce quatrième rendez-vous. Voilà, impeccable. T'as une BD qui va sortir bientôt? Tout à fait. J'ai ma BD en collaboration avec le dessinateur Marceau qui sort chez Ring, qui est déjà disponible en précommande sur Amazon et qui sortira le 15 février prochain. Voilà, et on peut retrouver donc des articles de Papacito sur le blog FDP de la mode, enfin le Tumblr. Blog, ça fait un Tumblr, peu. Voilà, et allez dans les archives parce que ça vaut le coup. Et on a Croblanc qui est encore là ce soir. Croblanc, comment ça va? ça va très bien, écoute. Ouais, bon, comme d'habitude, hein, les gens ils me connaissent un peu ou pas, c'est je suis un rappeur. Ton dernier album Qui est très bien, qui s'appelle Instinct, on peut le trouver sur croblanc.fr. Ouais. Ok, je pense que tout le monde a ôté. Bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien sur le live et on va commencer tout de suite avec l'actu de la semaine. C'est parti. L'actu de la semaine, c'est People. C'est People, mais on va pouvoir dégénérer et déraper assez rapidement. Kim Kardashian s'est fait des tresses. S'est fait des tresses avec ses cheveux, donc elle s'est fait une coiffure. Et en fait, ça a provoqué un tollé vraiment sur Instagram, je crois, sur les réseaux sociaux, comme toujours. On en parlera de toute façon. Puisque elle a été accusée, et c'est pas la première fois, de ce qu'on appelle l'appropriation culturelle. Donc ça va nous permettre, si vous voulez, de revenir sur ce phénomène de l'appropriation culturelle, sur sa légitimité, sur les tenants et aboutissants, si vous voulez. Est-ce que quelqu'un, tout de suite, parmi nos invités, veut réagir? Croblanc, vas-y. Moi, j'ai juste envie de dire, je lui ferais bien un peu d'appropriation culturelle. À part ça, je veux bien laisser quelqu'un d'autre réagir plus sérieusement. On va réagir plus sérieusement tout de suite. Je m'excuse pour cette blague du lâcher. Allez, qui veut réagir? Papacito, vas-y. Alors déjà, je pense que c'est important de replacer ce qu'est l'appropriation culturelle, la définition de l'appropriation culturelle. Donc l'appropriation culturelle, c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis et qui est en fait un phénomène qui consisterait à ce que la culture dominante, donc aux États-Unis c'est la culture blanche, s'approprie des caractéristiques et des éléments de culture opprimée, donc essentiellement noire, mais aussi amérindienne, asiatique, voilà. Donc c'est les emprunts sans permission. Comme la bibliothèque municipale quand on rend pas les chairs de poule, voilà, c'est l'emprunt sans permission d'éléments pour les dévoyer selon la définition qu'on lui C'est donne. ça. Alors, je vais juste compléter ta définition. Donc moi, je suis allé voir parmi nos grandes youtubeuses sur YouTube. Il y en a une qui nous a donné la définition exacte. Alors, c'est quand une personne d'un groupe dominant s'accapare les codes, les rituels, les comportements ou les habitudes esthétiques d'une culture qui n'est pas la sienne. Voilà, donc si t'as envie de finir sur quoi t'avais commencé, Papesto? Ben écoute, moi dans le cas précis de Kim Kardashian, à partir du moment où elle est en concubinage avec un homme noire. Avec Kanye West. Avec Kanye West, pour le rappeler, qui se fait des tresses puisqu'il est noir, ou en tout cas qui doit avoir des membres de sa famille qui font des tresses parce qu'ils sont noirs. Je pense que au sein d'un couple, c'est très malvenu qu'on se permette d'intervenir sur le fait que Kim Kardashian décide. Ça peut être un hommage, ça peut être ça peut être un échange culturel. Mais je suis pas d'accord, même si elle était avec un blanc, je vois pas pourquoi les gens ils sont légitimes pour s'en mêler quoi. Oui, non, mais justement, moi, je n'y a aucun problème par rapport à ça, mais dans leur cas précis à eux, c'est à ce cas-là qu'on s'attache, c'est encore plus violent de lui reprocher, puisqu'elle est en concubinage avec un homme noir, et ça pourrait très bien être quelque chose de positif. Oui, mettre en avant la culture de son mari, par exemple. Même d'un point de vue SJW, tu veux dire. Même un fasciste, il devrait fermer sa gueule. Exactement. Ce que je comprends pas, c'est-à-dire que les tresses appartiennent aux noirs. C'est ça. Et alors que les Chinois, ils font des tresses aussi. Alors comment ça se passe? Et les Vikings. Et les Vikings aussi. Alors comment on fait là? Les tresses chinoises, elles sont pas. pas si tôt. Parce qu'en fait, il faut savoir que pour bon nombre de jeunes gens qui fréquentent des réseaux sociaux, l'histoire du monde, c'est MTV. Et dans l'histoire du monde, selon MTV, les tresses appartiennent aux Noirs. Ils ne savent pas que les Celtes en faisaient. Ils ne savent pas que des tribus mongoles qui se tressent. Donc si dans MTV et dans M6 Black, les gens qui ont des tresses sont noirs, fatalement. C'est de l'appropriation culturelle. Je pense qu'à partir du moment où la corde a été découverte, de toute façon, la tresse a existé. Et il y avait des gens avec des cheveux longs. Il y avait, vu qu'on se faisait un petit peu chier à l'époque où il n'y avait pas une TV, justement, on s'amusait peut-être à faire des trucs avec les cheveux. Bah, oui, mais le modèle de corde plaquée de Leroy Merlin, tresse plaquée africaine, Leroy Merlin déposée, marque déposée, appartient aux Africains. Donc attention, pas touche. D'accord. Moi, en tout cas, je voulais revenir déjà sur la définition qu'a donnée. Je vais la rappeler. Donc elle dit c'est quand une personne d'un groupe dominant. Ah, donc déjà, traduire, ça. Voilà. Déjà qu'est-ce que ça veut dire un groupe dominant? Donc en fait c'est destiné aux pays occidentaux. Le groupe dominant dans les pays occidentaux ce sera toujours, enfin ce sera toujours. Prédiction, finesse, alors, prédiction. Mais à coup de pas. Mais non mais c'est logique. Mais à coup de pas. Donc le groupe dominant en fait ça s'adresse clairement donc aux blancs. Et en fait c'est un moyen si vous voulez de justifier une sorte de défense. Aurait ces minorités et de leur justifier une sorte d'oppression alors qu'on est sur quelque chose qui ne vaut pas grand chose, c'est-à-dire du style esthétique je crois que c'est les déguisements d'Halloween aussi qui sont interdits déjà en fait on justifie dominant pour avoir c'est toujours de la victimisation et donc déjà dans la définition on trouve ce terme dominant et ensuite j'avais souligné donc la culture donc moi je trouve ça très intéressant que justement ces gens-là se plaignent qu'on s'accapare leur culture parce que si tu veux quand tu considères qu'une tresse sur ton crâne c'est ta culture je veux dire c'est quand même assez réducteur pour toi si tu veux. Donc, y a des gens leur culture c'est des coiffures tu vois et il y en a c'est Notre-Dame tu vois et en fait je trouvais ça déjà désolant en fait donc la simple réaction à une coiffure à un déguisement c'est dire que sa culture en fait se limite est vraiment limitée à présent. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter. Bah pas oui, moi c'est assez incroyable. C'est dans la continuité de tout ce qu'on vit aujourd'hui. On nous parle d'appropriation culturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Eminem qui fait du rap, c'est de l'appropriation culturelle. Je pense combien de fois j'ai entendu ça. Moi voilà, on va voir. Je sais pas. Alors Beyoncé qui fait des tissages avec des mèches blondes, c'est quoi? C'est de l'appropriation culturelle, etc. Enfin, je veux dire les exemples, on peut les trouver à vita et tera. En fait, le fond de la chose, c'est toujours la même chose. C'est comme dans l'antiracisme. C'est que en fait, les blancs qui font, je veux dire, un blanc en fait qui va entre guillemets avoir une activité qui est censée être normalement faite par les noirs, ben immédiatement il va être fusillé. Mais l'inverse jamais. Ça c'est clair. Un noir qui va. Bah moi tu vois, exactement. Alors exactement, moi je vois ça comme un moyen de dominer en fait. C'est un moyen de dire voilà, vous faites ceci, vous faites pas cela. Vous pouvez penser ceci, dire ceci. Mais vous n'avez pas le droit de dire cela. Alors que, en fait, ils le décrivent comme un groupe dominant. Donc un groupe dominant, ça devrait être le contraire. C'est eux qui devraient dire, vous faites ceci, vous faites pas cela. En l'occurrence, les seuls qui imposent ça, c'est les groupes dominés, soi-disant. Papesto, je te vois. Et moi, surtout, je pense que ça traduit quelque chose qui est très contre-productif. C'est que l'Occident même, ce qui fait la grandeur de l'Occident, c'est la capacité d'assimiler. Parce qu'en fait, dire appropriation culturelle, c'est un mot négatif pour dire échange culturel. L'échange culturel est à la base de la grande culture européenne, puisqu'à un moment, il y a des apports qui ont pu être celtes, goths, africains, berbères, chinois, chinois, grecs, qui sont agglomérés, qui sont acculturés et qui sont transformés et qui tirent la culture, qui l'enrichissent, qui la tirent vers le haut. Voilà. Enrichissement culturel. Non, mais enrichissement culturel dans son sens pérenne, puisqu'il n'est pas brutal, il n'est pas massif, il est diffus. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on a une religion qui n'est pas européenne, on a une religion qui est moyen-orientale. Le catholicisme est une religion, c'est le fondement de... Et pourtant, maintenant, c'est intrinsèquement lié à l'Europe. Parce qu'on en a fait quelque chose de profondément européen. Donc, si quelqu'un, par exemple, comme Eminem, justement, qu'on a donné l'exemple, fait du rap et le transcende et en fait quelque chose de nouveau, qui pourrait être appelé de façon très maladroite ou caricaturale du rap de blanc, et c'est intéressant parce que ça a enrichi le rap. Et donc, c'est à la faveur du rap, par exemple. Si Kim Kardashian fait des tresses d'une certaine façon, eh ben, ça va enrichir le panel des possibilités de se faire des tresses. Je sais pas si vous me suivez. Ouais. Mais en gros, voilà. Moi, j'y vois en tout cas un échange que, une spoliation. Voilà. Blanc. Depuis l'aube de l'humanité, de toute façon, on n'arrête pas d'aller chercher les trucs stylés dans les autres cultures. Et, je vois pas où est le problème, en fin de compte. C'est ce piège, en fait, qui est tendu aux bisounours, enfin, aux gauchistes. Parce que c'est soit ils s'acceptent de s'y soumettre, ils reconnaissent forcément que les dominants n'ont pas le droit de s'approprier quelque chose assez sympa qu'il va y avoir dans les cultures dominées, on va dire. Soit ils refusent au nom du vivre ensemble, c'est-à-dire ils disent non, on est tous pareils, il faut qu'on s'entraide, on a tous le droit de prendre des choses comme ça. Et là, ils sont obligés de faire des salamelecs, rentrer dans des combats rhétoriques avec ces gens qui font de l'appropriation ou de la spoliation culturelle. Pour pouvoir porter un boubou et twerker, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que, donc, alors, ce que disait la meuf dont j'ai regardé la vidéo, là, qui décrivait ça, elle disait, non, mais tu peux porter, en fait, tu peux te faire des tresses, tu peux porter un boubou, tant que derrière, tu soutiens les causes de ceux qui ont apporté ça. Oula. Et donc, voilà. Si tu lâches quelques millions à Black Lives Matter. C'est à peu près ça. C'est que, en fait, les gens confondent, et c'est là qu'on voit l'apport américain en France, de toutes ces idéologies, peut-être quelqu'un pourra l'expliquer après, sont importées des États-Unis. Et il se trouve que l'histoire des États-Unis avec les Noirs n'est absolument pas à confondre, et on peut pas du tout superposer les deux par rapport à la France. Tu peux développer là, là-dessus. Je plussois complètement ce que tu viens de dire. Et ce que je voudrais rajouter, parce que c'est très important finalement, tu vois, derrière ce genre d'anecdote qui, voilà, finalement, on a envie de rigoler pendant 3 heures, mais franchement, il y a quelque chose de hyper grave et hyper profond. Parce que, en fait, moi, je pense que le fond de tout ça, c'est de renverser toute l'histoire. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ça a commencé parce que là, on va, voilà, on. Bon, c'est live. C'est Tempo, il est excité par le live. C'est comme chez De Chavannes, hein. il y a un chien et tout. Donc, et en fait, comment dire, inverser toute l'histoire. Voilà, on est en train d'inverser l'histoire. Et ce phénomène que tu reprends dans les films, dans les séries, où on va te mettre des personnages noirs africains à la place de héros européens. J'ai vu que Jeanne d'Arc, la Duchesse d'Anjou, Lancelot Thor, etc. On fait jouer Idriss Elba, etc. Lancelot du Nil. Donc on est en train de modifier l'imaginaire européen, on est en train de complètement modifier. Et tout ça, attention, ne vous y trompez pas, c'est pas juste, justement, sur le plan culturel imaginatif. Ça se joue aussi dans une bataille universitaire avec des universités noires américaines qui refont l'histoire en entier. Et l'histoire, aujourd'hui, n'est plus une histoire, si tu veux, telle qu'on l'a connue, telle qu'on l'a enseignée. On va te dire, tous les noirs ont tout inventé. Et ça passe dans les gens, moi, il n'y a pas encore, il y a quelques jours de ça, je rencontre quelqu'un, voilà, qui m'a reconnu dans le tramway et qui me dit, Charles Quint était noir. Je lui dis, mais écoute, on a quand même des tableaux et tout. Alors, il me dit, non, tout est faux, etc. Donc, c'est la terre plate, quoi. Voilà. Donc, si tu veux, donc ce truc-là, il est en train d'avancer. C'est pas anodin. Et ça avance, oui. Et ça, on est en train de modifier des logiciels. Alors, pour rebondir immédiatement sur ce que je prépare, j'ai récemment découvert, parce qu'il faut savoir que, en fait, cette idéologie de la suprématie noire historique est quelque chose qui nous arrive des États-Unis. Et il faut comprendre sa création. La création de cette idéologie-là, ça vient de personnes qui ont été dépossédées de leurs racines, de leur culture, et qui ont dû s'en fabriquer une de synthèse, avec des bribes de tout ce qu'ils pouvaient choper intellectuellement, universitairement, pour essayer de l'agglomérer et en faire une histoire des Noirs de synthèse. Il y a une histoire noire qui est très intéressante, que Cheikh Anta Diop a développée. Il y a des universitaires très sérieux sénégalais qui ont révélé des choses sur l'histoire des Africains, qui sont prouvées, qui sont tangibles. Mais le problème, c'est que là, on bascule dans un paradigme qui était du tout blanc on passe tout noir. C'est-à-dire que l'histoire toute blanche a été mise à mal, et c'est une bonne chose. Mais basculer dans l'histoire toute noire, c'est encore plus intenable, parce que, alors moi, je me suis retrouvé il y a quelques semaines sur un site donc de promotion de ces idées-là, qui expliquait que l'Espagne avait été envahie pendant 8 siècles par des Noirs. Bon. Donc j'étais content d'apprendre que j'étais métis, que j'étais métis, alors que j'ai la tronche à Karim Benzema, qui est quand même t'es antillais en fait. Voilà, je suis antillais, j'ai la tête de Karim Benzema, mais j'ai les origines de Pascal Légitimus. Je suis très content. Donc juste en fait, cette invasion, comme elle est partie d'Afrique du Nord, les Arabes sont passés par l'Afrique du Nord pour envahir l'Espagne. Et ben tout d'un coup, ça devient une invasion noire. Et l'argument que j'ai donné, c'est si c'est une invasion noire, comment se fait-il que je ne sois pas l'équivalent d'un Cubain. Les Cubains sont moitié noirs, moitié espagnols, ils ont des têtes de métis. Moi, j'ai une tête de rebeu. Donc, très certainement, qu'il y avait plus de rebeu que de noirs. Voilà. Et c'est des choses qui sont vérifiables par la logique, tout simplement. Alors, juste avant qu'on parle des pharaons et de tout ça, on a quelques tweets. On a un tweet de Lunati, justement, qui nous reprend. Vous oubliez de dire que la controverse est aussi basée sur le fait qu'elle a appelé ses tresses Boderick Braids, parce qu'elle avait été faite par une actrice blanche, et à cause du changement de nom de la tradition. Ah, parce que c'est, elle faisait référence à l'actrice Boderick, qui elle aussi faisait des tresses dans les années 70. Non, mais bon. C'est quoi, c'est une actrice blanche? C'est une actrice blanche. C'est pour ça que ça dérange, en fait. Alors elle dit, je suis comme Angela Davis, il y aura personne qui aurait repris, quoi, en fait. C'est ça le truc. D'accord. T'as un autre tweet à nous lire, Amir? Pas pour l'instant. Papa, c'est tout. Je suis outré, et je pense que le public est outré avec moi, d'apprendre que ça fait 3 ou 4 saisons dans Viking que Lagertha fait de l'appropriation culturelle se faisant une énorme tresse africaine alors qu'elle est scandinave. Ça, c'est scandaleux. Non, mais en fait, pour moi, là, on est en train d'en parler d'une façon très sérieuse, et peut-être que c'est légitime dans le sens où Tepa nous l'explique que c'est avancé dans les universités américaines, mais je pense honnêtement que c'est du shit, en fait. Qu'en fait, il y a une partie de nos élites qui laisse avancer ce genre d'agenda, parce que ça les arrange, en fait, ça nous occupe. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, en fait, depuis que je prépare l'émission, je pense beaucoup à ces problèmes-là, et je pense qu'en fait, les antiracistes, les féministes, tous les gens comme ça, les racisés, enfin, comme, je sais pas comment on les appelle, les groupes LGBT. Minoritaires, les LGW, enfin, LGBT, pardon. En fait, tous ces gens-là, en fait, servent à faire des écrans de fumée, en fait. En fait, on les laisse avancer avec leurs thématiques qui peuvent intéresser des parties de la population et on se pose des questions qui ne devraient pas se poser, en fin de compte. Ça, c'est de la merde, en fait, depuis, comme on l'a dit tout à l'heure, on est tous d'accord là-dessus, depuis l'aube de l'humanité, quand il y a des trucs sympas dans d'autres cultures, personne s'est jamais privé d'aller les chercher. Pourquoi aujourd'hui on devrait arrêter sous prétexte qu'il y a des dominants, des dominés? Parce qu'on a inclus, si tu veux, pour moi, le concept d'égalitarisme et de discrimination partout, tous les échelles de la société, y compris dans l'histoire. C'est-à-dire, on veut revenir même sur ce qui a été passé. C'est-à-dire, ah ben, entre guillemets, tiens, je prends un exemple, l'Europe a colonisé le monde. C'est pas bien, eh ben il faut refaire l'histoire et dire eh ben non, finalement les Africains aussi ils étaient meilleurs avant, etc. Pour remettre de l'égalité, remettre encore, tu vois, cet égalitarisme même dans l'histoire, même dans les faits passés, parce qu'il n'est ces gens-là sont tellement dans un déni que même le déni de la réalité du fait historique, ils le refusent et ils te disent ah non mais attends, Louis IX il était noir et tout, comment ça. Si on commence à adopter un point de vue gauchiste, on peut commencer, si vraiment on commence à se dire ouais, faut chercher tous les trucs qui peuvent discriminer les noirs, qui peuvent les délégitimer ou les rabaisser, on peut aussi se dire que c'est que le fait de mettre Lancelot ou Jeanne d'Arc joués par des acteurs noirs, oui. Ça voudrait dire quoi? Que eux-mêmes n'ont pas de culture, eux-mêmes n'ont pas d'histoire, ou alors leur histoire est si pitoyable qu'on est obligé de les intégrer à la nôtre? Non, mais c'est mais t'as complètement raison. Quoi. Et c'est pour on ça que. On peut toujours attaquer dans l'expression appropriation culturelle, pour moi, elle est plus justement dans ce fait-là. Quand je vois qu'on va prendre Idriss Elba, voilà, pour jouer Thor. Ça, c'est pour moi, c'est une appropriation culturelle. Quand on nous dit, voilà, on a vu Omar Sy qui joue Dr. Nock parce qu'on nous explique, oui, c'est la nouvelle version de Dr. Nock, etc. Et ça, c'est de la vraie appropriation culturelle. Pour moi, si on doit le déterminer, on doit aller chercher vers là. Après, alors ça va déranger, ils vont pas être d'accord, mais... Alors moi, comme tu l'as dit, t'as vraiment raison, c'est une tentative de réécrire l'histoire pour, en fait, pour mettre ce qui les favorise. Et en fait, je pense que c'est pour légitimer, en fait, leur présence dans les pays occidentaux, en fait. Pour dire, vous voyez, on peut même être en surnombre, que l'Occident se transforme en pays africain, quoi. De toute façon, on a toute une culture à apporter, on a des trucs super stylés. Moi, je pense que c'est fait pour ça. D'ailleurs, tu parlais du cheikh en Tadiop, et je voulais parler, donc toi, t'as parlé de la conquête de l'Andalousie, par le Mali, quoi. Et alors, ce qui sort souvent dans les dans les théories afrocentristes, c'est évidemment c'est les pharaons. D'où le titre du live un peu provocateur. C'est que en fait les pharaons étaient noirs. Alors c'est We Were Kings qui a été détourné en We Was Kongs. Et donc en fait ça, donc on a cherché chez les pharaons, les gens ont les momies, tu vois à peu près. Et tu vois des cheveux lisses. Donc déjà le momie n'avait pas de tresse, si tu veux. Donc si tu veux, bah de base il était pas Kongs. Mais je sais pas, ils ont pas fait des tests génétiques sur les momies pour voir si c'était des Caucasiens. Alors justement, il y en a un qui a fait un très bon travail là-dessus qui s'appelle Bernard Lugan, qui est un historien qui fait polémique chez nous. Justement. Vas-y. Bernard Lugan, il a établi, et là ça va mettre tout le monde d'accord, il a établi qu'il y avait en fait en réalité une dynastie de pharaons qui était plutôt de souche négroïde, comme on dit. Donc en fait, mais c'est-à-dire en fait plutôt des noirs qui seraient sémito-africains, donc les noirs qu'on trouve en réalité en Éthiopie, au Soudan, et qui n'ont pas, si vous voulez, les mêmes caractéristiques physiques que les Bantous. Ça, c'est une réalité aussi. Donc si tu veux, quand t'as un mec, un Angolais, avec pas de cou, qui fait 130 kilos, qui a un bras comme une cuisse, qui te dit « Bon, moi j'étais un pharaon, de chaque côté. » Si tu veux, tu vois un Éthiopien qui en a toutes les caractéristiques physiques, il y a des choses à différencier. C'est pas pour enlever, parce qu'il y a eu de très grands empires au Congo, il y a eu de très grands empires en Bantous, je ne leur enlève rien, mais sur le cas de l'Égypte, les recherches génétiques qui ont été faites montrent que oui, il y avait une partie des pharaons qui étaient effectivement noirs, et c'était des noirs géo-centralisés de là où ils étaient, c'est-à-dire éthiopiens, un peu le Soudan et le sud de l'Égypte. Et par contre, il y a une souche berbère qui est libyenne et qui en fait, il y a plusieurs momies qui sont berbères et qui ont le même code génétique que Fouini Babe. Donc à partir de là, à partir de là, tout le monde en a pour son, voilà, tout le monde peut piocher. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que effectivement, on a l'impression de voir, d'ailleurs, les Noirs américains, eux, s'imaginent dans leur imaginaire, c'est noir, c'est-à-dire c'est un bloc uni noir, on forme tous un même peuple, un seul, alors qu'effectivement, la réalité ethnique de l'Afrique, elle est bien ce qu'il vient d'expliquer, c'est qu'il y a, même en Afrique, il n'y a pas un type de noir, il y a plusieurs types de noirs. Et les populations qui habitent justement l'Éthiopie, le Soudan, la Corne de l'Afrique, n'ont rien à voir avec ceux d'Afrique centrale, les Bantous, qui n'ont rien à voir avec ceux d'Afrique de l'Ouest. Et c'est encore des populations. Et je vais même te dire, ils se supportent pas entre eux. Ça, on vous le dira pas, mais... Est-ce que tu es en train de nous dire, que les divisions en Afrique sont plus raciales que culturelles, comme on peut le voir en Europe, par exemple? Exactement. Mais j'arrête. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si tu veux, la notion d'ethnie fondamentale en Afrique, parce que l'Afrique est fondée sur des clans et non pas sur des nations. Les nations sont d'héritage colonial. Les Africains n'en ont rien à faire. Ah non, mais ça se voit. Il suffit de voir le découpage en Afrique. Et en plus, il n'en a rien à faire. C'est-à-dire que tu vas rencontrer un Congolais. C'est fou. Un Congolais rencontre un Congolais. Tu crois qu'il va se contenter de savoir t'es Congolais? Ah ben ça, on est Congolais. Non. Il va falloir que tu spécifies ton ethnie. Là, ça va être ton marqueur, ta véritable identité. C'est ça qui va faire. Par exemple, quand tu vas arriver... le Congo, je connais pas assez les ethnies, mais au Gabon, t'as les Vili, les Bété, les machins, Kinou, les Fang. Les Fang, les Teke, etc. Eh ben, c'est ça qui fait ton identité. C'est quand t'arrives quelque part, un Gabonais, quand on rencontre un Gabonais, il s'en fout. Ouais, t'es Gabonais, je m'en fous. Mais par contre, t'es de quelle ethnie? Et ça, c'est un marqueur. Parce qu'en plus... Ce qu'on veut au plus oublier, c'est qu'il y a des rapports ethniques. C'est-à-dire que les ethnies entre elles ont un historique. Il y a des ethnies qui se détestent. Des ethnies qui étaient l'une en esclavage de l'autre, etc., etc. Et maintenant, ils sont dans le même pays. Mais ils vont pas s'étreindre pour autant. C'est pas parce qu'ils sont dans le même pays que l'autre, tu vois, son ethnie se détesteront jusqu'à la fin des temps. Alors, papa Sito. Alors, j'en parlais avec Tepa tout à l'heure. Je vais citer l'exemple qui va mettre tous les Africains qui nous écoutent d'accord, même ceux qui sont ulcérés. Je pense que c'est l'exemple qui va mettre tout le monde d'accord. Je vais parler du pygmée. Cet Ewok de maison que prennent, si tu veux, en fait, il faut savoir qu'au Congo Brazzaville, tu vas encore faire sa vidéo. Il y a l'ethnie des Mujombo qui font tous 2 mètres et 130 kilos. Et Dieu les a mis à côté des êtres les plus petits qui aient parcouru l'Afrique. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les mecs de 2 mètres attrapent les pygmées par la tête. Ils les soulèvent du sol, ils leur disent « Toi, tu vas balayer chez moi pendant les 20 prochaines années et tu vas aller dormir à la cave. » Et ça, tu vois, on nous le raconte pas trop dans le Black United, tu vois. C'est-à-dire qu'on nous le lit pas trop. Mais en réalité, il y a des castes avec des rapports de domination très violents. Et il faut savoir que, par exemple, le pygmée, dans ses propres terres, il est ostracisé et il est réduit en esclavage par d'autres Africains qui vivent à côté, qui sont ses voisins. Alors, on va lire un petit tweet, bien. On a une question de El Famoso EDP pour Tepa. Adhères-tu à la théorie des races de Delesquin? Ah bah, je sais pas si c'était Delesquin. C'était pas celle de Delesquin, ouais, il voilà. l'a démocratisé. Oui, il y a une théorie des races. En tout cas, je ne peux plus. Avant, j'avais une tendance, tu vois, des formations gauchistes à me dire les races n'existent pas. Et en plus, une aberration, je suis métisse. Mais par définition, si tu veux, avec le temps, il faut moi, j'admets l'existence des races, c'est-à-dire des différences génétiques. En fait, c'est une réalité scientifique. C'est une réalité. Donc, c'est pas à nous de l'admettre ou quoi, tu vois. Exactement, c'est un fait, quoi. Après, de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, parce qu'en fait, les gens pensent que si tu admets l'existence, en fait, de races, c'est que forcément, t'y colles quelque chose, une idéologie derrière. C'est-à-dire, peut-être, des races plus supérieures à d'autres, etc. Moi, ma définition des races, c'est qu'en fait, s'il y en a qui sont plus supérieurs ou pas, c'est-à-dire que les Européens sont supérieurs en Europe parce qu'ils ont évolué là pendant des milliers d'années, voire des dizaines de milliers. Les Africains sont supérieurs en Afrique parce que c'est leur milieu naturel, ils sont habitués à la nourriture, au milieu, au climat. D'ailleurs, dans 2000 ans, ils seront suradaptés à la gare du Nord. Ce sera un nouvel espace, alors. Ce sera un nouveau milieu. Par exemple, ils auront un Navigo directement intégré dans la mer. Non, mais ils poseront la paluche sur la borne et ils prendront n'importe quelle station à force d'évoluer dans ce milieu, quoi. Ah non, mais moi je voulais réagir par rapport. Parce qu'on parle de racisme, t'en as parlé, t'es pas, et je pense qu'on peut approfondir les noirs entre eux. Donc il n'existe pas en fait d'entité noire, si tu veux. Et comme tu l'as dit, donc il y a des ethnies, voire des clans, des tribus. Et il faut savoir que ce que pensent les Noirs d'Afrique, des Métis... Papacito, je pense que tu peux nous en parler, vas-y. Alors, des Métis, je vais appeler un chat, les Antillais. Parce qu'en fait, tu lances n'importe quel Africain sur les Antillais, mais t'as l'impression qu'il te décrit si tu es un Pokémon. Réciproquement, d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu... alors ça, c'est fantastique. Aux Antilles, il y a des mecs qui ont des têtes avec des arêtes nasales de pianistes russes, tu vois, qui sont blancs de peau, ils rougissent au soleil, et ils te disent « Ouais, mais tu vois, moi, c'est un truc de noir, tu peux pas comprendre. » Tu sais, ils t'expliquent la négritude, et toi, tu es un métèque d'Andalousie ou de Sicile, et en fait, tu as plus savoir avec les Noirs que lui. Bon, bref. Et à l'autre bout, tu as le mec, et ça m'est arrivé aussi. J'ai rencontré un gars qui présentait toutes les caractéristiques de l'Africain et qui m'expliquait qu'il était noir parce qu'il était indien. Alors il y a une immigration, en tout cas il y a eu de la déportation d'Indiens aux Indiens, mais clairement il présentait des traits de noir africain. Il me disait non, moi je suis indien, je n'ai rien à voir avec les Africains. Alors sache que si, voilà. C'est typique. Ils ont un problème de toute façon Afrique et Antilles parce que l'un, et ça c'est le grand tabou, alors en plus il y a certains des Africains entiers qui nous écoutent, c'est pas grave, tant mieux. Le grand tabou, c'est quoi? C'est pourquoi ils s'entendent pas? Parce que évidemment que les Antillais portent la responsabilité de la déportation de l'esclavage des Africains, parce qu'ils disent ah oui, mais pourquoi il y a eu de l'esclavage? Parce qu'à un moment donné des Africains ont laissé faire, et c'est ça qui fait que cette des antagonismes, tu vois, entre les Antilles et les Africains, et qui n'a pas été réglé depuis, jusqu'à présent, ça n'a pas été réglé, cette affaire. Et chacun reste sur ses positions, puisque tu as les Africains qui disent « Ah non, on n'a jamais vendu d'esclaves », alors qu'on sait très bien pertinemment que c'est faux. Et puis, des Antillais, si tu veux, qui sont un peu dans une schizophrénie de culpabilisation, parce que normalement, ils devraient porter leur rage sur le blanc, entre guillemets, qui les a importés, mais qui disent « Mais finalement, c'est peut-être un frère qui m'a vendu au blanc. » Et donc, du coup, ces frères, c'est les Africains. Et là, c'est pour ça qu'Afrique et Antilles, il y aura toujours, tu vois, un bisbite. Tu vois, ils n'ont pas réglé leur problème. C'est un peu éloigné du sujet, là. Un petit peu, ouais. Mais... une digression. Oui, pas sur l'appropriation culturelle, moi, pour revenir au sujet, moi, je voudrais dire que ça va... Si on commence à prendre ces choses-là en considération et qu'on les intègre, on va aller vers un monde invivable. Je sais ce qui va suivre, mais voilà. Vas-y. Alors, je vais vous donner un exemple que j'ai trouvé, qui va plaire à Rokhaya Diallo. Rokhaya, c'est pour toi. Je sais que Daba, c'est le diminutif de Rokhaya en Wolof. Donc, Daba, écoute-moi bien. D'accord. Il y a donc un pays dont la minorité est blanche. Et ça s'appelle l'Afrique du Sud, et la majorité est Zoulou. Et le président n'est pas un blanc, le président est un noir, issu de la majorité de son peuple, Zoulou. L'anesthésie générale a été inventée par un Anglais blanc. Alors, je sais pas s'il y a une université du Kansas qui va nous expliquer c'était peut-être un Anglais du Ghana. Attention, parce que l'histoire change vite. Mais en tout cas, un descendant de Jeanne d'Arc. Voilà. Donc, il s'appelait Morton, William Thomas Morton. Il a inventé le principe de l'anesthésie générale. Donc, si nous, on arrête de faire des tresses, je propose que tous Les Zoulous qui vont devoir se faire opérer de la vésicule biliaire, d'une fistule anale, décident de renoncer à l'anesthésie générale au nom de la volonté de ne pas s'approprier culturellement une invention blanche. Voilà. Donc ça va être infernal. Ils abandonneront la pénicilline et tout. Voilà. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a 10 ans, le gauchisme prônait qu'il n'y avait aucune différence, qu'on était tous les mêmes et tout ça. Et là, ils sont en train d'arriver dans des délires. Enfin, de division exacerbée, quoi. Je vais réagir dessus. En fait, pourquoi ça se passe en Occident? Parce qu'en fait, l'Occident est dans son optique d'universalisme, tu vois. Donc, elle a voulu faire cohabiter. Parce qu'on pourrait se dire, en fait, à appropriation culturelle, il y a aussi une appropriation territoriale, tu vois. On pourrait Mais non, alors, il n'y a pas d'appropriation territoriale parce que le rêve de la France particulièrement, c'est l'universalisme. Donc, tout le monde est égaux, en fait. Et tous les gens sont égalités. Et en fait, on se rend compte que même quand t'essayes d'instaurer ça, les gens vont se ségréguer eux-mêmes et commencer à s'attaquer sur, on est du même pays, mais en fait, non. Ils vont repartir sur les origines, etc. Est-ce que quelqu'un a envie de... Moi, en fait, c'est de pas aborder un thème, enfin, un élément de cette, de l'appropriation culturelle qui est très important, c'est le levier de pouvoir. Je crois, non, c'est toi qui l'avais dit. Oui. Et ça, en fait, moi, je l'ai remarqué depuis le début, parce qu'en fait, moi, ça fait, depuis que j'ai commencé le rap, on va dire facho, quoi. Enfin, le rap du blanc qui dit pas, qui est pas ethnomasochiste, quoi. Le rap nationaliste. Voilà, le rap de gros facho. Et bien, en fait, depuis que j'ai commencé, on me dit, t'as aucune légitimité à faire du rap, c'est un truc de noir. Moi, en fait, je veux bien que ce soit un truc de noir, mais quelle est la légitimité pour qu'un maghrébin me dise ça, par exemple? Est-ce que qui a le plus rapport avec Tupac entre moi qui suis catholique et un berger algérien? Ben, si tu permets, je vais répondre à ta question. Très certainement que le rapport entre Tupac et un maghrébin, c'est que l'arrière-arrière-arrière-ancêtre du maghrébin a très certainement fouetté l'arrière-arrière-ancêtre de Tupac. Voilà. Donc, d'ailleurs, juste pour finir, c'est qu'en fait, on voit que c'est un levier de pouvoir, parce que là, en fait, je commençais, mais en fait, le développement, il mène à ça. C'est-à-dire, en fait, j'ai jamais vu un noir, même un noir qui serait peut-être légitime pour revendiquer la paternité du rap, même éloigné, venir dire à un blanc ethno-masochiste comme Akhenaton ou Nekfeu, qui sont des mecs qui arrêtent pas de dire, voilà, les blancs, ils sont méchants et tout, colonisation et tout ça, eux, ils sont pas légitimes pour rapper. C'est toujours à des mecs comme moi qu'on va le mettre dans la gueule, mais en fait, le truc, c'est que les mecs comme moi, on en a rien à foutre, parce que, je m'intéresse pas du tout à cette question, pour moi, c'est de la merde, de A à Z, depuis le début, j'ai bien compris, en fait, c'est... Oui. C'est pas du tout. Mais il y a des gens que ça pourrait toucher. Et il y a les gens qui sont sensibles à ces questions-là, je pense que ça peut vraiment les atteindre. Papesto. Alors moi, je pense que tout ça a commencé à sauter, cette histoire du racisme. Parce qu'avant, on a toujours opposé, traditionnellement, le blanc à toute la masse des étrangers qu'il a opprimés dans l'histoire. Bon. Et récemment, grâce ou à cause de YouTube, on a commencé à voir des vidéos de gendarmes marocains qui alignent des noirs contre des murs pour les fouetter pendant une heure et demie. Et en fait, ça a commencé, mine de rien. C'est vraiment grâce à YouTube qu'on a commencé à voir que le racisme est vraiment, mais alors multigéographique, multiracial, parce que tout le monde en a pour quelqu'un d'autre. Et qu'en réalité, moi, je pense que cette espèce d'alliance, alliance factice de synthèse qu'on avait fait entre le rebeu et le noir contre le blanc oppresseur, elle a sauté à partir du moment où on a commencé à voir toutes ces vidéos en Algérie de Maliens qui se font mettre des coups de marteau le vendredi après la prière. Bah d'ailleurs, je vois qu'il y a l'ONU ou l'autre, enfin pas l'OTAN pardon, mais il y a l'ONU ou je sais pas quelle organisation, peut-être l'UNICEF, je sais pas, qui a fait une sorte de sondage mondial et c'est l'Algérien qui arrive comme étant le pays le plus raciste du monde. Ouais, ouais, ah oui, oui. Ouais. Bah d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, là on a parlé des blancs et des noirs depuis tout à l'heure, j'aimerais qu'on parle quand même de l'appropriation culturelle musulmane pardon. Donc des musulmans, c'est-à-dire que en fait tous les grands hommes de l'histoire étaient musulmans. À croire tous les maghrébins qui te parlent, à commencer par Napoléon. Donc là-dessus, je tenais quand même à dire que Napoléon a dit. Napoléon était musulman. C'est ça. Napoléon a dit en gros, s'il faut aller conquérir la Russie, je serai orthodoxe. S'il faut aller conquérir, Jérusalem, je serai juif. Et s'il faut aller conquérir l'Égypte, et je serai noir. Enfin, je serais musulman. Excusez-moi, j'ai confondu. Non, c'était volontaire. Tu parles pas si tôt, toi. Alors, justement, tu parles de l'islam. L'islam a beaucoup bénéficié de talents perses, de talents berbères. Il y a de nombreux, en fait, musulmans historiques qu'on pense être des arabes, puisque je rappelle que les arabes sont une ethnie, et qui, en fait, sont les plus grands savants de l'islam sont mauritaniens. Ce sont des noirs de Mauritanie. Il y a beaucoup de berbères qui ont fait la splendeur de l'islam. Et en fait, si tu veux, dans ce sens-là, c'est pas grave que l'islam, enfin en tout cas les Arabes récupèrent à eux tous ces gens de tous ces peuples qu'ils ont conquis. Par exemple, l'invention du zéro, parce qu'on m'a rabattu les oreilles avec ça. On connaît tous. C'est les Indiens. C'est l'Inde, c'est les Indiens, la grande culture perse qui a inventé beaucoup de choses qu'ont repris les Arabes à leur compte et qu'ils ont ramené aux Européens. Il faut savoir aussi que les Arabes ont traduit les textes anciens grecs et nous les ont ramenés, donc ils ont écrit là. Et c'était quand même des textes grecs. Ouais, mais au cours de leur razzia en Europe, ils prenaient aussi des intellectuels et des poètes et ils les ramenaient aussi. Justement. Voilà. Et toutes les beaucoup de grandes figures, justement, de, on va dire, de l'islam qui se sont montrés les grands savants comme Avicenne, comme Al-Khwarizmi. N'était pas arabe. Hein. Exactement. Faut le préciser. Est-ce que c'était de l'appropriation culturelle? Et est-ce que ça va? Bah voilà. Ben oui, mais par exemple, ça donne des espèces de paradoxes où tu as des mecs qui sont, il y a des tribus en Somalie qui te disent, même ça existe au Sénégal, à vérifier, je sais plus si c'est tout couleur ou je sais plus qui se prétendent être arabes. Ils disent, moi je suis arabe. Mais non, tu es pas arabe. Tu peux être un berbère blanc. Et tu n'es pas arabe. L'Arabie, c'est le Yémen, enfin, c'est une partie du Yémen et l'Arabie Saoudite, c'est ça, les Arabes. Le reste, ce sont des mélanges. Et le Maghreb, par exemple, n'est pas arabe. Le Maghreb est historiquement berbère. Donc, le Coderme, ce ne sont pas, il y a des mélanges, mais ce sont des berbères, ce ne sont pas des Arabes. Écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que t'as un tweet à lire un mien? Rien d'intéressant. Augmenter la qualité. Alors, je vais finir peut-être sur quelque chose. Je sais pas si on a vraiment envie d'en parler, si c'est toléré. Est-ce que toutes les cultures se valent? Parce que c'est un petit peu troublant. Moi, ma réponse, excusez-moi, ma réponse de parce que je suis le plus gros raciste ici, on va dire, après Raptor, bien sûr. Non, mais... Arrête, il va encore faire des plus d'occasions. Regardez, pour notre ami, les racistes, ça fait rire. Pour notre ami, les chers de burritos aux sourcils épilés, je précise que c'est de l'humour. Tu ne comprends pas le second degré, mais c'est de l'humour. Il supprimera, de toute façon, la vidéo. Vas-y, on n'en doute pas. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que chaque culture est supérieure là où elle est née, simplement. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas à faire. En fait, il n'y a pas lieu à comparer les cultures. On peut les comparer, d'ailleurs, on peut le faire. Mais en fait, il faut bien s'attacher au milieu naturel dans lequel elle s'est ancrée et s'est développée. C'est beaucoup plus difficile quand t'es un Inuit de finir avec Notre-Dame que quand tu vis dans un pays où il y a du bois, du calcaire et où il y a quatre saisons. Tu comprends, je veux dire? T'es pas. Bah, écoute, je suis assez d'accord, mais bon, moi, je vais faire mon. De merde, mais moi je pense. Ah, t'inquiète, j'arrive. Ah bon, ça va alors. Tu m'as appuyé. Moi, je pense qu'effectivement, les cultures ne se valent pas. Au sens où, après, on peut faire un relativisme en pensant que c'est un peu sur le même niveau, parce que oui, une culture est adaptée à son environnement, être géographique, culturel, etc. Mais au fond, du fond, quand même, quand tu vas comparer les cultures, ce qu'elles ont produit, je sais pas, par exemple, moi, justement, on a parlé tout à l'heure de et ça, c'est une question en plus qui se pose souvent, que moi je dis aux musulmans, je dis, mais regardez ce que ça a produit de la culture. Et est-ce que c'est comparable à ce que ça a produit en Europe? Et moi, je compare. Et ça, si tu veux, cette question-là, elle est interdite de se poser, parce que justement, même de ce point de vue-là, on explique aux gens, tout se vaut. T'as pas le droit de dire, en fait, qu'une culture est... C'est déjà du racisme, t'es déjà dans le racisme. Problème, en fait. Juste pour répondre à te pas, peut-être, là, je fais l'avocat du diable, mais peut-être que justement, le milieu dans lequel l'islam est né, les améliorations successives qui auraient pu apporter une religion peut-être plus ouverte aux choses nouvelles, peut-être que ça aurait été nocif pour les gens qui vivent à cet endroit, et peut-être que l'islam est adapté à ce milieu-là, dans le sens où s'il y avait eu trop de nouveautés, ça aurait porté préjudice à la population. Alors moi, j'en ai parlé avec ma compagne, qui m'a expliqué que en Afrique, des prédateurs font 6 fois le poids du plus gros prédateur qu'on a en Europe. C'est-à-dire que quand tu te balades dans un coin, ou si t'as esquivé le léopard, tu te fais démembrer par un crocodile ou un hippopotame. Il faut savoir que l'hippopotame est l'animal qui tue le plus en Afrique. Il est très agressif. Après le moustique d'ailleurs, pas un animal, mais voilà, c'est le plus gros meurtrier en Afrique, c'est pas le lion. C'est l'hippopotame. C'est pas le sida. Oui. ça, c'est mais ce que je veux dire, c'est que en fait, si tu prends ça en considération, c'est toujours pareil. Si tu te balades, qu'il y a un sanglier, que tu lui mets une calotte, que tu le manges, tu finis pas avec la même civilisation 2000 ans plus tard que quand tu te fais courser par un dent de sabre de 130 kilos centimètres carrés. Tu comprends, je veux dire, il faut aussi prendre ça en cause. Par contre, et là je vais me permettre ce chambrage, c'est pas normal avec 4 saisons que l'Espagne ait une croissance et un chômage pareil alors qu'on touche la France, quoi. Merde, il s'est passé un truc, on peut pas l'imputer. Trop d'invasion. Alors moi je veux répondre tout simplement, observons les flux migratoires pour comprendre si les cultures se valent. Ça me paraît quasiment suffisant à expliquer les choses. Maintenant, je veux quand même expliquer des choses que peut-être des gens ignorent. Je vais vous expliquer un petit peu les cultures étrangères. La dernière fois, on a parlé de l'Afghanistan. Alors, il y a une tradition en Afghanistan, on l'avait dit la semaine dernière. C'était, si vous voulez, de donner des petits enfants pour que... Bachabazi. Merci pour le nom. Pour qu'il y ait... c'est des viols, c'est ça Donc, socialement, c'est codifié pour que ce soit pas des viols, mais c'est ni plus ni moins que des adultes qui peuvent avoir plusieurs relations sexuelles... Enfin, en tout cas, plusieurs adultes peuvent avoir des relations sexuelles avec un enfant mis à disposition. Donc, généralement, des chefs de guerre. Oui, parce que c'est des gens riches qui ont ça, mais... Donc, voilà. Alors, ça, c'est première chose. Maintenant, on n'a pas ça en Occident. Alors on a ça, bon, c'est Pierre, on a les Roumains. Pierre Berger aurait pu nous en parler. Calme-toi, on a les Roumains. Ensuite, les Indiens. Donc d'abord, on peut examiner l'eau du Gange, hein, mais sinon, je sais pas si les auditeurs sont au courant, mais je mets au courant. Un Indien sur deux fait caca par terre. C'est étonnant, ça. Alors il y a des clips de sensibilisation à ça. Je suis désolé, ça, c'est culturel. Bon, quand c'est 1 sur 2, la population est de 1 milliard et quelques, je crois. Vous pouvez taper sur Google « Indien, caca par terre », peut-être que vous trouverez directement Cro-Blanc. En fait, les gauchistes, enfin, ou les SJW vont dire que c'est à cause de la colonisation des Blancs. Ah, des Anglais. Bah oui, parce qu'on a, ces pays ont été colonisés, donc ils ont pas eu le temps d'apprendre. Non, ils ont été détraqués, on les a humiliés, on les a rabaissés, on leur a interdit l'éducation. Ah, bah c'est surtout que c'est les Anglais qui ont construit les égouts de Bombay, quoi, je veux dire. Ah, non, mais non, ils le savent pas, les gens. Alors, juste avant Bavisto, je tiens quand même à dire que l'Inde est peut-être le pays le plus raciste du monde. Bon, on a parlé d'Algérie. On a parlé d'Algérie, déjà. C'est quand même un pays qui a établi un système de caste. Avec notamment les intouchables qui sont devenus les Roms. Mais pas parce que vas-y. Alors, c'est intéressant que vous abordiez la colonisation dans l'hygiène. Je vais mettre ces deux choses en perspective. Combien de fois j'ai entendu, quand j'étais dans mon lycée Maghreb United à Toulouse, le Mirail, combien de fois j'ai entendu, vous, les Occidentaux, au Moyen-Âge, vous vous torchiez avec la main, vous mangiez par terre, vous étiez sale, et ce sont les Arabes qui vous ont amené la finesse et le savon. Quand ça va dans ce sens-là, tout va bien. Tout le monde est d'accord pour dire, effectivement, on était des porcs. On se balançait pas encore entre porcs, mais on était des porcs, et les Arabes nous ont amené la science. Par contre, dire que nous, par la suite, nous sommes allés amener peut-être des choses positives à certains endroits, tu vois, par exemple, proposer aux Kanaks d'arrêter de se manger entre eux, c'était peut-être pas une mauvaise idée. Ah ouais. Eh ben, ça, c'est très mal vu, et c'est quelque chose de raciste, mais par contre, ça passe très bien dans l'autre sens. Alors, je me permets de compléter. Il me semble quand même que les Arabes s'essuient avec de l'eau et la main gauche. Alors, ça, c'est comme progrès, ça va, on a vu mieux, quoi. Alors, on va mettre fin à ce débat qui dit que quand on s'essuie avec une serviette, enfin, avec du papier, c'est plus sale. Ouais. Le plus propre. Finissons-en avec cette question. Là, j'en profite parce que quand j'étais au lycée. Les Français veulent savoir. Quand j'étais au lycée, j'avais toujours une équipe d'Algériens qui me soutenait le contraire. Donc là, ils peuvent pas m'interrompre. Donc je vais en profiter pour développer. Il y a une étude qui a été faite. Pour qu'on le sache une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qui est le plus propre? S'essuyer avec de l'eau ou s'essuyer avec du papier? Eh bien, en réalité, la bonne réponse, c'est d'abord avec du papier et ensuite avec de l'eau. Pour une bonne et simple raison, c'est que quand tu t'essuies avec de l'eau directement sans avoir prélavé, tu éparpilles les particules de caca. Donc en fait, ton caca devient... Donc d'abord, faut enlever un maximum de caca. Il faut enlever d'abord un maximum de caca et après, vous pouvez vous torcher avec la main gauche. Je pense que... Je pense que tous les auditeurs sont heureux. Peut-être que les Indiens nous écoutent. Retenez un petit peu. Deux secondes. Alors, je vais juste finir. Je tenais à parler aussi, puisqu'on parle pas souvent, des juifs. Alors, il va y avoir, peut-être qu'on va aller. Je veux des procès, toi. Alors, certains juifs orthodoxes, en Israël, ou même du monde, après la circoncision qui arrive, je sais pas, 4 jours après. Sixième jour. Ouais. Nettoient la plaie avec leur bouche. Voilà, je sais pas si vous l'ignorez. Il y a eu des cas d'enfants, des bébés qui ont eu de l'herpès. Qui ont eu de l'herpès. Donc. C'est culturel aussi quelque part. Alors juste pour cette histoire de circonstance des Juifs, j'ai fait une émission là-dessus il y a très longtemps avec une personne qui s'appelle Jean Duchazeau, donc vous pouvez la retrouver sur internet. Et explication très intéressante de Jean Duchazeau, c'est que selon lui, on fait cette circoncision à ce moment précis qui est au moins, je sais pas, c'est trois, sixième ou septième jour. En fait, c'est vraiment les premiers jours du nouveau-né. Et ça a un but, c'est que ça fait développer ta fameuse hypophyse, la fameuse glande pinéale. Elle devient énorme. Et on sait que c'est la glande qui est liée à la création, qui est liée à l'intelligence, etc. D'accord. On en déduit ce qu'on en veut, mais c'est quand même extraordinaire que... Ça a été étudié ou quoi? Le peuple est... Ah ben, je vous réfère à l'émission, il explique tout ça dans l'émission. Pas si tôt, après on prend un tweet. Alors moi, je vais venir les défendre pour une simple et bonne raison. Non, mais on vous aime bien. On n'a rien dit. Je vais tempérer la chose. La salive est un antiseptique naturel ultra puissant, et les Romains utilisaient la salive de Labrador. D'où les herpès. Donc autant, quitte à utiliser une salive, autant que ce soit celle en fait de tes parents et pas d'un chien, tu vois. Ouais, voilà. Si tu veux les projets de la médecine, on fait que t'as pas besoin de sucer ton fils. Voilà. Après, effectivement. Non, mais ça a rien de sexuel, je pense. Ouais, là, à ce niveau-là. Ah, faut l'oser quand même. Mais bref, c'était juste pour remettre les choses en perspective. Les traditions ont souvent des choses un peu. Faudrait inviter juste, excuse-moi, je te coupe, faudrait inviter Daniel Cohn-Bendit pour qu'il nous en parle. C'est un bon spécialiste. On a un petit tweet. Voilà, je tenais juste à finir là-dessus, sur les cultures. Et la culture occidentale est quand même la plus ouverte, la plus tolérante. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut parler d'une appropriation culturelle avec détresse, quoi. En n'importe où, là, ça, tu mets une claque, ça finit pas sur Twitter. Mais là, on est ouvert au dialogue. Vas-y, un petit tweet, Mire. On avait Nicolas qui nous disait, pour revenir sur la citation, un Indien sur deux fait caca par terre. C'est un peu normal quand la moitié de la population n'a pas accès aux toilettes. Ce que Palekou, que je remercie, a retrouvé justement. L'UNICEF en fait avait fait à un moment toute une campagne justement à ce sujet pour pouvoir financer des dons, pour pouvoir construire des toilettes. Exactement. Ah bah c'est quand t'as pas de toilettes dans ton pays, est-ce que tu peux venir tester la culture des autres, tu vois? Bon. Et alors je vais aussi parler des Chinois, juste pour en finir. Les Chinois sont quand même des gens qui mangent absolument tout. Ils mangent des pénis de tigre notamment. C'est pas stylé ça, tu vois. Donc ils bouffent. Je crois qu'ils font de la pêche aux requins avec des chiens. Voilà, il faut quand même relativiser sur les cultures qu'ils veulent tous. C'était juste pour. Non, ils ont pas le même rapport aux animaux, mais c'est en fait pour eux c'est une fierté d'être le peuple. Je sais pas comment ils s'appellent, mais ils ont. En fait, ils le revendiquent. C'est le peuple du milieu. Non, c'est pas ça. C'est que ce sont les gens. Ben, ils se revendiquent comme étant ceux qui mangent tout. Mmh. Oui, pour eux c'est l'homme qui domine toute la nature. Quand j'avais vu un reportage là-dessus, ils se baladaient dans le marché, et le mec il sortait des brochettes des toiles de mer, de trucs super bizarres que jamais t'irais manger. Et eux, ils adorent ce délire-là de manger de tout. Après, tu vois, je suis attention. Bon, Papa Sto, t'as quelque chose à ajouter? Ben, ils se sont mis récemment, ils se sont mis à manger du Ouïghour. C'est un gros bordel parce qu'ils sont en train de me laisser. C'est les musulmans chinois. Donc, s'il vous plaît. Fallait comprendre la blague. Ne lancez pas un nouveau génocide, ça suffit. Ne mangez plus vos Ouïghours, s'il vous plaît, les Chinois. Oh merde. Il y a encore un lécheur de burrito qui va faire une vidéo. Bon, bah écoutez, on va passer directement à la prochaine rubrique, le cuck de la semaine. C'est parti. Le cuck de la semaine. Alors au début on avait hésité, honnêtement, avec l'affaire Théo qui revient, on avait hésité à foutre François Hollande. François Hollande qui est allé au chevet quand même de Théo, dans sa grande inutilité. Il avait fait sa petite apparition, on ne sait pas pourquoi, peut-être un coup de com' pour être réélu, mais il a été devancé par Macron. Au final, on n'a pas choisi François Hollande, on a choisi Jawad. Jawad parce que en ce moment c'est la rouverture du procès donc des attentats du Bataclan de septembre 2015, c'est ça? Novembre. Ouais, novembre. Okay. Novembre 2015. C'est la réouverture du procès et Jawad, le phénomène, hein, on peut l'appeler comme ça, est donc en train d'être convoqué au tribunal, quoi. Et il nous fait un sacré. Et il nous fait son numéro. Et je sais pas si quelqu'un tout de suite a envie de dire quelque chose sur Jawad. Bah Jawad, il nous a fait beaucoup rire, quoi. Enfin moi, je suis comme vous. J'ai découvert le personnage depuis. Il était déjà marrant. Quand il s'était fait arrêter, on se souvient tous de ce truc, j'étais pas au courant, moi je savais pas, il y avait tellement de trolls en plus qui étaient tellement drôles sur ça. Ah bon, on m'a dit qu'il y avait, qu'ils allaient tout faire péter, je croyais qu'on allait faire la fête, on va se foutre de sa gueule. Oui, c'était le grand jeu, oui. Il était quand même excellent. Les 500 chansons hébergées les tous. Ah, voilà. Et là, il est parti quand même, là, dans son show, il a encore monté d'un cran, parce que quand même, là, ça devient sérieux, il risque la prison. Il est aux assises, oui, il est aux assises. Et il nous fait encore son show, et J'ai entendu, par exemple, qu'il a dit « Oui, je suis grillé, je pourrais pas faire mon business de cocaïne à cause de ça, je voulais ouvrir un nouveau terrain. » 150 000 euros. À cause de vous. Enfin, c'est quand même à mourir de rire, quoi, cette affaire. C'est presque incroyable que, en fait, que ce troll-là, il soit arrivé là. Enfin, je sais pas. Alors, moi, je réagis, t'as dit, il risque gros, etc. Non. Alors, moi, je croyais. Et j'ai été vraiment stupéfait. Des peines encourues. Alors, on est sur, alors, les peines exactes, c'est, pour Jawad, recel de malfaiteurs terroristes. Voilà, je pense qu'on a, on a fabriqué un truc. Ouais, ouais, ouais, et pour l'autre, c'était non dénonciation de terroristes. Ce qui est, en fait, l'équivalent, en néo langage, quoi, de complicité. En off-langue. En off-langue, voilà. De complicité. Ils encourent combien? Entre 5 et 6 ans. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es au courant d'une action terroriste. Tu héberges un terroriste. Et alors, on essaye de nous faire croire, alors j'ai lu exactement le procès, on essaye de nous faire croire que c'est parce qu'il est intéressé par l'argent, la cocaïne, le trafic, c'est un marchand, tu vois. Mmh. Pas du tout, en fait, c'est, alors oui, il y a de l'argent en jeu, mais c'est surtout par complicité idéologique. Le mec n'a pas fait ça juste pour des dinars, tu vois. Il a fait ça parce que derrière, il soutient quand même à un minimum la cause. D'ailleurs, de quoi? Qui soutient la cause terroriste. Bien sûr que non, parce qu'il faut que ce soit à ses propres aveux. C'est le problème de la justice, si tu veux. Mais si tu veux, moi j'ai suivi un petit peu le truc du procès, et t'as quand même tout le monde qui ment au procès, tout le monde qui rigole. T'as les victimes, les familles de victimes, qui sont là, et qui ont pas envie de rigoler à Jawad. Et t'as les avocats qui se marrent, la juge qui sort des petites blagues à Jawad. Mais où sommes-nous, tu vois? Il y a un manque de respect terrible. On n'est pas là pour rigoler de Jawad, le trafic de cocaïne, et pas là pour lui mettre 5 à 6 ans de prison. C'est-à-dire que le mec ressort et tout ce qu'il a à faire, c'est recommencer. En fait, c'est pas du tout dissuasif. Je prends un mec en Italie là qui a récemment écrasé pour se venger d'un meurtre commis sur une lycéenne. Il est parti écraser des musulmans, je crois, à la sortie d'une mosquée. Il conduisait, c'est ça. Il a pris 47 ans le lendemain, tu vois. Là, on est sur de la complicité, donc c'est pareil. Tu vois, en fait, c'est pareil, c'est organiser le coup. Il y en a qui ont les couilles d'y aller, il y en a qui fournissent le matelas, tu vois. Sur de la complicité, et la justice française juge que c'est 5 à 6 ans. Donc, créer des nouveaux termes, donc recel de malfaiteurs terroristes. J'avais jamais entendu ça. Non-dénonciation des terroristes. Bon, complicité, ça ira plus vite, tu vois. Oui. Alors, t'as quoi? T'as une femme qui prend pour complicité d'homicide, c'est plus que 5 ou 6 ans, je pense, tu vois. Là, on n'est pas sur un homicide. Bon, quand même. Bah, surtout qu'en théorie, les complices, au point de vue de la loi, ils sont au même niveau de responsabilité qu'un accusé, quasiment. Mais Abdelslam, il me semble qu'on a voulu le mettre dans une cellule de déradicalisation qui était fermée. Et alors, c'est quand même connu, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc où ils avaient prévu une séance de détente où tu caresses des hamsters pour te faire revenir dans l'humanité, parce que ils sont toujours sur ce constat que les mecs sont dérangés psychologiquement, tu vois. On parle toujours, vas-y Papacito, parce que sinon moi je, vas-y Papacito. Faites-lui caresser un fennec, déjà, respectez sa culture. Respectez, écoutez-moi, le fascisme en prison, j'en ai marre. L'État français est un État assassin. Faites-lui caresser des fennecs. D'accord? Ne le forcez pas à s'approprier le hamster européen. Bon, ensuite, un peuple qui a voté massivement pour Macron ne mérite qu'une chose, c'est d'avoir un mec avec un survêt du Bayern de Munich qui arrive à la barre et qui leur dit « Wesh ma gueule, mon point de vente il va sauter à cause de vos conneries ». Non mais à un moment, la France arrive à un tel niveau de détestation d'elle-même, elle s'est tellement compromise dans toutes les mésalliances qu'elle a fait, que je pense que si on met ça en perspective avec les grands procès de l'histoire... Tu vois, Nuremberg et les procès de Moscou, moi ouais. Je pensais, mais... Non mais je te parle, les procès à la française, tu sais, où il y avait toujours des grandes phrases, l'accusé, il arrive, il dit, voilà, vous mourrez, mes idées suivront, tu sais, voilà, le procès Callas, tout ça, des trucs super nobles et tout, et là, t'as les institutions françaises qui sont face à un mec qui débarque et qui leur dit, wesh ma gueule, et en fait, au final, c'est bien fait, parce qu'en fait, ils récupèrent ce qu'ils ont produit, ils récupèrent la finalité... l'aboutissement total de la merde qu'ils ont produit, et en fait il n'est même pas à la hauteur des institutions qui le jugent. C'est là où c'est tristissime, quoi. Alors juste avant Croblon, on a un tweet on a des questions en fait qui reviennent assez souvent. Les gens se demandent qu'est-ce que ça veut dire cuck, en fait. Cuck, alors c'est de l'anglais pour cuckold, c'est le cocu, voilà, c'est être cocu. C'est une petite mode aux États-Unis. Il y a des couples de blancs dans les États anciennement esclavagistes. Ils vont dans des espèces de maisons closes et le mec regarde sa femme se faire sauter par des noirs, en fait. Ah, c'est ah oui, c'est vraiment pour les poignards. D'accord. Ah oui. C'est Blackhead. Ah ouais, Blackhead. Le mec est là, assis sur une chaise, et regarde sa femme sur un lit en train de se faire gang bang par des noirs. Ok, d'accord. Bah, tout à l'heure, oui. En fait, je suis assez étonné. Je croyais que t'allais dire, t'étais au courant. Moi, je suis la première fois. Comme tu l'as dit, en fait, c'est la première fois que j'entends ce chef d'accusation de recel d'individus terroristes. Recel de maghrébins. J'ai toujours, à propos des affaires terroristes, j'ai toujours entendu le même chef d'accusation. Je pourrais pas le dire, là, je crois que c'est, association de malfaiteurs à viser terroristes, quelque chose comme ça, hein. Et je crois qu'en fait, ils essayent de minorer la gravité des faits. Je crois qu'en fait c'est juste politique pour essayer de faire croire que, enfin, le djihadisme est derrière nous, tout ça c'est fini, c'est ça. Qu'il y a très peu de maghrébins ou de musulmans en tout cas, parce que c'est vrai que les musulmans qui sont investis dans ces questions-là, ils adhèrent aux thèses djihadistes, et je pense qu'en fait c'est juste pour minorer, on va dire, la complicité par Jawad, la complicité globale de la population musulmane avec les djihadistes. On a un autre tweet. On est en train de se faire accuser d'appropriation culturelle pour avoir repris le terme de coq. C'est un troll, c'est vrai. Je pense pas que la trite nous condamnera. N'hésite pas. C'est extraordinaire, parce que ce que je viens de dire, voilà, pour rebondir sur ce que vient de dire Cro-Blanc, sur le fait que ce Jawad là est qu'on le effectivement ouais en minor, et c'est vrai que le côté un peu qui se donne de bouffon là dans cet esprit, bah ça enlève le drama vraiment qu'il y a, parce que c'était quand même les attentats, il a hébergé des terroristes chez lui, etc. Tout ça est un peu balayé, un peu remis en arrière-plan, quoi, et finalement ça va dans le sens que tu dis, que finalement ça minore un peu tout ça, finalement, ce Jawad, à la fin, peut-être que, comme tu me dis, on nous dira, bon, bah non, allez, il prend 3 ans, il était trop con, en fait. Avec la remise de peine. Voilà. Vas-y, Cro-Blanc. Mais en fait, je veux dire, il y a deux choses qui sont vraiment atroces avec cette histoire de bouffonnerie jawadique. Mmh. Et déjà, ce que les gens oublient, ça, j'ai vu ça, c'est un Damien Rieu qui avait retweeté ce tweet, et que c'est assez drôle quand le mec, tout le monde est en train de le prendre pour un bouffon, mais oublie qu'il a quand même pris 10 ans de prison parce qu'il a tué un de ses meilleurs amis à coup de hachoir, le mec. C'est vrai. Donc c'est pas un bisounours, ce mec, là, déjà. Tu te demandes que foutait le mec dehors, je sais pas quelle peine il a pris. Il a eu une remise de peine de fou, parce qu'apparemment, ouais, il a tué son pote, et après, il est ressorti quelques années après. Il a tué un de ses meilleurs potes à coup de hachoir, là, je dis n'importe quoi, mais pour schématiser, il a dû prendre 15 ans, après, avec les remises de peine, ça fait du 7 ans, et puis il y a eu des trucs exceptionnels, des voix d'Ati, des machins, il en a fait 3 ans. Et moi, si tu veux. Attends, je finis. Et la deuxième chose qui est répugnante, mais ça, on l'a déjà abordé, c'est le manque de respect pour les victimes, quoi. Mec, il a des parties civiles, des gens qui ont perdu leurs enfants. Il y a plus de 500 parties civiles, il y a 110 avocats. Des gens qui ont perdu leurs enfants, leurs conjoints, leurs parents, qui se sont fait tirer dessus avec des ogives de guerre. Les corps devaient être dans des états pitoyables. Et le mec est en train de parler de points de vente, de deals de cocaïne, et qu'ils ont ruiné sa vie. Et à côté, il pourra pas vendre sa coke. Mais ces mecs-là, normalement, excuse-moi, si on vivait dans un pays normal, ils devraient être contre un poteau, et ils devraient s'accuser. À côté, t'as les avocats qui se marrent. Tu vois, ils disent, j'ai pas pu retenir. T'as la juge qui lui dit, elle était bonne votre coke, mais on est où, tu vois? La juge, elle est. Oui. Attends, mais on est où? Et tu te dis, en fait. Si elle n'est pas du syndicat de la magistrature. C'est ça. On en fait n'est respecté que ce qui est respectable, tu vois. Et la justice française, par son laxisme, qui est lié complètement à une idéologie politique, parce qu'aujourd'hui c'est au pouvoir du politique, les magistrats et les tribunaux, aux yeux de tous les malfaiteurs de France, ils se foutent de leur gueule, tu vois. Ils arrivent au tribunal, ils font des doigts, ils font dédicace aux potes du Tchécard. C'est, on dirait, le film La Vengeance de Marseille, tu vois. Vous m'avez l'air bien. Non, mais en fait, la rigueur des tribunaux français et de ses magistrats n'est égale qu'à la dignité du peuple français. Le cœur de la semaine, en vérité, c'est le peuple français. Les institutions ne seront jamais que le reflet du peuple. En fait, on a ce qu'on mérite. On le mérite totalement. Voilà, vous regardez les tendances YouTube et vous savez ce que vous méritez. De toute façon, tous les sujets qu'on aborde, reviennent à cette question. Et moi, je trouve. L'appropriation culturelle, un pays normal. Vous croyez que tu vas aller faire chier Poutine avec l'appropriation culturelle? Non, mais qu'est-ce qu'il va faire? La minorité qui vient lui casser les couilles, il va dire, bon, ok, t'es gentil, mais tu vois, t'es noir, tu te revendiques tes racines noires, ta culture noire, bah, tu vas aller, en parler avec tes amis africains en Afrique. Mmh. Il va prendre 2-3 paquebots et il va faire ça dans l'heure. C'est pour ça que les mecs vont jamais lui casser les couilles avec ce genre de questions. Parce que nous, en France, on est toujours là, on est devenus des mecs. Ouais, vas-y, pas passe-toi. Non, juste, moi, je trouve que c'est le symbole, de façon plus sérieuse, je trouve que c'est le symbole de ce pays est en train de se tirer vers le bas au niveau de l'exigence, de nos jugements de valeur, de notre façon de voir les choses. C'est-à-dire que là, c'est le point d'orgue, je crois. C'est que vraiment, on a la toute-puissance d'un côté et de l'autre côté, l'institution castrée, l'institution qui ne rime plus à rien. Et aujourd'hui, c'est plus dangereux de ne pas payer ses impôts que d'aller héberger des terroristes. Et c'est très symbolique de la guerre qu'on fait au peuple français, qui est la classe moyenne. Parce que je reviens toujours à ça, je suis désolé, mais je crois que c'est symbolique. Ces gens-là ont plus de privilèges à la baffe que n'importe quel pauvre mec de la classe moyenne qui va pas être médiatisé, sur lesquels on n'aura pas fait de blague, qui n'aura aucune sympathie et qui, lui, sera suffisamment rationnel pour se faire punir et l'accepter. Alors qu'on est face à des gens qui vraiment ont débordé, ne sont pas contenus du tout et qui vont s'en tirer à très bon compte. Blanc. Et moi, en fait, j'avais lu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a l'avocat de Riposte Laïque suicidé. Oui. Il s'est fait suicider. Non, il s'est suicidé parce qu'il prenait des pressions monumentales. Il prenait des pressions monumentales, le mec, par tous les gauchistes de l'enquête. Parfait. Parle plus fort, parle plus fort. Et en fait, ce mec avait écrit une sorte de testament pour les foules. Et je l'avais lu. Et ce que j'en avais retenu, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le pouvoir, par exemple, face à un tribunal, appartient aux gens qui ont la plus grande capacité de nuisance. Par exemple, on va beaucoup plus respecter une bande de gens du voyage qui vont être capables de bloquer une autoroute, mettre des coups de pression, arrêter, prendre d'assaut un commissariat, etc. Même s'ils sont 20, même s'ils sont 20 ultra déterminés avec des fusils qui sont prêts à aller jusqu'à la mort, ils seront beaucoup plus respectés. Il y a le préfet qui va se déplacer, et le commissaire, etc. Tout le monde va se déplacer pour venir les calmer et tout ça. En revanche, tu as 1 million de personnes qui avec des petits serre-têtes et des petits tailleurs, tout mignons, qui au premier coup de sifflet vont rentrer chez eux, qui débarquent sur la Champs-Élysées, personne n'en a rien à foutre. Là, je parle du mariage. J'avais compris. Là, personne n'en a rien à foutre, et pourtant, ils sont 1 million de personnes. T'as un tweet, Amir ? Le premier coup. Enfin, tout à l'heure, tu disais qu'on rabaissait la France, mais il faut soutenir les jeunes entrepreneurs comme Jawad, qui justement voulait se lancer dans un business de cocaïne. Moi, je dis, il faut soutenir les jeunes entrepreneurs. C'est vrai que Jawad a compris où il a foutu les pieds. Tu vois, il s'est dit, bon, ici, c'est à Grabat, quoi. Il s'est dit, ici, c'est pas l'Algérie. Parce que si c'était l'Algérie, il aurait fini dans un trou avec l'anus en berne. C'est ça, je le dis. C'est vrai. Ouais, il aurait fini dans une forêt. Oui, oui, il aurait fini. Moi, j'avais entendu un Algérien, qui je sais plus si c'était Aldo Sterone ou quelqu'un comme ça, qui avait expliqué qu'en fait, pendant des années, ils ont essayé de combattre, de faire baisser, de réprimer le terrorisme en faisant comme nous du social, en faisant caresser des hamsters, en allant aider les gens, en donnant de l'argent, etc. Ça n'a jamais fonctionné. Ils ont essayé de faire ça pendant 10 ans. Ça a été l'époque du FIS, du GIA et tout ça, des villages entiers qui se faisaient égorger et tout ça. Le jour où l'armée a dit on en a marre, ils sont allés chercher les mecs à 5h du mat chez eux, tous les mecs qui étaient fichés, ils les prenaient. Le premier mec dans la famille, le cousin, le frère, le père, qui disait « Ah non, mon fils, et tout ça », ils le prenaient avec lui. Ils l'amenaient dans la forêt, ils lui faisaient creuser un trou, voilà. On sait comment ça termine. C'était fini en 6 mois. Mais à l'échelle d'un pays, ce que tu viens de dire, c'est Saddam Hussein. C'est non, mais c'est vrai, c'est Saddam Hussein, c'est Kadhafi, ce sont des gens, c'est Poutine. Pourquoi on les admire ? Parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui est injuste, non pas au regard de la loi des hommes, mais au regard de la logique et au regard de Dieu, si on est croyant. Et ces choses injustes doivent être punies. Et de temps en temps, eh ben, il y a un envoyé de Dieu qui s'appelle Saddam Hussein ou Poutine, qui débarque et qui fait couper 300 têtes dans la journée. Là, j'ai vu une vidéo qui m'a fait beaucoup de bien. C'est un espèce de journaliste. On va y arriver. Donc j'ai vu une vidéo. C'était un capitaine de l'armée irakienne qui avait attrapé 300 djihadistes. Ils ont chopé un convoi de djihadistes aux alentours d'une ville syrienne. Je sais plus si c'est Raqqa, qui est en train de fuir. Ils leur ont fait creuser un trou pendant 3 jours. Ils les ont mis dedans. Et en fait, il y avait un journaliste européen qui était en train de dire. Mais qu'est-ce que vous allez leur faire? Et la convention de Genève. Et si tu veux, t'avais un gros moustachu qui disait, ouais, vas-y, va à 100 mètres, là, s'il te plaît, parce que là, voilà. Donc le mec était là, oui, mais qu'est-ce qui va leur arriver? Il était en train de s'enquérir de qu'est-ce qui allait arriver aux djihadistes. Bon, moi, vu la gueule et la moustache du mec qui était responsable du futur massacre, il n'y avait aucun doute là-dessus. Le type s'est reculé. Là, t'as une espèce de voix off très arty qui dit, ces djihadistes n'auront pas droit à un procès. Le capitaine, je sais plus comment, les a fait mourir dans son trou avec trois coups de rafale. Si, il a fait un procès de Jules Red, quoi. Eh ben, il nous faut ça en France. Plus de moustachus avec des bérets de l'armée irakienne. D'ailleurs, je vais réagir là-dessus. Et on va essayer de mettre un petit peu de relativisme dans le jugement en France, les peines, etc. Alors déjà, il y a deux choses que je voulais souligner. La première chose, c'est la tendance chez ce qu'on appelle les racisés, en fait, et à ne jamais se remettre. Ne reprends pas leur terre. Non, mais je les reprends, ouais, je les reprends volontairement pour montrer. C'est à ne pas se remettre en cause. Et on le voit chez Jawad, c'est. Je savais pas que je veux héberger. Je faisais. Ouais, non, mais si tu veux, c'est dans tous les criminels, mais c'est en particulier là-dedans. Ça, c'est la spécialité des rôles. Oui, mais ça, oui, j'entends c'est ça depuis que je suis gamin. C'est... Ouais, t'es pas moi. C'est très sémitique. Voilà, c'est très sémitique. C'est la colonisation qui a poussé Jawad à ouvrir sa porte. Et, non, mais c'est ça. Et en fait, à côté, t'as l'extrême gauche qui les pousse à toujours utiliser cette rhétorique de c'est parce que les autres sont racistes, c'est parce que les blancs ont fait ça, c'est parce que ceci. Et en fait, déjà, cette mentalité de ne jamais se remettre en question, de ne jamais prendre du recul sur soi et voir se regarder dans la glace, en fait. Ça fait que tu ne progresses pas dans la vie individuellement, mais quand c'est un comportement de groupe, bah ton groupe ne va y croire blanc. C'est pour ça que je pense qu'en fait, tous ces délires-là d'antiracisme, je pense que c'est une énorme douille, en fait, qui est mise à toutes ces populations. Mais on en reparlera dans l'antiracisme. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une grosse douille, tous ces trucs-là. On leur dit toujours. C'est comme nous, en fait. On est exactement dans le même schéma. Ce que je veux dire, nous, culturellement, on va dire les fachos ou les patriotes. C'est-à-dire, généralement, on nous dit c'est de la faute des Arabes, c'est de la faute des Juifs, c'est de la faute des Noirs, etc. Non, mais là, je schématise, j'accuse personne. Et en fait, c'est notre faute à nous, en vérité. C'est notre faute à nous, nos adversaires ou nos concurrents, parce que ce ne sont pas nos adversaires. Ou même les gens qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues ne sont jamais aussi forts que quand nous, on est faibles. Donc c'est à nous de nous améliorer. C'est pas à essayer de dénoncer les autres. De toute façon, c'est pas en dénonçant les autres que les autres vont dire « Ah, vous avez raison, on va arrêter. On arrête. » C'est la deuxième chose que je voulais souligner. C'est qu'avec en fait ces gens-là, et ça, les Français n'arrivent pas à le comprendre. Parce qu'en fait, il y a une sorte de suréducation qui fait que les gens arrivent à se dire « Oui, bon, par l'éducation, on n'a pas besoin de mettre des fessées. Par la loi, il suffit d'un rappel à l'ordre. » Non, en fait, il y a des gens qui ne comprennent qu'un rapport de force brutal. C'est comme ça que ça se passe dans les pays du Maghreb, etc. Ils parlaient de Saddam Hussein parce que entre eux, ils ont déjà compris qu'il fallait se tenir très sévèrement. Mais bien sûr. Et l'islam, d'ailleurs, est fait sur des punitions très dures, sur des promesses d'enfer, etc. Mais... C'est comme ça que, en fait, certaines ethnies fonctionnent. Vas-y, Papesto. Te pas. Ah bah juste par rapport à ce que tu disais, parce que là, c'est exactement ça. C'est que les réactions, en fait, tu vois, qui sont justement des réactions culturellement mais complètement différentes. On va parler de l'appropriation culturelle. Pour parler justement d'appropriation culturelle. Mettre 5 ans, c'est une appropriation culturelle. Bah, par exemple, chez les, entre guillemets, je vais prendre un exemple, chez le petit Européen, ses parents, ils vont lui dire, si on t'embête à l'école, tu vas voir le professeur et tu vas voir le directeur. Le petit Maghrébin, le petit Africain, ses parents, ils disent, tu t'embêtes à l'école, tu m'en fous une. Non, mais c'est une réalité. Et ça, c'est un truc. Et c'est pour ça. Et c'est ça le fond du rapport. Et c'est pour ça d'ailleurs que même quand ils vont grandir, le blanc, il va jamais raisonner. Ouais, je vais te taper. Il va appeler la police. Tu vois. Alors que le noir, c'est un problème. Il va t'en foutre. Il faut le dire sur certains aspects, c'est un défaut parce que c'est quand même un manque d'éducation ou de même de contrôle de ses nerfs. Sous de nombreux aspects, c'est une qualité parce qu'aujourd'hui, ce qui manque aux gens, c'est d'arrêter d'être des serpillières, quoi. Pas plus. Alors moi, je vais citer une phrase de mon copain Abdallah, donc Sahraoui de son état. Pour les auditeurs, c'est quelqu'un qui vit dans le Sahara. Donc c'est pas la côte avec les putes et les lunettes de soleil, c'est le Sahara, quoi. Donc c'est un milieu violent. Et mon pote Abdallah, je lui passe le bonjour, il est à Toulouse, m'expliquait, il m'a dit une phrase très belle. Il m'a dit, tu sais pourquoi il y a des salles de torture dans les pays arabes? Il m'a posé la question, il m'a dit, tu sais pourquoi il y a des salles de torture dans les pays arabes? J'ai dit non. Il m'a dit, parce qu'on est dans un monde, le monde arabe, où tant que le cerveau ne touche pas la paroi du crâne, en fait, les mecs ne lâchent pas le morceau, quoi. Et tu vois, il m'expliquait ça, mais il me disait tranquillement, c'était acquis. Il me disait, il faut que le cerveau touche la paroi du crâne, et quand il commence à avoir des chocs répétés du cerveau contre la paroi du crâne, le mec va te lâcher le morceau, quoi. Voilà. Il va comprendre, en fait. D'où d'ailleurs, le très grand succès de Mohamed VI et de Hassan II, son père, qui sont des gens qui ont compris que leur sujet, c'était pas le Luxembourg, c'était le Maroc, et qui, du coup, ont mis des gifles adaptées. Ils ont été violents. Ben, ils ont des images plutôt... Non, alors, le père a été très violent. Le père Hassan II, il y a des mecs qui sont cloués à des chaises dans des sous-sols au Maroc. Voilà. Ça fait 20 ans. Oui, voilà. Et puis, quand il venait chez Anne Sinclair, à l'époque, sur TF1, il expliquait pourquoi vous vous faites chier à vouloir assimiler des Marocains. Ils seront jamais français. Voilà. Et c'était le roi du Maroc qui... Et c'est un très bon roi. voilà. Si ouais, c'est très intéressant. Je pense, j'imagine. Ah, aujourd'hui, il serait peut-être même en procès dans mes histoires. Parce qu'un blanc qui dit ça, oula. Ça pose la question. Non, il prend plus que Jawa. Alors, j'ai juste un truc à dire avant. Donc, il y a une meuf qui est aussi dans l'histoire parce qu'ils ont pris conversation téléphonique, etc. Je peux vous garantir qu'elle aura une peine inférieure aux autres. On verra bien, mais je peux. C'est ça la justice. En tant que femme. C'est-à-dire ouais. que maintenant, au lieu d'avoir une loi et une application de peine, et qu'on applique la peine, aujourd'hui, la fille, bon, elle a l'air sympa, c'est 4 ans, tu vois. L'autre, il est insolent, c'est ouais, ça. C'est circonstancié par rapport à ton groupe d'appartenance. Voilà. Il y a déjà des excuses qui sont toutes faites. Et moi, donc, je voulais revenir sur un truc que t'as dit, Croblanc. Ça pose aussi la question des gens qui adhèrent à l'idéologie islamiste radicale. Et je pense que le nombre de gens qui y adhèrent va réellement sous-estimer en France. Oh, tu sais qu'ils essayaient en ne parlant pas de complicité, ils essayaient de réduire cette chose-là. Et moi, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire qu'il y aura toujours ceux qui agissent, mais il y a ceux qui vont donner, qui sont en termes d'argent, en termes de location, ils vont héberger, ou alors ils vont simplement cacher. Je veux dire, il y a des gens que je crois, il y a eu des sondages. Il y avait 30 et quelques pourcents qui disaient que non, ils diraient rien s'ils étaient au courant, tu vois. Et ça, c'est un truc à ne pas sous-estimer. C'est-à-dire qu'on peut avoir des populations autant assimilées que vous voulez, surtout, c'est pas le cas, en fait. Elles auront un rapport avec cet islamisme, même si elles ne sont pas elles-mêmes terroristes, quoi. Vas-y, Croblanc. Ne serait-ce que l'aspect de l'encouragement, quand quelqu'un valide. Tu vois, peut-être qu'il va pas aller plus loin que ça, mais par exemple, tu vas entendre que, par exemple, Jawad va accueillir des terroristes. Voilà, il a entendu, il connaît Jawad, et peut-être qu'il va pas le condamner. Il va lui dire, ouais, c'est bien de soutenir tes frères. Alors on peut parler de la justification. Alors, l'Occident, les gouvernements nous ont mis, en fait, dans la merde. C'est-à-dire, c'est indépendant de la volonté du peuple. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont donné ces raisons. Ils sont partis attaquer tous les pays du Moyen-Orient, etc. Mmh. Et donc, maintenant, on se prend cette justification à la gueule pour toujours, en fait. Et donc, c'est un clivage qui est... C'est comme le conflit israélo-palestinien, c'est un truc qui donnera toujours des raisons... C'est comme la colonisation. C'est ça. Sauf raison, il y a une espèce de posture un peu, de toute façon, hypocrite. Parce qu'on est dans la semaine... Alors, je sais pas si on est arrivé aux news de la semaine encore. Mais... Alors, les news de la semaine, parce que cette semaine, j'ai vu une interview de... Ah, c'est une bonne nouvelle après, mais c'est pas grave. Ah bah, c'est une mauvaise nouvelle, alors il faut mieux que la liste. Donc, en fait, c'était une interview qui est passée sur CNews avec une journaliste qui s'appelle Sonia Mabrouk, assez connue d'ailleurs, et qui avait interrogé donc un monsieur qui s'appelait Amin Elbaï et qui était le frère d'une djihadiste en Syrie. Et qu'est-ce qu'il faisait, ce monsieur? Il demandait solennellement le retour de sa sœur. Et pourquoi? Parce que, évidemment, c'est la faute de la France. Parce qu'on n'a pas réussi à imposer le vivre ensemble et parce que... Non, je croyais que t'allais dire c'est parce qu'on l'a laissé partir. Ah non, ah si, il le dit aussi. Ah, ça aussi. Alors j'adore parce qu'il dit... Qu'il faut mettre un flic derrière chaque robot. Alors attends, juste, c'est extraordinaire parce qu'il dit, justement, oui, déjà, premièrement, c'est la faute, on l'a laissé partir. Mais quand on lui dit, mais attention, Sonia Mabrouk lui dit, bon, elle fait un peu l'avocate du diable, elle dit, mais moi, je veux pas qu'il revienne, la majorité des Français ne veulent pas que ces gens-là reviennent. Et ce qu'il lui répond, il lui dit, mais attention, s'ils reviennent, vous voulez pas qu'ils reviennent, attention, ils pourront quand même revenir et ils feront des attentats. C'est extraordinaire. Donc il dit, menace, si on les laisse pas, voilà, on les laisse pas revenir, il y a risque d'attentat, ils vont revenir, donc autant les faire revenir. Mais ça, c'est un peu, voilà. Ils n'arrivent pas à, ils sont encore, enfin, le monsieur, il est encore dans le déni en disant, c'est la faute de la France. C'est évident. On va rebondir sur un tweet, D'abord, toutes les personnes sur Twitter sont très contentes de la vidéo de Babacito, elles sont très contentes du ton de Babacito, là, et un vrai fan club est en train de se développer. Papa, il a été trop absent d'internet, on va le mettre ça. Partout. Vous pouvez le suivre sur Twitter, mais vas-y. En tout cas, nos éditeurs ont également vraiment hâte de voir une vraie opposition des personnes opposées, de personnes... Écoute, c'est très bien que t'évoques ça. Alors moi, j'ai invité officiellement Usul Compagnie, ils ont refusé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Précisez tous, parce que je pense qu'ils se méritent d'être nommés. Bonjour Tristesse, Usul et Wesh Wesh les amis. Et Osons causer. Osons causer. Ils ont refusé. C'est pas qu'ils ont refusé, c'est qu'ils ont même pas. Pire, ils n'ont même pas répondu. Ils n'ont pas répondu. Hey, Papesto. Alors moi, je voudrais vous dire que j'ai contacté Al-Baghdadi et prêt. Al-Baghdadi est prêt à venir se confronter à moi. Voilà, pour qu'on parle du lycée du Mirail. Il a pas aimé ce que j'ai dit la dernière fois. Il m'a dit, frère, t'as trahi la cause. Et donc, la semaine prochaine, normalement, nous aurons en exclusivité. Al-Baghdadi fera un débat avec Papacito. Vous allez vous régaler. Si vous voulez, cet argument, j'ai entendu. Je le comprends, mais ça suffit un moment parce que on va en inviter un. Vous allez dire, mais vous étiez trois contre lui. En fait, vous serez jamais heureux tant qu'on n'aura pas, tant que ce sera plus moi qui présente l'émission. Vous voulez que ce soit Usul qui présente l'émission et que moi je sois invité chez Usul. Moi, je suis revenu chez Usul. Je vous le dis avec toute l'honnêteté du monde. Moi, j'étais prêt à leur donner les sujets en avance. À leur dire voilà, on va parler. C'est pas un rendez-vous pour les clasher. C'est fait pour discuter. Et en plus, c'était du 1 contre 1 en plus. Voilà, moi j'ai même proposé du 1 contre 1. Donc voilà, ils ont refusé. Je sais qu'il y en a d'autres. On aura d'autres invités. Mais voilà, j'attends qu'ils se proposent à moi. Écoutez, moi, je pense pas que mon émission passe à la trappe. Hein. Je pense que tout le monde est à peu près au courant, plus ou moins. Donc maintenant, j'attends qu'ils se présentent à moi. Ce n'est pas ma responsabilité. Vas-y, Crouvin. On veut pas des randoms. C'est ça. On va pas prendre le premier mec qui va se proposer. On veut des mecs avec un minimum de background et un minimum de followers. Sauf no-name, on peut faire une exception pour P1. P1. Alors écoute, P1. Mon petit P1. Si tu es pas trop occupé à t'épiler les sourcils, viens nous vendre ta philosophie du tacos. Viens discuter avec nous. On peut faire un super débat, P1. On s'est pas vexé pour ce que tu nous as dit. Il a rien dit en même temps. Oui, c'est vrai qu'il a rien dit. C'est dur. Il a dit qu'il était pas content. Voilà. Donc P1, tu vois, je ne t'en veux pas. Viens, c'est pas un traquenard, même si un Kabyle dans la bande, c'est pas un traquenard. Il y a peut-être des couteaux un peu courbés. Écoutez, sur ce sujet, moi je voulais quand même juste ouvrir sur la question du retour des djihadistes en France. Je pense que la question se pose pas ici. Alors on a malheureusement pas eu Croblan. Ah ouais, non, mais je voulais dire qu'en fait, que les gens se rassurent, enfin les gens de notre bord, ce n'est pas connu, mais la France participe à des espèces de finances et aides logistiquement des commandos. C'est connu, moi je l'ai vu. Qui sont financés plutôt par la Russie. Pour aller de mecs de aller zigouiller des terroristes. Pour aller zigouiller du terrorisme français par paquet de 10. Hein. Donc, ouais. Pas d'inquiétude, le travail est fait. Mais sous-traitants. Sachez quand même que les femmes ont eu le droit à un tarif particulier par rapport aux hommes. Évidemment, c'est normal parce que là on sort de l'égalité française, on entre dans l'égalité de la charia, tu vois. Si tu veux, là les femmes elles servaient de serpillères à foutre là réellement. Vous voyez, si vous avez un exemple dans la vie, les serpillères françaises c'est celui-là. Et donc, elles sont rapatriées. Certaines ont été rapatriées, certaines sont en garde à vue, enfin en prison, je suppose. Et on se pose la question maintenant des enfants, parce que je pense que les hommes, tout le monde est plus ou moins d'accord. Mais sachez qu'ils vont vous mettre dans le cul, ils vont leur donner 20 ans en France, quoi. Les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, on finira le sujet. Ouais, les enfants qui sont le retour nés, des enfants, les enfants de Daesh, quoi. Les enfants de Daesh, la mixité, ouais. De Daesh. Bah moi, ce que je voulais dire, c'est que là, on comprend bien tout le problème de la nationalité. La France, elle s'est écharpée au moment des attentats sur l'histoire de la déchéance de nationalité. On nous a expliqué, on va enlever la nationalité aux terroristes. Tu te souviens qui était dans l'opposition à cette loi qui paraît en fait évidente, mais... À l'opposition, apparemment, c'était une loi qui était demandée par la droite et Sarkozy. Et Hollande l'avait acceptée, en fait, au départ, dans ses modifications de la Constitution. Mais pour que ce soit accepté, il fallait que la droite vote. Donc ça, c'était la concession à la droite. Sauf que à gauche, personne ne voulait en entendre parler. À part Valls et deux, trois mecs. Et tous les autres ne voulaient pas. Au contraire, ils se sont écharpés en interne question. Ouais. Donc du coup, après, d'ailleurs, il l'a abandonné. Après, puis il a même pas fait la réforme constitutionnelle. Il a tout abandonné. Là, parce que de toute façon, c'était le... Et donc tu disais que ça soulevait ce problème. Et moi, je trouve que ça soulève ce problème. Parce que est-ce que les gens qui sont partis en Syrie combattre la France sont français? Mais non, ils perdent. À partir du moment où tu te bats contre la France... C'est une question. Papa Stoke. Tenons-nous-en aux lois éternelles du Moyen-Âge. Parce que c'est quand même le repère. Tu vois, quand tu commences à voir des mecs qui se baladent en tutu et en collant, tu vois, il faut revenir au Moyen-Âge. Moi, de base, je suis d'accord avec toi. Au Moyen-Âge, il y avait le crime de haute trahison. Quand tu quittes ton royaume pour aller rejoindre l'ennemi ou même pour œuvrer contre ton royaume, tu es banni à vie. Et c'est un bouffon avec un chapeau à clochette qui se jette des cacahuètes et qui te dit « C'est fini, Mohamed, c'est fini, tu ne reviens plus faire la queue à la CAF. » D'accord ? Donc maintenant, tu as choisi de te battre contre le bon roi de France. Donc maintenant, tu t'en vas, tu ne reviens plus. Le pont-levis se fermait. Et le mec, en fait, marchait jusqu'à qu'on le voit plus. C'est comme t'allais au coin. C'était un coin territorial. Tu allais au coin. Le roi, tu dis, tu es puni, tu vas au coin syrien. Donc là, les mecs sont au coin syrien. Je suis désolé, ils ont pondu là-bas. Je crois que dans Alien, la reine des, la reine, attends, écoute, la reine des aliens, à un moment, elle, dans le 2, elle pond. Elle pond sur Alpha du Centaure. Les mecs vitrifient la planète. Parce qu'ils savent que l'œuf, quand il va éclore, il va se rappeler qui c'est qui l'a couvé. Donc, vitrifiez-moi ça, je ne veux pas entendre parler. Non, ne, ne vitrifiez pas les enfants, mais faites en sorte que les enfants soient accueillis. Écoutez, les Kurdes sont un peuple remarquable. Ils ont bon, mais moi je pense, pense. Non mais écoute, les Kurdes, il faut qu'ils finissent les djihadistes. Il faut qu'ils les exécutent. Ça c'est si à un moment tu fais la guerre, il faut t'attendre à ça. Ouais. Par contre, je sais que les Kurdes s'inquiètent de l'avenir de ses enfants. Écoutez, qu'ils vivent avec leurs parents, mais pas de retour en France. À partir du moment où leurs parents ont choisi de se détourner de la France, ils ont leurs enfants à responsabilité. Ils ont pris le choix. Il faut qu'ils l'assument. Ouais. En fait, moi ce que je me demande, c'est comment c'est possible que des Français, en sachant qu'on a été, c'est vrai que, en fait, si tu regardes au niveau statistique, c'est vrai que peut-être 500, enfin, je crois qu'il y a eu une mort par les djihadistes, par l'islam radical ces 10 dernières années. C'est sûrement une goutte d'eau par rapport à la population française. Donc c'est vrai que c'est peut-être négligeable, mais c'est quand même un truc qui a beaucoup marqué les esprits en France. Et je vois pas comment des Français en France peuvent s'inquiéter du sort des djihadistes. Et moi, j'arrive pas à comprendre par quel cheminement mental, tu peux en arriver là. Ben, le même que ce qui fait la promotion de Géant d'être blanc, donc chez les rappeurs dont tu parlais tout à l'heure. Quand tu disais, il faut absolument, par exemple, Akhenaton, il disait, je suis maltais, je suis pas. Ah ouais, non, mais il est italien. Voilà, voilà. Et ça, c'est un truc, c'est le, voilà, il faut se détester. Non, bien sûr. Alors, on a peut-être un tweet, Mia. Bah, c'était surtout pour revenir au sujet des débats. On avait El Pico qui disait que Dani Caicola avait dit être prêt à discuter avec toi. Ah bon, d'accord. Bah, il faut qu'il m'envoie un message privé, parce que la dernière fois qu'il m'a envoyé un message privé, c'était pour me dire qu'il allait faire une vidéo sur Macron, qui n'a jamais paru. C'est le mec à lunettes qui fait 40 kilos. Hein. Non, mais commence pas. Il y a Dani Caligula. Voilà, il parle beaucoup, lui. Hein. Il m'a souhaité être un enfant. Bah, je sais pas si sur Paris, il pourra peut-être venir ici. Il a un nom de manège de fête foraine. Venez au Dani Caligula. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur ce sujet Sur Dani Caligula? Non, merde. Vous me faites chier. Sur Jawad. Sinon, je pense qu'on en a plus que parlé. Merci pour ton nom. Alors, juste après la pub, on va passer au féminisme 2.0. Je pense que là-dessus aussi on va en parler. Oui. On va parler. Et d'abord je vais lire les donations. Donc merci, le premier de la soirée, c'est Rio Seba. Voilà de quoi te payer un kebab, t'auras pas à balayer pour pouvoir t'en acheter un. Hein. Merci. 14 cm mais d'éther. Et quand des noirs se colorent en blanc, ils disent, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé des noirs qui se mettent en blanc, ah, bah oui. des femmes noires hein, qui se mettent en blanc, bah, qui se mettent les cheveux. Sachez que la majorité des femmes noires portent des tissages, donc ce sont des faux cheveux. Oui, les perruques. Donc c'est très peu connu parce que les blancs qui fréquentent pas le noir ne le savent pas. Mais en fait, quand vous voyez des Beyoncé, des Whitney Houston, toutes ces stars américaines là, ce sont pas leurs cheveux. Hein. Beyoncé, vous avez une belle chevelure. Cheveux d'indienne. Ce sont des cheveux d'indienne. D'accord. Alors on a Adrien. Donc merci Adrien. Papacito, tu sais à quel point je t'apprécie. Vous êtes notre voix à tous. Continuez comme ça, décidant. PS, Gabriel, écoute. Et le débat avec moi, il veut pas dormir. Ok, bah le message passé. Radjil Vénère, le retour de Radjil Vénère. Oh putain, il est où Radjil Vénère? Papacito, pour être stylé, les tatous, oui ou non? Première question. Bah bien sûr que oui, j'en ai 44 sur moi. Et il y a une légitimité ou pas pour les tatous? Bah écoute, si t'es jamais monté sur un putain de bateau, ne te fais pas un tatouage de marin, tu vois. Si tu t'appelles Hud et que ton boulot c'est graphiste, ne te fais pas un tatouage de marin qui a 60 ans de mer derrière lui. Okay. Alors il dit, on déporte les gens Kevin avec des tribaux made in Gitan, Paca ou pas? Non, mais le tribal, il faut que le Nord-Pas-de-Calais existe et il faut bien que les mecs se tatouent et j'ai pas envie qu'ils aient les mêmes tatous que moi, donc laissons-leur le tribal. Ok, bah on a Natigan qui donnait un type pour l'intervention de Tempo, c'est vrai ça. L'intervention de Tempo très très intéressante. Ouais. Toujours juste et plein de bon sens, c'est vrai. Sinon le live est top, merci. Natigan, ex random des terres. Quelques piécettes pour la dissidence. Merci pour ce que vous faites les gars, continuez comme ça. Écoute, ça fait plaisir. La chèvre, c'est quoi votre fétichisme avec les chèvres? Alors c'est pas nous, c'est la culture afghane et voire du Maghreb, c'est on va pas en parler. Parce que là vous allez me lancer, je vais faire tout le zoo. Hein. Alors Ganjika, je compte sur toi et Papacito pour bien faire suer ces putains de féministes qui jouent les Mac Tyson alors qu'elles ont le corps d'en face. KB? Je sais pas, en tant que machiste, on peut pas reprocher à une femme d'être fébrile, donc c'est un peu débile. Et de retour sur le rendez-vous dissident, quatrième, comme quoi j'ai été à l'heure, hein, chaque semaine quasiment. On va parler, le thème de la semaine, c'est évidemment, c'est le féminisme 2.0. Alors, j'appelle ça comme ça, hein. Enfin, j'appelle ça comme ça. Le féminisme 2.0, c'est-à-dire tout ce qui est, tout ce qui est sur Twitter. On va avoir étudié ça. Comme ça. On va directement entrer au plat de résistance, te pas. T'as quelque chose à nous dire là-dessus? Bah, le féminisme 2.0, tel que, effectivement, il est défini aujourd'hui, il est inquiétant, quoi. Bah, peut-être tu peux mieux le définir que moi. pour moi, clairement, le féminisme, tout à l'heure, on en parlait avec Papacito, et je trouve qu'il y a une bonne définition qui dit que le féminisme d'aujourd'hui, bah, est de faire devenir aux hommes des femmes accomplies, et que le féminisme avance avait quand même pour objectif de faire devenir les femmes des femmes accomplies. C'est qu'aujourd'hui, ça s'est inversé. Le féminisme, en plus, on est très loin aujourd'hui de Simone de Beauvoir, quoi. C'est-à-dire que c'est plus l'exaltation de la femme avec ses aspects féminins, c'est la castration et la destruction des caractères masculins de l'homme. Donc c'est complètement inversé, quoi. Le combat est complètement inversé. C'est gros blanc. Et même de la femme, parce qu'en fait, t'as l'impression quand t'écoutes les féministes, oui, que pour être une femme accomplie, il faut être un homme. Il faut plus, ouais. Bah donc, d'ailleurs, elle ressemble à plus rien. Dans l'absolu, les Social Justice Warriors qui sont l'apothéose de ce féminisme-là, elles ne ressemblent à plus rien. Elles ont les cheveux bleus, elles s'habillent elles avec sont un très machin. Mais il y a des photos avant, après. Papacito? Alors justement, par rapport au féminisme, moi j'ai beaucoup de respect et je soutiens le féminisme d'antan, celui qui vise à faire des femmes accomplies, parce que moi, je suis issu d'une tradition catholique qui considère qu'une femme accomplie fait un homme accompli. Mais il faut que ce soit une femme accomplie qui devienne une femme, et pas une femme accomplie qui devienne un homme accompli. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce dont je parlais tout à l'heure avec Tepa. Et je pense qu'une mieux une femme va, plus elle est épanouie, mieux son homme se porte, et plus il est fort socialement, plus il est fort dans la vie. Donc moi, je veux des femmes épanouies, je veux des femmes fortes. Mais le féminisme actuel nous propose des femmes qui préfèrent atrophier l'homme pour essayer de le ramener à un ersatz de femme, que prendre les femmes et les faire progresser dans les domaines qui les concernent. Et je vais juste mettre en chose, en parallèle, deux éléments. Les femmes kurdes, je parlais des Kurdes tout à l'heure, les femmes kurdes mettent la pâtée à des djihadistes sur le front, et ça ne les empêche pas de rentrer, et de faire manger, de faire des trucs de femmes, et de se maquiller, et d'être des femmes belles, et de continuer à être des femmes, alors qu'elles tiennent des fusils d'assaut. C'est autrement plus courageux qu'aller se mettre des pattes de bouc dans le vagin, dans des églises, pour protester contre le patriarcat. Voilà. Et certaines femmes devraient se dire qu'elles devraient peut-être en prendre de la graine. Il y a des pays où on considère qu'ils sont très machos. En fait, dans les pays où les femmes ont des couilles, il n'y a pas de féminisme. En tant que... par exemple, un des grands combats des féministes jusqu'à aujourd'hui, hein, continue de faire des pieds et des mains pour ce sujet. Toi, en tant que catholique, qu'est-ce que tu penses de l'avortement? Alors, moi, je pense que l'avortement tel qu'il est proposé de façon... c'est-à-dire que c'est une solution immédiate, universelle. Il n'y a aucune formation, il y a aucune... Moi, je pense que les femmes doivent avoir continué à pouvoir y avoir accès, mais ça ne doit pas être quelque chose de généralisé, de normal. C'est un acte terrible. Il faut que si une femme veuille vraiment finir avec un enfant non désiré qui peut être issu d'un viol, il ne faut pas non plus nier ça, tu vois, elle puisse le faire. Par contre, que ce soit pas « Ah, j'ai pas mis de préservatif, ben allez, je vais avorter. Voilà. » Alors, moi, je suis pour et en ça... plus, c'est remboursé par la sécurité. Voilà, mais moi, je suis pour que ça continue, mais de façon beaucoup moins dédramatisée que ça l'est actuellement. Alors, voilà. On s'éloigne un petit peu du débat, mais à ce sujet-là, en fait, quand tu dis « je veux que ce soit permis, mais que ce soit pas utilisé », en fait, tu parles de quelque chose qui n'est pas vraiment possible, parce que ça, il en va de la responsabilité individuelle. Et en fait... la responsabilité individuelle, c'est quelque chose qui est enlevé de plus en plus. Et le féminisme, en fait, il participe notamment parce que c'est toujours, en fait, comme l'antiracisme, c'est toujours la faute d'un bouc émissaire. Bouc émissaire aujourd'hui, et c'est ça qui pour moi caractérise le féminisme 2.0, c'est le mâle blanc cisgenre. Cisgenre. Bah, c'est un peu le bouc émissaire. Alors, premièrement, je devrais pas employer le mot cisgenre. Quand on dit le mâle blanc cis, alors certes, c'est pour parodier. On entre déjà dans le jeu. Le mot cis ne devrait pas exister, premièrement. Donc, les gens sont plus nombreux quand même que ce genre de féministes. On ne devrait même pas employer le mot cis. Normal. C'est voilà. John Wayne. L'homme John Wayne. Le mâle blanc normal. Le mâle blanc normal. C'est ce que je voulais dire. Donc, en fait, pour recentrer le débat, là, justement, tu as fait allusion à quelque chose qui, en fait, va de la responsabilité individuelle, c'est-à-dire de la morale. Il se trouve que, en fait, ce qui est aussi caractéristique de ce féminisme, c'est. Si tu veux, la déchéance de la morale. Alors, ça passe par notamment la sexualisation à outrance. parce que en fait la femme libérée peut avouer ses fantasmes. D'accord ? Et d'ailleurs même le peuple, ça peut libérer tout le peuple selon elle, pas seulement les femmes, tout le monde peut avouer ses fantasmes. Donc ça mène à une sexualisation à outrance. Et en fait cette sexualisation à outrance sert aussi à ce que j'appelle le féminisme marchand. C'est-à-dire qu'on passe dans le marché de la pornographie, le marché des sites de rencontres, des applications de rencontres, il y a des sites qui embellissent les rapports extra-conjugaux, c'est-à-dire faire cuck son mec, quoi. Et ça, en fait, c'est vu comme une liberté individuelle. Et la liberté individuelle est mise, en fait, en conflit avec la responsabilité. Et ça, c'est quand même réellement problématique. Parce que ça mène tout simplement au chaos, à l'anarchie, quoi. À la destruction de la famille. Pas, Je trouve ça très intéressant ce que tu dis, parce que le féminisme et l'antiracisme sont un peu les deux faces d'une même pièce, quoi, qui se nourrissent en plus de la même façon. Elles ont les deux ont défini une espèce d'échelle de valeur en disant bah voilà, l'ennemi à abattre le plus haut, c'est le mâle blanc, si le genre hétéro, alors lui, il est catholique. Il est vraiment très très en haut. Voilà. Et puis, donc, c'est toi. Après, il y a une échelle. Et c'est qui est intéressant, parce que le féminisme va se confronter à la même contradiction que l'antiracisme, c'est que ces femmes qui défendent l'idée respectons les femmes, d'ailleurs, enfin, on connaît toute la vulgate qu'elle toute la journée, elles vont être confrontées, par exemple, dans la rue, là, on parle de harcèlement de rue en ce moment beaucoup, mais qui fait du harcèlement de rue? Est-ce que c'est ces fameux mâles hétéros, cisgenres, plus de 50 ans? Et là, il y a un déni qui commence à se faire. Et finalement, antiracisme, machin, ben, il fonctionne de la même façon. Trop blanc. Avec les mêmes travers. Trop blanc. Ben, il fonctionne de la même façon, c'est-à-dire qu'il joue contre les catégories qu'il est supposé défendre. Tu vois, comme l'antiracisme, comme on disait tout à l'heure, l'antiracisme déresponsabilise et racise, pour reprendre leur terme à la con. Et là, les femmes, en fait, c'est un autre moyen. Mais par exemple, elles vont faire un hashtag balance ton porc pour balancer Gérard, cadre chez Peugeot, qui a mis une main au cul à Germaine. Alors là, lui, le mec doit crever, hein. Il a affiché sur Twitter 10 000 retweets et tout ça. Mais en revanche, en même temps, ces mêmes meufs qui organisent des hashtags balance ton porc, elles valident et même elle demande frénétiquement l'arrivée de centaines de milliers de gens qui arrivent de pays arriérés, on va dire, hein, par rapport à la condition de la femme, et misogynes au point qu'ils pensent que la femme est juste en dessous de l'âne au niveau de la valeur, quoi. Donc au bout d'un moment, tu te demandes à quoi elle joue. On a un tweet. Un tweet justement qui reprend un peu ce que tu dis, Croblanc, c'est Robin Le Mortier qui nous dit « Le féministe actuel montre la schizophrénie de la gauche, on défend les femmes et les LGBT, quand ça touche à l'islam et à certaines communautés. Ben » voilà. Alors moi, je vais résumer, c'est exactement ce que j'ai plein de choses à dire, je vais réagir juste là-dessus. Je pense que, alors ça va paraître très machiste, mais je pense que les femmes cherchent à avoir des hommes, c'est-à-dire des hommes qui accomplissent leur rôle d'homme, c'est-à-dire que quelque part, ils les prennent dans tous les sens du terme, si tu veux. Ils les prennent, ils dominent dans la marge de couple. Or, elles ont aussi cette schizophrénie qui est d'acculer l'homme blanc et en fait de le castrer et de lui enlever toutes ses caractéristiques d'homme fort. Donc, qu'est-ce qu'elles font derrière? Parce que la nature cherche toujours l'équilibre. Elles vont contribuer à amener des gens d'autres extra-européens qui, eux, n'ont pas du tout cette culture. Et elles le savent très bien. Elles n'ont pas besoin de nous pour leur dire « Ah, vous avez vu en Syrie, ils traitent un peu moins bien les femmes ?» Elles le savent très bien. Mais elles recherchent c'est un peu le côté sado-maso, entre guillemets, de la femme. C'est-à-dire qu'elles recherchent cette domination et elles le savent très bien que... Ouais, vas-y, Croblanc. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que d'un côté, la femme teste sans arrêt l'homme. D'ailleurs, elle va tester sans arrêt l'homme blanc. Comme dans les couples. Voilà, et en fait, l'homme blanc, il a tendance à cuquer aujourd'hui. L'homme blanc, il a tendance à se rabaisser, à dire « Oui, t'as raison, ma chérie, on a été trop méchants, on a été trop patriarcaux avec toi. » Et en fait, la femme est déçue de voir ce genre de comportement. Elle se dit « En fait, c'est une merde, il a pas de couilles. » Celui-là ne sera pas le père de mes enfants. Exactement. Voilà. Et donc, elle va aller chercher un mec... qui quand elle va lui dire ça, il va dire mais j'en ai rien à foutre. C'est ce qu'elle subit. Donne-moi ton cul, c'est éclaté. Certains étrangers, ce côté viril, parce que eux l'ont pas perdu, les mecs, et eux on les a pas castrés de ce point de vue-là, et elle sublime ça chez l'autre justement, ce qui est pas complètement pareil. Et même en plus, pour finir là-dessus, combien de féministes sont fans de Booba ou de Caris? Ouais, on parle aussi d'un féminisme un peu jeune qui suit la tendance. Non, mais il y a des nanas qui vont dire je suis féministe et qui vont entendre des mecs qui disent tchouin tchouin tchouin, je t'attrape, je te cartonne dans les toilettes. C'est vrai que moi je les vois en boîte, je les vois en boîte quand je vais écouter de la musique près de plume, je vais déranger. Je les vois crier tchouin tchouin tchouin quand Caris arrive, quoi. Mais pas si tôt, vas-y. Alors moi je pense que la boucle est bouclée parce que finalement, regarde, les femmes blanches emmerdent et font la guerre aux hommes blancs. Donc les hommes blancs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme moi, ils vont chercher une africaine de 2 mètres qui va monter. Écoute, laisse-moi finir. Ça c'est faux, mais vas-y. Ils font comme moi ou Daniel. Ils vont à l'est surtout. Ou Alain, mais bon, Alain un peu moins. Pas la bonne façon. Recentre-toi. Voilà. Mais en gros, la boucle est bouclée pourquoi? Parce que, en fait, ça sert le projet mondialiste. Tu vas chercher une femme qui te donne la stabilité, qui souvent est issue d'une culture où l'homme est respecté, où l'homme a sa place, tu vois. Où l'homme doit être fort. Donc l'européen, il se retrouve à devoir chercher des femmes comme ça pour vivre comme il aurait pu vivre avec une européenne il y a un siècle. Et la maghrébine qui se fait taper sur la gueule par son frère pour aller faire la vaisselle à genoux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive et elle découvre qu'il y a tout un tas de PD qui sont esselés et qui ne rêvent que d'une chose, c'est de se faire bizuter par une Rachida, tu vois. Et en fait, pour les soigner d'avoir vécu pendant 30 ans avec leur frère, en fait. Donc la boucle est bouclée. Est-ce que tu voudrais dire qu'il y a une espèce d'oligarchie qui infuse en nous des doctrines compte productif pour la pérennisation de occidentaux. Ça vous leur accusez personne. Parce qu'il y a une tribu. moi je vous le dis tout net, c'est en commençant à regarder des hystériques à la télé française que je me suis dit tiens, je vais plutôt choper Mia Fry. Elle était dans le clip de West. Elle était dans le clip de West à l'époque, elle avait l'air de très bien faire à manger, de d'être intelligente et de bien danser et je me suis dit c'est parfait, c'est une femme comme ça. Et à côté, j'avais Claire Chazal qui disait s'il y a des Somaliens qui mangent pas, c'est de ta faute petit enfant. Donc en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, voilà, je vais m'enlever plein de problèmes d'ordre fromager et je vais aller dans... J'avais peut-être un problème avec le fromage. Hein. Bah, voilà. Parce que c'est central... C'est un bon comté de 24 s'il mois. S'il te plaît. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de féministes qui ont oublié que quand tu es une femme et que tu manges du comté, il faut faire attention avec le délai avec lequel tu vas embrasser ton copain. Voilà, c'est tout. Mais alors moi, je vais quand même essayer de redevenir un petit peu sérieux. C'est-à-dire que je suis très content que Topa, d'ailleurs j'espère que tu vas pouvoir me répondre, ait mis en parallèle l'antiracisme et le féminisme. Alors il y a plusieurs niveaux sur lesquels on peut les mettre en parallèle, notamment celui qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire une sorte de schizophrénie paradoxale, quoi. Et il y a aussi le niveau qui pour moi est en fait qui est la conséquence d'une propagande marxiste. C'est-à-dire que la lutte des classes a été comment élargie à la lutte des races, donc l'antiracisme, et à la lutte des sexes. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà, tous les problèmes, enfin, les problèmes de société peuvent aussi se résumer à la lutte des sexes. Je sais pas ce que t'en penses, Thomas, là-dessus. Non seulement je suis entièrement d'accord, mais plutôt que se mettre à côté, pour moi, elle s'est substituée. C'est-à-dire que ce qui était le fondement même de tous les combats de la gauche depuis, on va dire, le 19e siècle, c'était précisément, bon, bah, sous l'influence de Marx et tout, mais la lutte des classes. Aujourd'hui, depuis trentaine d'années, ces combats-là, ils ont été abandonnés. La gauche, d'ailleurs, elle ne défend plus du tout. Aujourd'hui, c'est le Front National qui est dans la lutte des classes. C'est pas le parti de gauche. Malheureusement. Et voilà. Et la gauche, elle est dans ce que tu dis, c'est-à-dire l'antiracisme, le féminisme, etc. C'est-à-dire, c'est ces combats-là qui ont remplacé la lutte des classes dans la société. Et ça, donc, c'est la gauche usulienne, hein, parce qu'il suffit de voir la vidéo, terrible vidéo d'Usul sur l'islamophobie en France. Ah ouais. Et il te dit qu'en fait, les gens de gauche qui aujourd'hui sont centrés sur la lutte des classes, qui essayent de créer encore cet ensemble d'ouvriers, quelles que soient leurs origines, tout simplement, raciales ou leur sexe, ceux qui essayent de rassembler autour de la classe ouvrière, de la lutte des classes, sont vus comme des connards, en fait, qui ne tiennent pas compte des particularités individuelles des gens et donc qui n'ont rien compris à un combat supplémentaire qui s'ajouterait, c'est-à-dire donc le racisme systémique, l'oppression patriarcale. Et là-dessus, je vais rebondir là-dessus parce que on se repose quand même aujourd'hui, quand même, on a fait beaucoup d'avancées pour les femmes. Mm-hmm. On se repose aujourd'hui notamment sur l'écart des salaires. Oui. L'écart des salaires qui est, je sais pas si quelqu'un veut développer, qui est un mythe. Est-ce que quelqu'un veut développer là-dessus? Moi, ce que je peux en dire, en tout cas, il faudra vraiment bosser, je vous assure, dans les entreprises du tertiaire, il y avait 80% de femmes dans le personnel, à tous les postes, y compris la direction et les plus hauts postes. Et franchement, j'ai jamais vu un écart de salaire parce qu'on était tous payés sur la même base. Donc, je ne sais pas ce que c'est cette affaire de salaire. C'est la branlette. Non, mais clairement, c'est de la merde. Mais c'est très facile à vérifier. C'est très facile à vérifier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu vois qu'aujourd'hui, que les grandes compagnies, elles sont capables de flinguer des fournisseurs avec qui elles travaillent, en connaissance de cause, je peux le dire, depuis plus de 30 ans, avec qui elles ont pris le métier et tout ça, les flinguer sans aucune autre forme de procès, amener des gens à l'abattoir, contre quelques pourcentages de tiers, de quarts de points de marge. Et ces gens-là feraient l'économie de prendre des femmes qui sont en tout point égales aux hommes et qui sont moins chères juste par sexisme. Non, mais ce serait un peu bizarre. Pas si tôt. Alors moi, d'expérience, j'ai fait de nombreux boulots. J'ai bossé à l'éducation nationale pendant un certain temps. L'éducation nationale, ceux qui y travaillent ne diront pas le contraire, il y a 80%. 70%, 80% de femmes dedans. Ah, ça, c'est de la merde. Et ce sont les postes qui sont, je regrette, mais quand t'as 4 mois de vacances par an, quand t'as 18 heures de présentiel en semaine, quand t'as le 13e mois, quand ta retraite est assurée, quand ton milieu de travail est plutôt quand même propice à aller te faire un café plutôt qu'à prendre une tarte, tu vois. Parce que moi, par exemple, j'ai fait de la sécurité, t'as plus souvent tendance à te prendre un coup de couteau quand t'es agent de sécu, que tu fais la porte, que quand t'es prof d'histoire. Bien que, dans certains établissements. Ça dépend où, hein. Voilà, ça dépend. Attention, prends pas le nez, c'est pas pareil. Mais juste pour dire, il y a une majorité de femmes dans ces postes-là qui sont super. Dans le déménagement, effectivement, mesdames, dans le déménagement, j'ai travaillé dans la société Chichpuldem à Toulouse. Dans le déménagement, c'est vrai, il y a très peu de femmes. On est plutôt bien payés, mais on soulève 8 tonnes par semaine. Je sais pas si ça vous dit, mais en tout cas, il y a des places libres, mais je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup. Alors là, t'évoques un autre problème qui est l'histoire de mixité, etc. Moi, je voulais déjà qu'on fasse le point définitivement, bah, je vais le faire, sur le mythe des salaires. Alors d'où vient ça? Ça vient d'une étude, évidemment, c'est toujours une étude, qui a pris les différences de salaire entre hommes et femmes. Point. Mais elle n'a pas tenu compte. En fait, c'est stupide. Elle n'a pas tenu compte des métiers des gens. Parce que si tu fais, ouais, bah voilà, un mec est plus mieux payé parce qu'il est avocat et l'autre elle est. Bah oui, parce qu'il y a plus de médecins, plus de ingénieurs. C'est ça, elle est professeur. Et en fait, donc ça a ni tenu compte de l'ancienneté, du métier du mec, etc. Et quand ils en ont tenu compte, ils ont trouvé un truc assez ridicule. C'était lié à quoi? C'était lié en fait aux femmes qui bégayent plus au moment de négocier les salaires, parce que dans les boîtes privées le salaire n'est pas fixe, il se négocie. Donc autant quand t'es fonctionnaire, etc., les salaires mais dans les boîtes privées le salaire se négocie, et ça y va au talent, j'allais dire, au charisme, à la volonté. Et ça, c'est un problème qui est en fait qui est lié à elle et qui n'est pas à remettre sur le patron. Si t'es patron, tu en profites, quoi, tu ne vas pas lui proposer toi-même la payer plus. Ouais, forcément. Et les hommes, parce qu'ils ont un esprit de compétition à cause de la testostérone, hein, c'est pas à cause de leur éducation comme les féministes essaient de nous faire croire. Les hommes ont un esprit de compétition plus prégnant. Je pense que c'est encore plus qu'hormonal, c'est même lié à l'encéphale, mais vas-y, continue. Ouais, l'encéphale doit être aussi formé par les hormones, je pense. J'en sais rien, mais peut-être. Vas-y. Bref. Donc en gros, les hommes arrivent à des postes plus hauts, etc. Donc peut-être que oui, cette étude. Mais moi, j'avais vu une étude qui comparait des gens qui étaient dans les mêmes métiers, au même poste, au même niveau, etc. Et en fait, je crois qu'il s'appelle le wage gap. Ils appellent ça aux États-Unis. En fait, était dû au fait, ils n'avaient pas calculé ça, parce qu'à chaque fois, ils oublient de calculer un des éléments dans le truc, dans la tambouille finale. Et en fait, c'était dû au fait que les femmes prenaient des congés maternité pour accoucher, etc. Et aussi des congés pour s'occuper de leurs gamins. Et là, quand ils étaient malades, etc. Ouais. Là-dessus, je vais réagir. Et c'est exactement comme on parlait tout à l'heure de la gauche qui oublie la classe pour aller sur le sexe. C'est-à-dire qu'en fait, le patron, dans sa volonté capitaliste, en fait, de faire du profit, il voit la femme, il se dit, ça, c'est un problème. Ça va me faire un gosse, tu vois. Ça, c'est des congés payés. Ça, et aujourd'hui, avec le code du travail actuel, etc., le mec, il n'en peut plus. Il se dit, je peux payer des charges à une meuf qui est en train d'accoucher, tu vois. C'est normal. Et en fait, si vous voulez, on peut en vouloir là-dessus, pas au sexe, pas à l'homme et à l'opposition homme-femme. À l'opposition, en fait, enfin, au pouvoir, si vous voulez, du capitalisme. Et alors, je trouve ça extrêmement stupide que des gens qui se prétendent de gauche ne reviennent pas à cette conclusion et fassent exprès de stimuler cette opposition des sexes. Alors qu'on pourrait tous se mettre. Pardon, je peux pas. Non, je suis complètement d'accord. Et je voulais rebondir sur un truc aussi que tu disais, justement, le fait de ces différences qui subsistent entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise. Premièrement, on va. il y a une négation absolue des réalités, au sens que ben, on n'est pas fait pour les mêmes métiers. Faut pas se demander pourquoi il y a moins de femmes pompiers et plus de femmes infirmières. Comment tu expliques ça, toi? Eh ben, j'explique ça justement par des, à mon avis, hein, des données innées biologiques qui nous sont propres. Donc un déterminisme. Un déterminisme, tout okay. à fait. Sexuel. Ben, écoute, c'est par exemple un pompier. Il faut le savoir. Regarde, tu vas être confronté à des fumées, des machins. Tu sais qu'on a baissé le concours de pompiers pour l'adapter aux femmes. Pas que le concours de pompiers, le concours militaire. Pour... Oui, oui. Il n'y a plus exactement. Besoin de faire la planche. Bah, ils ont baissé le, si tu veux, les barèmes. Là, quand il arrive, on va toujours faire la planche. Vas-y, voilà. reprends. Et donc, dans cette perspective, ils ont donc on a voulu nier le déterminisme biologique qu'on a chacun et qui fait qu'on va être peut-être à plus amené à faire certains métiers que d'autres. Et il y a un pays qui est extraordinaire là-dessus, enfin, qui devrait nous en apprendre, c'est les pays du nord de l'Europe, la Suède, la Norvège, parce que eux... La Suède... Ah ben, ils sont fait dedans depuis, eux, ça fait 30-40 ans. C'est pas la peine, la Suède, ce sera le thème d'une émission. Ah ben voilà. Mais en tout cas, alors un petit aparté quand même sur la Suède et la Norvège, justement, dans ce féminisme. Eux, depuis donc 30-40 ans, ils ont eu ces politiques de dire, bon... On va faire l'égalité totale, absolue, entre les hommes et les femmes dans tous les métiers. Donc voilà, il n'y a pas de différence. Il y aura autant de femmes pompiers, militaires, tout ce que tu veux, déménageurs, machin. Il faut encourager tout. Et ben qu'est-ce que ça a donné? C'est-à-dire, 30 ans après, tu dis, ben, c'est quoi le résultat de leur politique? Ben, 30 ans après, en Suède et en Norvège, il n'y a jamais eu autant de différence au sens dans les secteurs où tu vas retrouver 98% d'hommes. 98% de femmes. Tu vas aller dans un hôpital. J'avais vu ce documentaire. Et voilà. Et les femmes, évidemment, on aime bien parler. C'est ça. Dans tel secteur, en fait, c'est une pire qu'une majorité. Alors, je suis très content que t'abordes ce sujet parce que c'est la libéralisation de tout. Qu'est-ce qui se passe quand on libéralise tout, quand on laisse tout le monde faire ce qu'il veut? Il va se passer qu'il va y avoir une répartition qu'on qualifie en fait de naturel, qui aujourd'hui, si je dis une répartition naturelle, la moitié d'internet me tombe dessus sur Twitter, tu vois. Il va y avoir une répartition naturelle qui va se faire, parce que voilà, quand on laisse la liberté à tout le monde de faire ce qu'ils veulent, et ben vous allez tomber sur les pourcentages qui ont toujours été comme ça en fait. Ça montre bien en fait, c'est pour ça que moi, avant de passer à ma dictature, je souhaite instaurer un libéralisme total pour que justement sur le mérite ou autre, les choses se fassent naturellement et qu'ensuite on vienne. En fait, ça permet de plus jamais qu'on te casse les couilles avec ça. Tu dis voilà ce qui s'est passé. Quand on a permis à tout le monde, aujourd'hui, on permet à tout le monde de faire des trucs sur YouTube. Les gens marrants, c'est pas Natou, tu vois. donc voilà la conclusion. J'ai toujours dit que Natou était pas drôle. Vas-y, Papacito. Mais il y a simplement parce que moi, il faut toujours revenir à l'empirique. Il y a le théorique qui est souvent qui a beaucoup à voir avec son époque. Et quand tu reviens dans l'empirique, physiologiquement. Un homme ne peut pas porter d'enfant. Il naît pour mourir. La seule chose qu'il va pondre, il va tirer la chasse après. Une femme, elle va devoir l'élever. Donc déjà, rien que ça, rien que le fait de porter la vie en soi, parce qu'on dit toujours les hommes ont oppressé les femmes, ils ont empêché de devenir des artistes. Qu'est-ce qui pousse un homme à produire de la sculpture, de la peinture? Il veut laisser une trace. C'est très intéressant. Une femme, quand elle fait naître un enfant, c'est une continuité d'elle-même. Elle offre au monde quelque chose de magnifique. Un homme, la seule chose qu'il peut offrir au monde, c'est une œuvre dématérialisé qui va pas être de son sens, ça va être une œuvre d'art. C'est son apport au groupe. Exactement. Et c'est pour ça que l'homme a toujours cherché sa continuité et son éternité dans l'art. Dans la construction, dans la création et non pas dans la reproduction. Exactement. Et d'ailleurs, physiologiquement, l'homme a été renforcé dans les capacités qu'il pouvait avoir physiques d'aller conquérir la possibilité justement de laisser une trace, et les femmes ont été optimisées pour pouvoir conserver la vie avec une couche de graisse supérieure, avec des muscles un peu moins atrophiés. De l'avier pour nous en parler. Voilà, exactement. Bah justement, pour compléter ce que dit Papacito, et de plus, pour aller à un ordre moins, enfin, pour parler d'un niveau moins mystique, plus pragmatique, la femme, étant donné qu'elle va avoir un bébé à s'occuper, elle est inscrite beaucoup plus dans le réel que l'homme. Tout à fait. Parce qu'elle sait qu'il va falloir nourrir un bébé demain. Tout à fait. Alors, attention, juste avant de continuer, un tweet. On avait Alphamoso Cocasoid qui disait justement que... chez les femmes, tout ce qui était temps partiel est beaucoup plus répandu, en fait, justement, du fait que... Tout ce qui est temps partiel. Oui, alors que justement, les études se basent en prenant la différence de salaire, alors qu'ils prennent des personnes qui ont des temps partiels. Oui, c'est quelque chose que j'avais pas souligné. Et également, pour revenir aussi sur la vidéo de Babalek, justement, sur la différence de salaire, qui explique justement comment est-ce que les études sont Ouais, oui, allez voir allez la vidéo de Pavalek, même toutes ces vidéos, mais celle-là. Teupa, vas-y. Alors, moi, je voulais justement ajouter quelque chose, vraiment, sur tout ce qui a été dit. Oui, non, mais parce que. On est en mode confidal combo. Ah bah, confidal combo. Allez-y, allez-y. Pour justement, encore plus, tu vois, foutre allez, la cerise sur le ghetto et un petit bol d'acide à la fin, pour dire que franchement, bah d'ailleurs, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Et j'ajouterais que si on se demande souvent pourquoi les hommes excellent, non seulement dans les tâches artistiques, mais aussi des fois dans les on va dire même les activités prétendument réservées aux femmes, les grands couturiers, les grands cuisiniers, la cuisine réservée aux femmes, et pourtant les grands dans le maquillage des hommes. Alors les féministes les plus ardues vont te dire ah mais parce que justement l'homme il s'accapare tout etc, il veut tout prendre. Non, moi je pense pas que l'explication elle soit là. L'explication elle est justement dans encore une fois un déterminisme biologique qu'on veut nier. L'homme il est confronté à une stratégie de compensation de ses propres défauts, c'est-à-dire, en gros, le grand poète, c'est quoi ? Bah, c'est le mec qui est timide et qui va s'exprimer à la poésie, il va déclarer sa flamme, justement, à travers... il va être excellent, le peintre, c'est pareil. Alors que la femme, elle a un avantage sur l'homme dès le départ, parce que nous, on part, on est complètement handicapé, il faut savoir, il faut qu'on se batte. La femme, elle, c'est tout l'inverse. Elle part avec tous les atouts de départ. Plus elle sera belle, plus elle sera jolie, plus elle sera machin, plus le monde sera à ses pieds. Pourquoi elle va développer une stratégie de compensation ? Non, elle n'a pas besoin, le monde est à ses pieds. Elle claque des doigts et tout le monde est à ses pieds. Donc, si tu veux, alors évidemment, on va dire schématise, je caricature, mais c'est pour comprendre un peu, tu vois, comment la psychologie, pourquoi les hommes excellent justement dans cette psychologie-là, dans ces activités, alors que les femmes sont complètement absentes. Et pour ça qu'elles ne s'intéressent ni à la politique, ni à l'art, ni à ces choses-là. Et par contre, je suis très en accord avec ce que tu dis, justement, cette emprise en plus du réel qu'a la femme, qui recherche aussi la sécurité, tu vois. C'est pour ça que les femmes, on les accuse d'être plus matérialistes, entre guillemets, que les hommes, mais c'est normal. C'est normal. Tu dois mettre un enfant au monde, tu dois bien avoir un endroit propre, sec, etc. Donc la femme a des pensées que l'homme n'a pas. Croblant. Petite vanne par réaction à ce que vient de dire Teupa, c'est qu'en fait, tu es en train de dire que les femmes, elles ont le pouvoir absolu quand elles sont belles, jeunes, etc., quand elles sont désirables. C'est ce qui explique peut-être que les féministes sont souvent très laides. Alors, c'est une explication. Moi, je voulais juste rajouter, là, on parle des hommes, des femmes. On dirait qu'on donne que des qualités aux hommes. Parce qu'aujourd'hui, en fait, et c'est ça, en fait, le féminisme, c'est que toutes les qualités qui sont, toutes les qualités qui sont, alors, les femmes et les hommes ont des qualités inhérentes chacun. Et toutes les qualités des hommes sont, en fait, très très haut dans la hiérarchie actuelle des valeurs, si vous voulez. Donc le fait de conquérir, etc., c'est des choses archi nobles aujourd'hui. C'est pour ça que les femmes en fait disent que les hommes sont oppressants et dominateurs. Et moi donc je voulais dire un des défauts des hommes, c'est et c'est lié c'est hormonal, c'est l'extrême agressivité des hommes. Et il se trouve que dans leur rapport aux femmes, c'est grâce aux femmes qu'ils peuvent canaliser cette énergie et la transformer, la sublimer en une création, etc. Il y a une énergie sexuelle qui est réutilisée pour sexuelle et d'agressivité qui est réutilisée pour créer justement des choses excellentes. Et c'est caricatural, mais qui vont au final attirer, alors en plus de permettre au groupe de se développer, vont attirer aussi le regard des femmes, parce que c'est une question d'attraction par le pouvoir. Le pouvoir aujourd'hui se matérialise sous plusieurs aspects. Ça peut être le titre de chef d'entreprise, l'argent, le charisme, etc. Papacito. Et d'où l'expression branleur. Un branleur, qu'est-ce que c'est ? Non mais, un branleur, c'est un mec qui prend son énergie sexuelle et qui la fait atterrir dans un Kleenex. Et donc en fait, non mais c'est pour rebondir sur ce que tu fais. Et qu'est-ce qui se passe après ? Eh ben, il n'a pas la force, il n'a pas l'énergie pour aller créer ou pour aller trouver une fille. Hein. Alors qu'un mec qui ne se branle pas, par définition, il a une femme, donc il a toute son énergie mise à disposition pour créer de grandes choses. Hein. Voilà. Le NoFap Challenge ça, est ouvert. alors, Teupa, t'as quelque chose à ajouter là-dessus? Bah, non, mais je trouve que c'est super intéressant, quoi, parce que ces choses-là, les féministes, elles les abordent pas. Aujourd'hui, on est en plus, c'est important de parler de ces sujets-là, puisqu'aujourd'hui, avec la théorie du genre, encore une fois, toujours dans cet esprit de nivellement, on nous explique. Ça, c'est pareil. À tel point d'ailleurs qu'on est dans la négation de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, on nous dirait qu'il n'y a plus de sexe, en fait. D'ailleurs, c'est moi, ça leur tu sais, théorie, tu sais que moi, j'ai... Indifféremment, toi, t'arrives, tu me dis, non, mais je m'appelle Jéronique, je suis une femme, en fait. Alors, ça, on va en parler plus tard, mais moi, j'ai un argument extrêmement violent contre ça. C'est que, les magazines, les blogs sur Internet, ils se veulent propagateurs de cette idéologie de l'égalité pure et simple entre les sexes, ont en fait compris, c'est ça aussi que j'appelle le féminisme marchand, donc j'ai mademoiselle.com, j'ai les magazines féminins, même Beyoncé. Et si tu veux, les magazines féminins ont compris que donc c'était des lectrices, tu vois. Et tu retrouves quoi? Vous avez déjà ouvert des magazines féminins? Ouais. On retrouve des choses... Ouais, c'est terrible, comme tu dis, Fabesto. C'est-à-dire que c'est gnangnan, c'est cucu, voilà. Alors, je vais pas faire du jugement de valeur. Mais en fait, c'est pour attirer les lectrices. Et si ça continue, si c'est publié chaque semaine, chaque jour, c'est qu'il y a un public. Donc, alors moi, je suis désolé, quand je promène Petit Ours dans la rue, Petit Ours, il y a un seul type d'individu qui fait « Oh, trop mignon !» C'est des femmes. Donc maintenant... Arrêtons, et c'est souvent ces femmes-là qui vont venir te dire qu'il n'y a pas vraiment de différence, que c'est des constructions sociales. Oui, vas-y, Papesto. Alors, il y a deux choses qui vont mettre fin au débat. Ouais. La première, c'est confie 20 000 euros à une femme et dis-lui d'aller acheter une voiture. Elle va te ramener une Fiat 500. La Fiat 500, c'est le choix de l'émotion et de la séduction visuelle. Moi, j'ai 20 000 euros, il faut que j'achète une voiture, à qui je vais confier mon budget? Est-ce que je vais confier mon budget à des Italiens, tu vois? Est-ce que je vais confier mon budget à des Italiens pour des questions de moteur, ou est-ce que je vais confier mon budget à des putains d'Allemands qui envahissent toute l'Europe avec des trucs qui calaient pas au feu rouge, tu vois? Donc, a priori, tu vois, le choix rationnel va être d'acheter une voiture un peu moins mignonne que la Fiat 500, mais qui sera un peu plus allemande dans ses caractéristiques. Et le deuxième truc qui met fin au débat, c'est ce que les latins appelaient l'hystérie, en fait, donc la loi de l'utérus, hein, ça vient du latin. C'est vrai. Hystéria, donc loi de l'utérus. L'hystérie, moi je vous rappelle, dans les années 90, dans les concerts de rock voisine, les femmes s'évanouissaient. Est-ce que vous connaissez un homme qui s'évanouit dans les concerts de Beyoncé ou de Rihanna? Ils bandent, ils s'évanouissent pas, voilà. Et entre s'évanouir et bander, il y a un rapport au corps qui est bien différent. Tu t'évanouis parce que tu es submergé par tes émotions, tu bandes parce que tu es submergé par ta testostérone. Problème. Mais pareil, ça c'est un truc que je parle souvent du phénomène groupie avec les femmes qui défendent le féminisme. J'ai jamais vu un mec groupie. Les seuls mecs que j'ai vu groupie, c'est les mecs fans de Mylène Farmer et qui sont généralement très qui sont pas très très virils, quoi. Et d'ailleurs, pour en revenir à l'espèce de dissonance cognitive dont les femmes souffrent, c'est-à-dire qu'elles vont, le phénomène groupie montre bien qu'en fait, même une nana, on va dire, qui va saouler son mec H24 pour qu'il lui soit fidèle, eh bien, elle va se donner au premier Matt Pokora, qui va débouler en sachant très bien qu'il en a tartiné 24 dans la journée, ouais, qu'il la gardera jamais, qu'il sera jamais fidèle avec elle, et son seul rêve, ce sera d'être sa maîtresse pendant deux semaines, tu vois. Alors, je veux pas qu'on s'attarde là-dessus. Il se trouve que les auditeurs pourront se renseigner sur le cerveau droit, le cerveau gauche, la part de logique et d'émotion qui est distribuée à la naissance dans les hormones, etc. J'ai pas envie d'entrer là-dedans parce que ça risque de prendre plus de temps que prévu. Moi, je voulais dire le féminisme 2.0, on peut aussi le comprendre et le définir par ces phénomènes sur les réseaux sociaux. Arrêtez de rire pendant que je parle parce que c'est désagréable. Pensez que vous foutez de ma gueule. Le féminisme 2.0 se passe marginalement, et j'insiste sur ce point, marginalement. C'est-à-dire que ça ne concerne absolument pas, même pas, je sais même pas si le mot minorité est utilisable, pas parce que... Ouais, excuse-moi, je te coupe, mais alors, il est minoritaire, mais il infuse. J'y arrive. C'est quelque chose qui est marginal. C'est des gens sur les réseaux sociaux qui sont dans une crise d'adolescence pour se prolonger. C'est des gens qui sont là, c'est des AW, des putains d'attention. Et donc voilà, ils se retrouvent quelque chose sur les réseaux sociaux. Excusez-moi. Et pourtant, pourquoi on en entend autant parler? Parce qu'il y a un relais médiatique qui est assez phénoménal. Par exemple, excusez-moi, est-ce que l'autre est en train de faire sa putain de cuisine en face de lui? Je coupe du chorizo, j'aime pas, merde. Putain, on a par exemple Nadia Dam qui... Mais putain, arrête. Franchement, arrête. Ouais, d'accord. On a un relais médiatique qui est fou pour cette poignée. Donc, par exemple, on avait la manifestation, je crois, c'est quoi? C'est 300 profs, 30 profs pour l'écriture inclusive, qui refusait d'enseigner, mon cul. Et on entend que ça. On entend que ça s'est passé. Il y a un relais médiatique énorme, parce que, c'est dans l'intérêt. Alors, au blanc, toi, la dernière fois, tu m'expliquais que c'était pour nous éloigner des problèmes. Et c'est vrai qu'en réagissant, à ça, on l'alimente. Mais, bon, Il se trouve que j'ai envie de parler de quelque chose à l'émission, pas pour casser les couilles. Mais moi je pense aussi que c'est un agenda politique tout simplement et que c'est pour éloigner de cette lutte des classes. Alors je veux pas faire le marxiste évidemment, hein, mais c'est pour éloigner de cette lutte des classes aussi. Je pense. Moi je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. Je pense qu'en fait c'est la nouvelle forme de l'électoralisme. C'est-à-dire qu'au lieu de financer des mosquées pour avoir le vote des musulmans, tu donnes un petit peu de pain, un petit peu de grain à moudre aux féministes, à peu de frais, tu vas faire croire aux femmes que tu t'intéresses à leur cause. En fait. Femmes qui vont se dire « Ah, voilà, ah, si j'ai une vie de merde, c'est à cause des machistes. » C'est un phénomène marginal. Le machisme, le féminisme va me sauver et Mélenchon soutient féministe. Moi, je pense que tu te trompes. Je vais voter pour Mélenchon. Je pense que tu te trompes parce que je pense que la majorité des femmes pensent peut-être pas comme nous, mais en tout cas, sont loin de casser les couilles sur l'écriture inclusive, sur les blagues par exemple homophobes ou sexistes ou je sais pas quoi. Ouais, mais au moment de voter, je pense qu'il y a une très grande différence entre ce que la femme pense vraiment ou ce que le lambda, la personne qui n'est pas du tout politisée, pense au fond d'elle et ce qu'on va lui présenter sur un plateau au bon moment, tu vois. Ouais, d'accord. Donc là, on entre quand même dans d'autres phénomènes. C'est la stratégie. Pour moi, c'est juste de la stratégie politique. Pas sûr. Ouais, moi, ce que je constate, c'est que pourquoi c'est omniprésent alors que c'est minoritaire ? Eh bien, en fait, on peut faire un lien social. C'est l'élite qui a ce délire-là parce qu'elle n'a rien d'autre à foutre. Une femme qui a 4 enfants élevés et une vie professionnelle à mener, je peux te jurer que l'écriture inclusive, c'est le dernier. Déjà, boucler la fin de mois et on verra pour l'écriture inclusive. C'est un truc de l'élite. Et ça va me permettre de faire le lien avec quelque chose que je voulais dire. Le dernier Star Wars est le réceptacle. Oh merde. Et le réceptacle de toutes les petites frustrations véhiculées par l'élite, donc les artistes. Ils font partie de l'élite hein, et ils infusent ça dans la société. Et je voudrais juste donner quelques exemples du film qui m'ont paru, moi, ça m'a rendu fou. Déjà, alors désolé, attention, je vais spoiler, donc ceux qui l'ont pas encore vu. Ah non, spoil pas, gros. Ah, il faut pas que je spoil. Ah, on va avoir des gens qui vont avoir le seum. Bon, on s'en fout. Dont moi. Hein non, moi aussi. Alors, moi aussi, je l'ai pas vu. C'est bon, pour ça. Eh ben, tant pis. Bon, mais moi qui suis fan de Star Wars, je ne l'ai pas vu. D'accord, bon, mais tant pis parce que j'allais m'appuyer sur ça. Mais... Non, mais c'était un gros spoil, c'est quoi? Oh, c'est des gros spoils parce que c'est sur des personnages très précis avec des situations des situations très précises. Je suis désolé de couper ton truc. Allez le voir et vous constaterez par vous-même que ça a vraiment digéré le féminisme à un niveau, mais. C'est marrant que tu parles d'Hollywood parce que. Alors, moi, j'étends ça à tous les médias. Et il y a évidemment les journaux, il y a cette énorme propagande dans le cinéma français. Alors là, c'est un supplice, le CNC, c'est un supplice. Mais Hollywood. Et puisqu'on parle d'Hollywood, on va parler de Weinstein, puisque c'est lié. Et d'ailleurs, Weinstein, c'est pas Weinstein ou je sais pas quoi. Hein. On prononce ça comme ça se prononce, c'est-à-dire Weinstein. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir à l'affaire Weinstein sans... Vas-y, ouais, pas eh ben, Harvey Weinstein, c'est le produit d'un milieu ultra-féministe et ultra-protestant avec des règles partout. Une société saine... Protestant, t'as dit ? Oui, protestant. Je suis pas complètement d'accord. Alors, je suis pas sûr que ce soit... Je vais l'argumenter. Les États-Unis, les États-Unis ont une vision héritée de la vision protestante puritaine, anglo-saxonne, de la loi. C'est-à-dire, d'un côté, tu peux faire du porno avec des gonzesses qui freinent des triples peinés par des mecs qui font 4 fois leur poids, tu vois. Et de l'autre, si tu t'enfermes dans le bureau avec une femme pour discuter avec elle, c'est du harcèlement sexuel. Donc il faut que ta porte soit ouverte quand tu t'adresses à une femme dans un milieu professionnel, par exemple. Donc on en vient à des mecs qui sont dans des milieux où on te fait des films pour la promotion du féminisme et l'écriture inclusive, et derrière ils les attrapent dans l'hôtel et ils leur faussent la glotte avec. D'ailleurs, je vais juste rappeler ce que c'est l'affaire Weinstein pour ceux, je sais pas, il y a des grottes intersidérales, ils auraient pas été au courant. Attends. Laisse-moi faire mon rappel, s'il te plaît. L'affaire Weinstein, donc, c'est Harvey Weinstein qui est un producteur, un énorme producteur Hollywood. Et voilà, il y a eu des plaintes pour viol, attouchement, etc. Et quand il y en a eu une, il y en a eu deux, il y en a eu trois, il y en a eu 40. Voilà. Toba, t'as quelque chose à dire là-dessus? Moi, c'est ce que tu veux. Et la position ce que j'ai vu après, quand tu connais le milieu du showbiz, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il faut se remettre dans le milieu de qu'est-ce que c'est le show business. Qu'est-ce que c'est que ce milieu du cinéma et la chanson, c'est à peu près pareil. Il faut savoir que toutes ces femmes, quand même, qui jouent un peu des grandes victimes, Weinstein m'a chuté dessus, puis bon, elle te raconte ça 10 ans après, après qu'elles aient touché d'ailleurs leur cachet, avoir que dans le film. Attention. Moi, je vais pas faire que des amis ES, peut-être, en disant ça, mais je pense qu'il y en a quand même. Et ça, il faut quand même avoir conscience. Il y a certaines d'entre elles, elles l'ont cherché au sens où arrêtez de me faire croire, on sait comment ça se fait. D'ailleurs, Catherine Deneuve l'a dit, elle s'est fait, bon, elle s'est fait une volée de bois vert après, mais elle a expliqué, Catherine Deneuve, que beaucoup de femmes cherchent à rencontrer Harvey Weinstein pour jouer dans les films. Et que c'est, et que ce que eux appellent ce harcèlement, ce machin, en fait, c'est une forme, soyons clairs, de promotion bureau. De promotion bureau. Alors, enfin, avant... C'est une promotion canapé déguisée, tout ça. Parce que moi, attends, avant qu'on entre dans le sujet, on va lire un tweet, vas-y, bien. Alors là, on a eu vraiment pas mal de tweets. On avait Max Ring qui se demandait, pour synthétiser, y aurait-il une forme de féministe qui pourrait paraître légitime en France aujourd'hui? Non. Alors, la question, c'est où sont les différences de droits hommes-femmes au niveau de la loi. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Maintenant, on va encore nous sortir un sexisme. Si les hommes, les hommes ont beaucoup moins souvent la garde que les femmes au moment des divorces. Alors, on en parlera après des masculinistes. C'est important. Pabesto, tu voulais dire quelque chose? Non, moi, je pense que oui, il y a encore des choses à conquérir pour les femmes, mais c'est conquérir pour être des femmes accomplies encore une fois et plus. C'est-à-dire un retour en arrière, quoi. Par exemple, un féminisme qui arrive à les convaincre d'arrêter de vouloir systématiquement acheter beaucoup plus de choses que les hommes, par exemple. Si on avait un féminisme qui convainc les femmes d'être moins consommatrices. Non, mais en fait, alors de la vie, te le dirai, les femmes, et pourquoi elles sont plus enclines à suivre la mode, etc. C'est pour se faire accepter, c'est de parler de la tribu, etc. Il y a la nature, il y a la culture. Maintenant, on a un point où la culture peut venir aider la nature à se. Et blanc. Non, moi, j'ai juste une petite remarque. Va peut-être pas vous plaire, messieurs. Mais je pense que, voilà, Mire est nouvelle dans l'émission. Et en tant que femme. Ça n'arrivera pas souvent, mais là, vu qu'on est en train de parler des féministes, peut-être qu'elle pourrait nous donner son avis, voir s'ils sont, sans développer, mais peut-être nous dire si c'est vraiment loin de ce qu'on est en train de dire. Tu l'as pris au dépourvu, mais. Non, pourquoi pas? Non, sinon, on va être accusé. Quel enculé. Non. Ah, bah, vous voyez, elle a rien à dire. On va être accusé d'avoir une nana. Donc je voudrais savoir si c'est vraiment. On va nous dire qu'on a fait lire les tweets. Alors que voilà, c'est ça. C'est parler d'images. Vas-y, dis-nous. Si tu penses que ce qu'on dit c'est de la merde déjà. Déjà, il y a un truc que Babasito a dit qui m'a fait un peu tiquer quand il disait justement que les femmes, elles laissent justement comme héritage entre guillemets leur lignage, en faire leurs enfants, alors qu'un homme lui va trouver d'autres moyens en fait de donner un impact à sa vie, en fait, de laisser quelque chose derrière lui en travaillant plus les arts, en faisant des choses à réaliser. Au contraire, moi j'ai l'impression qu'en tant que femme, je dois faire deux fois plus de choses pour pouvoir briller en société. En fait, j'ai l'impression que tout le monde s'attend à ce que je dois fournir deux. Parce que t'essayes d'être un homme, entre guillemets, peut-être. Non, mais j'ai l'impression qu'on me dise sans cesse que je pourrais faire deux fois moins et ça passerait parce que je suis une femme. Non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. En fait, ce qu'il a voulu dire. Je sais, c'est ce qu'il a voulu dire, mais c'est l'impression que j'ai en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait se satisfaire de moi parce que je serais une femme, parce que quand je parle. Ah non, parce que t'attends, sous les lois du capital, tu es la même. Tu es la même proie. Tu es le même esclave. Je veux pas faire le mec des sandwichs, mais tu es la même proie du capital qu'un homme. C'est pour ça que je disais que la gauche détourne quand elle parle de lutte des sexes, elle détourne de la réalité qui est la prédation capitaliste. En fait, je crois que t'as pas compris. Ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, la femme va avoir une inscription dans le futur grâce ne serait-ce qu'à la génétique, parce qu'elle est assurée d'être la mère de son enfant. Alors que aujourd'hui, avec les tests génétiques, on peut être sûr qu'on est. Mais pendant longtemps, l'homme n'était pas persuadé d'être le père de son enfant. Surtout, il dit donc il fallait. Donc pour s'inscrire dans la postérité, il fallait qu'il lègue quelque chose au monde. Autre chose que qu'un enfant. Papacito. Donc il n'était pas forcément sûr d'être le père. Papacito. Moi je trouve ça trop. Papacito. Pour confirmer ça, Frida Kahlo, énorme peintre mexicaine, a eu un accident de bus qui lui a empêché de procréer. Donc elle s'est mise à peindre et en fait la force créatrice de Frida Kahlo, à mon avis, c'est qu'elle a jamais pu avoir d'enfant et qu'il a fallu que son enfance, enfin en tout cas sa progéniture, ça a été son œuvre. Voilà. Quoi, la monosourcil, non? Encore une fois, la compensation. Exactement. Elle a compensé, elle a compensé avec beaucoup de talent son impossibilité de faire des enfants par de l'art. Et c'est la preuve, en fait, pour moi, c'est la preuve que vraiment, c'est la substitution de l'enfant, l'art. Et pour l'homme, c'est primordial. Et je vais aller encore plus loin, alors je vais pas me faire des amis avec encore. Pas, ouais. Mais justement, regarde toutes les artistes féminines, etc., qui vont très loin, les génies ES. Elles sont souvent barrées. Elles sont souvent justement dans ce truc de la compensation. Ce sont des femmes très perturbées, etc., qui ont quelque chose et qui compensent énormément avec un talent extraordinaire. Tu parles de Christine Angot. Christine Angot, suis-je. On y a pensé en même temps. Est-ce que tu as un tweet, Mirko? Oui, j'ai un tweet de Hardy Goja. C'est une petite blague, en fait. Mes grands-parents, j'ai connu la galère. Quand on parle des grands-parents, souvent ça. Ouais, bah voilà. Et ça y est. Mais pourquoi tu nous lis ça, merde? Vas-y, vas-y. Non, non, mais les grands-parents qui ont connu, eux, la guerre, le rationnement, le nazisme, contre nous qui avons connu l'oppression du patriarcat cisgenre hétéro, la différence de fossé des oppressions que nous on subit aujourd'hui qui n'ont rien à voir. Un peu de la semaine dernière. Excuse-moi. Je sais pas, j'ai un jeu de le voir. Non, ouais, mais il a mis le même la semaine dernière. Excuse-moi, mais renouvelle-toi. Hein, quelqu'un... Non, mais il veut nous placer ses grands-parents rescapés, cette enfoiré. Non, c'est une blague. C'est une blague, c'est de l'ironie. Ah, excuse-moi. En fait, il dit voilà, avant il y avait ça et maintenant aujourd'hui on se bat contre les six gens. T'as un autre tweet? Non, du coup, vous m'avez prouvé pour vous, là. Je sais pas. Et toi, Dimir, t'es d'accord avec cet aspect, justement, des femmes qui ont à un moment de leur vie, parce que c'est vrai que ça dure pas non plus toute la vie, mais à un moment de leur vie, le monde à leurs pieds. Arrêtez, c'est un traité de salope. Je dirais pour les filles, pour des filles qui sont peut-être belles et elles ont peut-être tout qui leur réussit, mais moi j'ai tendance toujours à me rabaisser, alors je n'ai jamais cette impression là, mais après c'est quelque chose de. Mais tu es belle, Mire aussi. Alors, c'est très joli. Aujourd'hui, non, mais rien, pardon. Vas-y, Cromblanc, parce que c'est un sujet qui m'intéresse pas trop. Non, mais c'est vrai que les femmes, moi j'ai connu. Même, c'est pas pour te dévaloriser, mais moi j'ai connu des femmes exceptionnellement belles et vraiment magnifiques. Tout le monde se retournait sur elles dans la rue. Tous mes potes me disaient que j'étais vraiment très chanceux d'être avec elles. La chance. Non, mais vraiment, des femmes magnifiques de Bah vas-y, putain, tu les as vues une fois à poil. Tu les as vues une fois à poil, t'en souviens toute ta vie. Voilà. Bref. Okay. Et en fait, ces nanas-là, et ben en fait, quand tu. Elles-mêmes se trouvent pas belles. Et tu te demandes, mais comment ça se fait que les nanas souffrent autant des causes une telle dépréciation ça. Attends, parce que le type à la régie fait de la merde là, je précise. Vous inquiétez pas. Vas-y. Le micro n'était pas coupé. Dépression, hein. Non, dépression narcissique. Vas-y. Pourquoi les femmes se déprécient autant d'un point de vue esthétique? Et en fait, moi j'ai compris, parce que j'ai réfléchi à cette question et que je suis capable de développer des concepts. Savoir. Trop du concept, hein, voilà. Et en fait, moi ce que je pense, c'est qu'en fait, les femmes avant, en fait, elles ont toujours fonctionné par comparaison. C'est-à-dire que quand t'es avec une fille, tu le vois très facilement. Quand il y a une belle fille qui rentre dans la pièce, elle s'arrête de parler, son regard change, et elle commence à psychoter. Et un quart d'heure après, comme ça dit, regarde cette salope, comment elle se la pète. Voilà. Tout le monde a connu ça. Attends, je finis. Vas-y. Et en fait, donc, pendant longtemps, les nanas se jaugeaient au niveau de la tribu. C'est-à-dire être la plus belle de la tribu. Aujourd'hui, les nanas se comparent avec des filles sur Instagram qui font du fitness, qui font ça toute leur vie, qui ont déjà une génétique magnifique, qui passent sur Photoshop, par filtre, et qui à la fin finissent par des espèces de, même les gravures de Michel-Ange, c'est de la merde à côté. Et donc forcément les meufs elles peuvent que déprimer. Et quand tu te compares à ça, t'es forcément un boudin. Donc faut que les filles vous arrêtiez de vous comparer. À la limite les filles, jetez toutes, vous désinscrivez-vous d'Instagram, jetez vos télévisions, jetez Internet et essayez de revenir à un niveau plus local de comparaison. Je pense si vous voulez aller mieux. Je pense qu'on va lire les dons rapidement. Après, j'ai envie de vous parler du masculinisme qui est pour moi une fatalité qu'il faut dès à présent exterminer, si je puis l'utiliser. On s'était arrêté à Ox. Alors Ox qui nous dit désolé les gars, c'est tout ce qui me reste. Merci pour tes 2 euros. Mm-hmm. Sur mon compte de prolo, va falloir faire avec. Continuez de nous régaler, c'est de mieux en mieux. Rapporteur de gros progrès sur le live, de meilleure qualité. Écoute, merci à toi Ox. Rechaud qui nous lâche 10 euros sans un mot. C'est tiens. Cardo. Il est pas random. Sharp, on essaiera de pas te gazer quand le peuple blanc se sera énervé de nouveau. Par contre, dis à Papacito de pas faire le Shibani avec son RSA. D'accord. C'est le message passé. Chouananas qui nous dit, je donne pour toutes les souffrances endurées par le peuple et l'USA et merci pour ce que vous faites les gars, continuez. Merci à toi. Guillaume, une heure pas de Calais, pas de tatouage tribal, la dernière fois que je me suis regardé, enfin pas pire que les Parisiens qui pensent que l'on se déplace en traîneau après décembre. Sinon, ah putain mec, mets de la ponctuation, mais sinon une opinion sur Black Merde et son papy. Ah ok, Black M et son papy. Va regarder l'épisode du sale Tireur blanc. Sénégalais. Va regarder mon épisode du sale blanc à ce propos-là. Voilà, tu tapes le sale blanc, Black M ça. Voilà. Ok, Fefe 25, salut les gars, super live comme d'hab, merci. Mais pourquoi les rediffs sont pas dispo complètes? Tout simplement parce qu'il fallait que je traite un petit peu plus la vidéo, ça m'a fait chier. Et du coup j'ai passé le plus intéressant, c'était Yann Mox. Mais si tu veux, on passera les 4 heures de live la prochaine fois. Dara, Et sinon, on peut faire la différence entre les féminazies dégueulasses qui gueulent pour des genoux écartés, les féministes qui se battent pour de vraies causes. Bah, Dara, refais-nous un don pour nous dire c'est quoi les vraies causes. Et mettez à jour vos refs. Rap, teint, je suis passé pour une peintre, là. Dara, refais-nous un don pour t'expliquer. Radil Vénère, le retour. Je propose que l'on raye la suite de la carte des pays européens. Très bien, merci. Arc, super live. Par contre, évitez de trash talk l'anarchisme pour rien. Renseignez-vous sur la pensée anarchiste de Balkonine. Ok, on se renseignera, promis. On invitera même Danny Caligula qui nous parlera de la beauté de l'anarchie. Sache qu'on est, on est plus ou moins renseigné là-dessus. Le génie. Brigitte va te coucher. Tu vas encore être en PLS et rater les cours demain. C'est qui Brigitte? Alors le génie a refait un drôle pour t'expliquer. Français en colère. Qu'est-ce qu'on t'explique? Qu'est-ce qu'on... Ah oui, la blague de texte, ok. Texte forever. Saint-Michel, j'adore vos lives, respect les gars, merci à toi. Eh, ça va, on n'est pas sur France 2, tu peux la dire la blague. Hein. Ouais, mais bon, tout le monde la connaît. Refais un tweet pour mettre une meilleure blague. Ouais, s'il te plaît. Moi, je voulais parler du masculinisme. Je sais pas si vous êtes au courant de ce que c'est, sinon je vais l'expliquer rapidement. Alors, tout simplement, je vais parler d'un documentaire qui s'appelle Red Pill. Si vous l'avez pas vu, regardez-le, ça vaut le coup d'œil malgré tout. Enfin, malgré tout. Donc, le masculinisme, en gros, c'est expliquer pourquoi il y a, enfin, expliquer, revenir sur les statistiques fondamentales qui révèlent que l'homme aussi est victime de la société actuelle. C'est-à-dire qui est plus surreprésenté dans les SDF, qui est surreprésenté dans le fait de ne pas avoir la garde parentale, etc., etc. Ça va loin. Regardez le film Red Pill, il semble qu'il dure 1h30. Bref. Et donc, moi, alors, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez du masculinisme? Parce que j'ai déjà donné un petit peu le ton, mais pas si tôt. Mais moi, je pense que le masculinisme, c'est une aberration. C'est-à-dire que maintenant, pour se faire entendre, il faut devenir une minorité. Donc il faut se trouver absolument une raison d'être oppressé. On le sait que pour les hommes, il y a des boulots, enfin que les boulots les plus physiques sont pour les hommes. On le sait que quand ils passent au tribunal, que la juge est une femme, elle te fait payer les problèmes qu'elle a avec son mari pour les 20 prochaines années de ta vie. Ces choses-là, on n'a pas besoin de faire des. C'est dans la nature des choses. Hein. Moi, je l'accepte. La vie d'un homme, c'est dur. Il faut s'y confronter, et c'est ça qui nous fait devenir des hommes. C'est d'un moment nous confronter à cette adversité-là et accepter que, eh ben, on sera attendu sur des choses difficiles. Voilà. Et les hommes devront surpasser ça, et c'est ce qui fait qu'ils en sont. Quelqu'un d'autre Moi, je suis d'accord totalement. Quelque chose qui se crée en effet miroir avec le féminisme, qui est déjà de la grosse merde, ça peut être que de la merde. Donc voilà. Entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors, le masculinisme, pour moi, c'est une aberration. C'est encore un truc sorti du. Imposé, mais c'est. Encore, ça. C'est pas quoi. C'est problème. En revanche, ça pourrait être légitime parce que hier, en faisant des recherches pour préparer l'émission, parce que oui, il faut savoir, je prépare l'émission. Eh bien. J'ai essayé, en fait, j'ai été curieux et j'ai essayé parce qu'en fait, je suis tombé sur tout un. On va dire toute une étude, sûrement commandée par le ministre du droit des femmes, par le frère de par le ministère du droit des femmes, un truc comme ça, la Marlène Schiappa, le frère de Philippot, peut-être. Voilà. Et c'était un truc qui détaillait tous les crimes, les violences, les viols, les mains au cul que peuvent subir les femmes dans la rue. Qui est une horreur, hein, parce qu'attention, les femmes, écoutez-nous bien, nous les fachos, les mecs qui vous mettent les mains au cul dans le bus, on est pour les ratonner, hein, pour leur éclater, leur enlever toutes les dents. Ça y est. Non, mais vraiment, hein. Ça part en incitation. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on les traiterait bien plus mal que vous, vous pourriez les traiter. Parce que vous, arrivez au tribunal, vous leur trouveriez toutes les circonstances atténuantes. Alors que nous, les on serait les trottoirs plus pas vous. Assez larges. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Karine Dehas qui propose d'écarter les devoirs. Moi, je propose d'écarter les mecs. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi Caroline de Haas, et vraiment c'est une parenthèse que je vais refermer assez rapidement, propose des trottoirs plus larges. Pourquoi en Allemagne on propose des bracelets respect? Pourquoi on apprend aux femmes en Allemagne de faire le signe de Dark Vador avec la force pour repousser les gens à qui on n'a pas envie de parler? Parce que c'est dans la mentalité des femmes, quand elles arrivent au pouvoir, en politique, c'est d'éviter le conflit. Okay, elles cherchent à éviter le conflit et à chercher, en plus de chercher les excuses à l'agresseur. Et donc, on en arrive en fait aux situations comme la Suède. Et la Suède, je vous dis, ce sera un thème. Vas-y, pas parce que. Et d'ailleurs, si toutes les femmes gouvernaient le monde, si tous les pays étaient gouvernés par des femmes, il y aurait plus de guerre. Par contre, il y aurait des pays qui se parlent pas. Il y aurait genre, allez, eux, on leur parle pas, et elles contraindraient tout son peuple à pas parler aux Allemands. Tu vois. Genre, on se parle pas pendant un mois. Tu parlais des bracelets respect et tout. Est-ce que tu sais que les ventes de néo, enfin de ceinture de chasteté 2.0 explose oui, en Allemagne. Oui, oui, ça, avec des nouveaux tissus qu'on peut pas ouvrir et tout ça, avec des codes. Il y a même en Suède un dispositif qui permet à une femme, quand elle va avoir un rapport sexuel avec un homme, de signer un contrat d'acceptation. C'est un projet de loi, oui. Voilà. Bonjour, est-ce que tu es d'accord pour que je te mette une grosse cartouche? Signe en bas, pas grave, s'il te plaît, il doit y avoir un deuxième volet, tu vois. Est-ce que le viol est une appropriation culturelle? Non, non, non. Attends, pour rebondir sur ce que tu disais, parce qu'en fait, j'ai pas fini, donc j'ai trouvé toute une étude qui précisait, mais vraiment avec les chiffres les plus précis du monde, des 56,14% de femmes ont connu une main au cul avec 4 doigts, 70% avec 5 doigts, etc. Et après, je me suis dit, mais on va prendre un truc simple, par exemple, les meurtres. Combien d'hommes et de femmes qui sont tués par an? Pour trouver la première étude, j'ai mis 10 secondes. Pour trouver ce chiffre, le deuxième chiffre, c'est-à-dire combien d'hommes et combien de femmes se faisaient tuer par an en France, j'ai mis une demi-heure et le seul chiffre que j'ai trouvé, c'est 2/3, 1/3. Il y a 2/3 d'hommes se font tuer, 1/3 de femmes. Alors ça, je trouve que c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que non, mais comme chiffre, pardon, pas comme sujet, chiffre. Parce qu'il suffit de regarder, en fait, qui tue. Là, tu vas trouver. Ah oui, c'est des hommes. Donc en fait, les féministes, quand elles sont dans cette étude statistique, si tu veux, elles ont trouvé un point commun qui est que les hommes tuent. Oui, j'ai dit, c'est une agressivité latente. Tout homme a ressenti un jour dans sa vie une envie de destruction. Une envie de destruction, comme ça. Les femmes aussi, faut pas croire. Hein. Ouais, mais bon, c'est plus sur le coup d'un pétage de câble. Là, c'est une volonté. Enfin bref. Et en fait, donc voilà, elles ont vu ce point commun. C'est des jeunes souvent aussi. Et elles sont pas allées plus loin en fait. Donc si ce qui aurait pu être un problème où on dénonce des coupables et qu'on sert vraiment des statistiques qui sont interdites en France par exemple, devient une stigmatisation de l'homme et des jeunes. En général, les médias te parlent des jeunes, etc. Non, ça c'est pour fermer la parenthèse là-dessus. Je vais revenir au masculinisme et pourquoi. Alors moi, je le vois souvent développé en pleurniche sur dans des commentaires YouTube, sur les forums JVC et tout, le 1825. Et moi, je trouve que c'est absolument ça nous met plus dans la merde qu'autre chose. Pourquoi? Ça nous dessert. Voilà. Parce que en fait, c'est déjà premièrement entrer dans une logique de victimisation qu'il faut pas. Parce que c'est comme ça. Il faut que les hommes redeviennent des hommes pour que les femmes aussi redeviennent des femmes. Donc il faut affronter. Voilà, il y a des réalités dans la vie. Les hommes seront plus des SDF. Les hommes seront plus dans les taux de suicide, etc. C'est des réalités de la vie. Point. Il n'y a pas à se plaindre et exiger quelconque réparation devant le tribunal ou je sais pas quoi. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, en fait, c'est que quand vous êtes masculiniste, quand vous dites voilà, on se fait enlever les droits d'avoir les enfants, etc. En fait, vous validez la perception sexiste des institutions par les féministes. Alors que les féministes vont dire bah oui, c'est parce que les juges sont sexistes et disent que c'est plutôt les femmes qui devraient garder les enfants. Donc voilà, tu es d'accord avec moi. Vous faites enculer comme ça. Et ça c'est un énorme problème. Donc arrêtez d'être des pleurnicheuses. Et c'est pareil, quand on parlera du racisme, etc., on parlera du racisme anti-blanc. Arrêtez d'être des masculinistes parce que vous desservez, en fait vous entrez dans une concurrence victimaire d'abord que vous ne gagnerez jamais. Hein, essayez de plutôt relever la tête, de dire voilà, ça c'est la réalité, c'est arrêter des hommes, je suis un homme, c'est arrêter des hommes. Les femmes, devenez des femmes et ça se fera que quand vous deviendrez des hommes, les gars. Là, tu parlais par exemple du racisme anti-blanc qu'il faut le rejeter. Moi, je pense pas qu'il faut le rejeter totalement. C'est un autre sujet. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que même par rapport au masculinisme, c'est-à-dire que plutôt que se placer dans la position de victime, plutôt se placer dans la position de qu'est-ce que je dois faire pour en sortir moi-même. Là, par exemple, dans le racisme anti-blanc, il y a un truc que tu entends souvent sur les blancs, c'est les blancs, ils sont fragiles. Moi, je pense pas qu'il y a de fumée sans feu, en fait. Je pense que c'est vrai qu'une partie des blancs sont des gros fragiles. Je sais pas si c'est une évolution due au fait qu'ils têtent du lait de soja ou peut-être ne serait-ce qu'ils sont pas habitués au conflit comme les populations récemment importées. Ils ont pas la même façon de les résoudre. Et je pense qu'il faut sortir de ça justement. Faut plutôt que de dire traitez-nous d'égal à égal, on est des fragiles, s'il vous plaît, arrêtez d'être méchants avec nous. Okay. S'endurcir. Donc on est ça, d'accord en fait. Là-dessus. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir là-dessus? Sinon, on passe directement à la suite. Est-ce qu'il y a d'autres dons? Ah oui, je voulais parler du super chat. Je suis désolé, j'ai pas fait ce rappel en début d'émission. Le super chat, en réalité, sachez que Google me prend 30%. J'ai pas trouvé comment le désactiver. Mais je vais quand même lire les dons du super chat. Mais si vous voulez vraiment que vos dons soient lus, allez directement dans le truc juste au-dessus. Là. On a qui de nouveau? On a Captif. Ok. Quand j'ai découvert le Raptor avec sa dernière vidéo, j'ai découvert un nouvel univers. N'étais pas prêt. Je rigole et j'apprends en même temps. Continue. Bah écoute, merci à toi. PS, j'ai hâte de voir le live sur l'éducation nationale. Il y avait un don de 100 euros sur le chat. On va le lire, le super chat. Le live sur l'éducation nationale, on va le traiter. Le racisme, on va le traiter. C'est très très important, c'est le sujet. Merci à toi. Rajit Vénère, putain. Il est déter, lui. Super boulot, les gars. Continuez les lives, ça redonne le sourire. Surtout dans un monde où Mathieu Petitesse refait des vidéos au niveau de déception. Bitvania, sûrement. Je sais pas, écoute, on attend ce qu'on va voir, mais comme elle dit, on s'en fout. Tu peux me mettre un petit peu le super chat, c'est en dessous, ouais. En dessous encore. Alors, on va lire un petit peu le super chat avant de passer à la suite. Max Setti, est-ce que violer, c'est tromper? Écoute, je trouve ça horrible. C'est un connard. Franchement, honnêtement. Quand les meufs disent ouais, rigolez pas des viols, elles ont raison parce que c'est quand même un. En fait, je pense qu'on réalise pas. Faudrait prendre les viols. On réalise pas aujourd'hui la violence du truc. Mais bref. Romain Akar, la rediff complète de Raptor. Vous avez une vision de Nord, de Bobo parisien, très bien. Merci pour ce que vous faites, Johan Leiber. Merci à toi. Urdead, tu penses quoi de Ben Shapiro, Sargon of Akkad? Est-ce que KB t'écoute un peu Ben Shapiro? Ouais, bien sûr. Ouais, tu t'en penses J'adore quoi? J'adore ce mec. Moi j'adore, mais je suis réservé sur plusieurs questions. Non, je trouve que c'est une machine de guerre. Mec. C'est une machine de guerre, mais quand tu dis j'adore, j'adore le mec et c'est une machine de guerre. Ouais. Je suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'il dit. Ah oui, non. Après, je suis pas américain, donc si tu veux. Non, mais c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que j'adorerais avoir ces skills. Ouais. Krana Shewa, que Dieu vous bénisse, les gars. Merci à toi. Léo Off, salut, il se passe quoi? Bah écoute, on est en live. Mickey Kiki, 100 euros, mais pas de message. Mais écoute, merci à toi, Mickey Kiki. Je vais relire T'es ton message. T'es vraiment pas un random, quoi. Gaffe Apology. Bonjour, Raptor. Est-ce que tu as prévu de faire un live sur des sujets genre technologie, transhumanisme, GAFA? Pourquoi pas, ça risque d'être chiant. Hein. Honnêtement, si on parle des GAFA, ça risque d'être un peu chiant. Transhumanisme, Sardos, je voulais en parler. Ça peut être intéressant. Mais j'avais soumis le truc au vote du public. Le transhumanisme est passé à la trappe complète, donc c'est pas si intéressant que ça pour vous, apparemment. J'aimerais bien un petit débat là-dessus pour voir ce que vous en pensez. Bah écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Bastien Duclos, merci à toi pour participation. Pas de message, mais écoute, ça fait plaisir. On pourrait peut-être faire un thème pour le mec qui met tout rond. Ouais, non, mais gars, on va passer. Non, mais pas improviser pour la semaine d'après. Alors, vous avez remarqué que j'ai pas commenté l'affaire Weinstein, mais je pense que je vais pas le faire ce soir. Il y aura d'autres occasions d'en parler. Non, parce que j'allais balancer pas mal de saloperies, donc c'est pas la peine. Écoutez, on se retrouve juste après la petite pub pour les bonnes nouvelles de la semaine. Alors celle-là, je vais pouvoir rattraper ma Weinsteinophobie sur les bonnes nouvelles de la semaine. Écoutez, c'est parti, publicité. Les bonnes nouvelles de la semaine. Vous savez qu'on aime bien finir cette émission sur une touche toujours de bonheur, de plaisir. Je crois que Papacito veut commencer. C'est quoi ta bonne nouvelle, Papacito? Alors moi, la bonne nouvelle qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que Rihanna, donc Black United, Rihanna qui va demander à notre président de lâcher des sous-sous pour l'Afrique, alors qu'elle vient des Barbades et que ça n'a rien à voir et que là-bas, il ramasse un fond. C'est quoi cette histoire? En fait, Rihanna a été chassée du Sénégal. Elle est interdite d'aller au Sénégal. Donc en fait, ce sont les Africains qui lui disent « Dégage, sale migrante !» Parce que c'est ça au final. En fait, Rihanna voulait migrer au Sénégal et le gouvernement sénégalais lui dit « Ta gueule, t'es trop pauvre ouais. !» En fait, c'est pas ça. C'est en fait ce qui se passe, c'est que Rihanna est scientologue. Et en fait, les institutions islamiques sénégalaises ont pensé qu'elle profiterait de son voyage pour potentiellement faire la promotion de sa religion, la scientologie, et que ça va à l'encontre des bonnes mœurs de la culture sénégalaise. Donc, je suis très content parce que ça symbolise le fait que dans sa tête de caribéenne, elle s'est dit, nous autres, les noirs du monde, avons tous le même combat. Et en fait, quand elle retourne en Afrique, continent qu'elle est censée incarner, qu'elle est censée représenter, puisqu'elle est allée demander de l'argent. Elle se prend un stop. Voilà. Et ben, en fait, l'Afrique lui dit, non, ta gueule. Tu es une droguée dégénérée. Retourne dans ton pays de fou, tu es américaine. Non, mais moi, je suis très content quand les Africains remettent à leur place les Américains. Will Smith, c'est un noir aux États-Unis. Tu le mets au Sénégal, c'est le singe de Dora l'exploratrice. Il n'a pas la même couleur que tout le monde. Oh, putain. La comparaison qui va encore être retenue. Bon, c'est le Teletubbies jaune, tu vois. Coolest Teletubbies. Voilà, ce n'est pas le coolest Teletubbies. Donc ça, c'est très important que les gens commencent à comprendre qu'il n'y a pas les noirs. Il y a une multitude de catégories de gens à peau noire et que c'est très bien que Rihanna, qui en met toujours plein la gueule au blanc, se confronte à la haine de ses propres semblables, qui sont même pas semblables d'ailleurs, qui sont un peuple. Pure tête de métis, Rihanna. Voilà, exactement. T'es sûr qu'elle en met la gueule au blanc? Ben, Rihanna, elle a eu plusieurs fois, elle a plusieurs fois dit qu'on était une culture qui l'oppressait. Ben, c'est très bien. Elle est partie se faire oppresser au Sénégal. Et c'est pas Rihanna qui avait dit qu'on était un pays de merde ou je sais pas quoi. Il y a quelques années, quand elle avait débarqué à je sais pas quel, sais pas quel aéroport, elle avait dit qu'on était un pays de merde. Ah, voilà. Et là, elle est partie voir Manu, hein, et il lui a lâché 200 millions. C'est ça, pourquoi? Pour faire de l'éducation, l'éducation en Afrique. Voilà. Ah oui, voilà. Oui, parce que le projet du Pont-Aignan, la droite forte. C'est le projet de développer l'Afrique. C'est-à-dire que c'est tout à fait logique que comme Rihanna vienne des Barbades, qui se trouve à 8000 km de l'Afrique, s'occupe de, du oui, qu'elle vienne demander de l'argent à la France pour, voilà. Ah, non, là, je pense que là, on est dans le mondialisme pur. Bravo Rihanna. Bravo. Bah, écoutez, prochaine nouvelle, bonne nouvelle. Alors, excellente nouvelle. Excellente nouvelle. C'est CNN qui vous dit que se faire cuck, être un cocu, est bon pour la santé. Qui l'eût cru? Donc, mets-nous, pour plus preuve, je l'avais tweeté, évidemment. Donc, cuck holding, should I say. Voilà pour pour le petit accent et bon pour la santé donc ça je trouve ça bonne nouvelle. Alors si le sida rentre dans les considérations de santé, je pense que si ta meuf se fait si ta meuf se fait faire cocu par un mec qui lui transmet la chaude pisse, je suis pas sûr pour la santé soit exceptionnel. Voilà, moi je m'en tiendrai à la. En tout cas, j'étais content parce que je me dis que les lecteurs de CNN qui sont profondément anti-Trump dans la propagande réelle du parti démocrate seront heureux d'apprendre que être cocu, tout ce qu'ils ont entrepris depuis des années quand même, ils avaient de l'avance sur la science au final. Les rendra heureux, voilà. Ouais, et Usul et Piwan aussi. on a un tweet peut-être. On a un tweet de Jaro qui aimerait pouvoir discuter avec toi et avec tous en fait, et elle s'indigne. Il n'y a pas assez d'opposition dans le débat. Encore? T'es arrivé un peu tard parce que... Elle arrive un peu tard parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Pas si tôt. Ouais, je voudrais rebondir sur ce tweet. C'est exactement ce qu'on disait de Mike Tyson quand il mettait des patates au mec de 2 mètres. En fait, tous les week-ends, on lui amenait un nouveau mec, il l'explosait, et les gens disaient qu'il n'a pas d'opposition. C'est pas qu'il n'a pas d'opposition, c'est qu'il éclate l'opposition, en fait. C'est-à-dire que soit les mecs ne se présentent pas au combat, ils ne viennent pas à la peser, du coup, ils peuvent pas monter sur le ring, soit ils sont pas dans notre catégorie. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Mais le jour où on aura un Evander Holyfield de la gauche, ça n'existe pas, hein, parce que quand tu fais de la muscu et de la boxe, tu es de droite. Donc, si on a un Evander Holyfield de la gauche qui est prêt à venir mettre les gants avec le Tyson Raptor, on l'attend avec grand plaisir pour un match au sommet. Ah, oui, Crojean. Papa a totalement raison. Honnêtement, hein, en toute objectivité, je vois pas qui pourrait venir ici et nous faire ne serait-ce que bégayer. Non, mais vraiment. Oh, le roi d'Espagne et Jésus-Christ, déjà, moi, je pense que... Non, ils vont nous parler de... Ils seraient plutôt contents. Ils vont nous parler de Loïc Chagnon, je sais pas quoi. Ça m'étonnerait qu'il accepte de venir ici. Mais bref. Bah, je l'ai venu chez moi. Je l'ai accueilli, moi. Ah ouais, c'était bien. Alors, je sais pas s'il reviendra aujourd'hui. Ouais. Parce que. Lui, il est qualifié de rouge-brun. Je sais pas si c'est. Alors, eh ben oui, mais parce qu'il est venu chez moi. Ah Mais non, ça fait rire des moniaques. Non, parce que ça fait rire, parce que si tu veux, je le vois. Il se charcle des fois sur Internet. Et le premier reproche qu'on lui fait, justement, c'est « Mais t'as TV !» Donc, il se fait démonter là-dessus, en fait, l'argument qu'on lui oppose, tu vois. On lui parle même pas de son truc, on lui dit « Ah, t'es venu avec ta TV, c'est bon, t'as fricoté. » Voilà pourquoi les gens ne viendront pas à Save, peut-être. C'est pas parce qu'ils ont pas envie de débattre, c'est parce qu'ils ont peur de l'image. Mais on passe à la prochaine bonne nouvelle. Si notre mec à la régie arrête de manger en scred, là. On passe à la prochaine bonne nouvelle. C'est donc l'équivalent du CRIF canadien, donc Conseil représentatif des institutions juives du Canada, plus ou moins, qui demande au Canada de prendre les Africains refusés en Israël. Ah. Oh. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. On parce va que, faire pareil, alors. Parce, alors, moi, je trouve ça quand même excellent. Bon, je vais pas faire de commentaires parce que c'est le suicide. Mais ça me rappelle le, tu sais, l'autocollant que les gens collent. Free borders for Israel, tu vois. Ouais. Mais bref, on va pas aller plus loin. On a même pas évoqué Soros aujourd'hui, je suis assez déçu. Non, Soros, il est détesté par lui. Et oui, c'est ça qui est, alors, ça c'est une question dont on parlera peut-être un jour, quand on sera, maîtrise pas, mais je le sais. Quand on sera, exilé. Alors, dernière bonne nouvelle, tu veux la présenter peut-être, Croblanc, je sais que ça te tenait à cœur. Laquelle? Bassem qui vire les Roms. Ah, Bassem. Moi, je trouve ça très bien que, en fait, la vindicte populaire, la justice du tiers-quart, puisse enfin s'appliquer en France sans aucune répercussion. Et je pense que si ça avait été une bande d'identitaires qui avait viré des Roms de chez on Ginette, aurait chopé leur message WhatsApp. Oh là là, je crois qu'il se serait passé quelques carabistouilles. Justement. Alors, tu vois cette affaire. Bah, justement. Alors, moi aussi, j'ai quelque chose à dire sur ce truc. Attends, est-ce que tu peux expliquer l'affaire parce que... Alors, en gros, Garges-lès-Gonesse, c'est une maison qui est squattée par 16 Roms. Il y a le propriétaire qui était parti, je crois, en vacances, ou je sais pas quoi, qui revient. Qui, un vieux maghrébin. Voilà. Mais c'est très important. Youssef. Très important pour la suite de l'histoire qu'effectivement, il s'agit d'un maghrébin. Parce que moi, je pense, et alors là, je fous encore ma mère peut-être pour certains, mais si cette personne n'avait pas été d'origine maghrébine, personne n'aurait bougé son cul. Vierge des gonesses. Et que si c'était Jean-Jacques, hein, Jean-Jacques Dupetit ou Jean-Jacques Deschamps qui avait fait sa vidéo en disant bah, « on m'a viré de chez moi », eh ben les gens, ils auraient été sur Internet. Ah bah tant pis pour lui. Oh, c'est dégueulasse, les Roms, c'est des enfoirés. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire par là que... Alors, justement, tu viens de me demander de préciser. Je sais où tu veux en venir. Voilà. Je veux dire par là que, si tu veux, au-delà, comme tu l'as expliqué, de vindicte populaire et d'expression, on va dire, tu vois, de gens qui se prennent en main, pour moi, c'est l'expression profonde du communautarisme, justement, en France. Et que, parce que pourquoi ces jeunes se sont solidarisés immédiatement avec cette personne? Clairement, je pense que c'est parce qu'il s'appelle Youssef. Et que si c'était un Jean-Jacques Deschamps, je t'assure, je ne pense pas que les jeunes auraient bougé de la même façon. Papacito. Peut-être je me trompe, mais je pense pas. Papacito. De toute façon, on voit bien qu'il y a des permis pour le crime qui sont attribués en fonction de la nature de celui qui le commet. Quand tu roules à 90 km/h sur des Niçois en criant Allahu Akbar, tu es un déséquilibré. Quand tu vires en Rome et que tu es maghrébin et que tu le tabasses, tu es un héros populaire. Si tu es français et que tu votes juste Front National, tu es une merde absolue. C'est ça qui est fantastique. Tu n'es même pas déséquilibré, tu es une merde. Tu es un nazi. Et faut te virer du pays. Il faut te virer du pays. Il faut voir ma vidéo Maïka Le Pen pour savoir ce que c'est le Front National aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que vraiment, on est loin des pires heures de l'histoire. Hein. Ouais. C'est pour ça que ça vaut pas le coup. Parce que tu le dis très bien dans ta vidéo d'ailleurs. Mais ouais, moi je voulais quand même saluer. Je voulais dire qu'en fait c'est désespérant pour les Français que eux soient des loques pareils dans la vie de tous les jours, qui n'interviennent même pas dans les transports quand une femme se fait violer, car ce sont devenus des sous-hommes, excusez-moi du terme. Totalement. Alors que alors on rigole souvent avec la virilité maghrébine, c'est souvent enfin bref, peut-être que je rigole tout seul. Virilité de mots, quand même. Je me suis senti un peu sauvé. Mais la réalité, c'est que où est la virilité? Alors, je vais vous le dire, c'est vrai que ça aurait été des identitaires. Récemment, les identitaires se sont ont voulu avoir un local pour eux à Lyon, ouais. À Tulle, je crois. À Tulle. Ils se sont fait tomber dessus. Le maire de la ville est sans dessus dessous parce qu'ils veulent avoir un appartement, tu vois. Là, je vous le dis tout de suite, ça aurait été un Français, disons, aurait tenté quoi que ce soit, les keufs, CRS, leur conversation WhatsApp aurait été intercepter. Donc certes, il y a un manque de d'hommes, quoi, et d'hommes réels, où sont les vrais hommes, pour citer une certaine vidéo, mais il y a aussi une répression systématique sur ceux qui essaient de faire des choses et qui sont blancs, en fait. Alors juste pour les identitaires de Lyon, sachez que Bassem Raiki libère des appartements. Donc si vous cherchez des appartements, mettez-vous en relation avec Bassem, il en fournit en ce moment, il en fournit. Problème. Non, tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je veux rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'en fait, le communautarisme, il est interdit aux blancs par la menace de toujours l'épée de Damoclès du racisme qui plane au-dessus de nos têtes. Et je pense qu'il va falloir un jour, le jour où on va reprendre nos couilles, c'est le jour où on va dire « allez vous faire foutre avec votre racisme, ouais. On se communautarise ». Et c'est pour ça, alors j'ai à peu près la même approche, c'est pour ça que on va faire il y aura un live et la prochaine vidéo aura pour thème le racisme. J'espère que ce sera une vidéo qui pourra libérer les gens, parce que c'est réellement l'outil qui est utilisé contre les blancs, en fait, les Européens actuellement, et qui leur fait enfiler des bracelets respect quand ils se font violer leurs femmes, si vous voulez. Donc blanc. Pas que les blancs, parce que même les robeux ou les renois par exemple, qui veulent épouser la cause du bien commun de la survie de la France, les noirs ils sont traités de bounty, les arabes ils sont traités de harki, oui, et ils sont ils sont traités comme des parieurs, tout simplement, et plutôt pas pour nous en parler. Ah, c'est tout à fait vrai. Bien sûr. Écoutez, bon, vous avez d'autres bonnes nouvelles? Un tweet sinon? Un tweet? Comment ça, non? Bah, bonne nouvelle, okay. Sinon, y a, pour la continuité, une petite dédicace à l'UNEF. Alors, après les réunions interdites aux blancs, ça c'était il y a quelques semaines, maintenant on sait que la vice-présidente tweet qu'il faut gazer tous les blancs, cette sous-race. Et voilà, la vice-présidente de l'UNEF, donc syndicat étudiant de gauche, Des gens très bien, tu sais. T'es un peu l'office, t'es un peu la pépinière du Parti Socialiste. Un petit peu, effectivement. Pas si tôt. Parce que c'est le marchepied du Parti Socialiste, faut le préciser au passage. Donc, bah voilà, il a trouvé parfaitement la photo, il est efficace. Pas si tôt. Voilà. Alors moi, je pense qu'on arrive à un stade qui est incroyable, c'est que c'est une membre de ce qui est plus ou moins le Parti Communiste, les Insoumis, c'est les héritiers du Parti Communiste. Donc, on arrive à un siècle où c'est l'extrême gauche qui nous propose de faire l'apartheid. Parce que dire une réunion est interdite aux Blancs, ça veut dire qu'elle est surtout réservée aux Noirs. Comme d'autres réunions ont pu être réservées aux Blancs en Alabama au 19e et en Afrique du Sud récemment. Donc, c'est l'extrême gauche qui nous ramène à la ségrégation raciale et c'est les féministes qui nous ramènent à laisser les femmes porter le voile et se faire fouetter si elles en ont envie. Alors, je complète et je vais fermer le sujet parce que je pense que c'est l'objet d'un thème qui est quand même beaucoup vraiment à approfondir. Il faut voir la vidéo qu'Usu a fait avec un Indien. D'ailleurs, on pourra lui rappeler qu'un Indien sur deux fait caca par terre. La vidéo, il emploie lui-même le terme de race, etc. Donc, c'est-à-dire que l'extrême gauche a brisé ce tabou-là et ce tabou-là. Et encore une fois, je rigole tout seul. Ce tabou-là. Et l'a transformé en arme parce qu'ils ont la démographie aussi derrière. Voilà, ça c'était une chose que je voulais dire. Deuxième chose que je voulais dire, est-ce qu'on doit on doit considérer que c'est quelque chose de mal qu'elle commence à faire ça? Moi, honnêtement, je ne le pense pas, mais je pense qu'on développera la prochaine fois, Papacito. Je voulais juste dire un truc, mais c'est une bêtise. Moi, je crois que la gauche devrait miser plus sur des Rocaille à Diallo que sur des Obono. Obono, elle est vilaine. Donc, en fait, quand elle parle, on écoute ce qu'elle dit, parce qu'on la regarde pas. Alors que Rocaille à Diallo, on la regarde et on a rien à foutre de ce qu'elle raconte. Mais donc, ça, c'est ton point de vue personnel d'adorateur des Sénégalaises. Écoutez, je pense que, on a fini. On va attaquer le défi de la semaine. Régisseur. Quoi que à la fin on lira les dons, vous inquiétez pas. Alors défi de la semaine, la semaine dernière on a eu des participations, merde j'ai oublié de les prendre. Je la mettrai sur Twitter, le gagnant et la gagnante de la semaine. La gagnante nous a fait des brownies au chocolat, voilà. Bravo. Ça faut le savoir. Bravo. Voilà. Et le gagnant je crois qu'il faisait des tractions torse nu sous la neige, enfin bref ça m'a ébloui. Oui, vas-y, pas mal, c'est tout. Alors moi, figurez-vous que je suis très actif au sein du Boxing Club Toulousain, à Toulouse, dans ma ville natale. Et figurez-vous qu'il y a un mec qui est venu à la salle et qui en fait, donc suite au défi, et qui en fait s'est retrouvé avec Papacito, quoi. C'est-à-dire que le gars, le raptor lui dit va t'entraîner à la boxe, et sur qui il tombe sur Papacito, on est partout, quoi. Et le mec s'est régalé, et j'espère qu'il va continuer, parce que c'est vraiment les premiers temps les plus durs, et après on s'habitue. Ouais, mais en tout cas, je salue la démarche, et pour lui, c'était incroyable, puisque du coup, vraiment... Raptor lui dit d'aller faire un truc, il tombe sur Papacito, je pense que c'est top, quoi. Sachez que alors on n'a pas eu de candidature pour Mass Effect. Sachez que le défi de s'inscrire à la séance d'essai, le but étant de poursuivre quand même, parce qu'il faut que vous découvriez tout ce que ça apporte en dehors du physique et de la technique ou je sais quoi, et ça apporte notamment dans votre confiance en vous. Le défi se poursuit, vous pouvez toujours envoyer vos candidatures à l'ERDV dissident, excusez le bégaiement, lerdvdissident@gmail.com. Donc je reçois les candidatures, je vous réponds. Ou tweeter directement. #RDV dissident en mentionnant, ce sera toujours mieux. Et le défi de la semaine, qui s'ajoute à ça, ça concerne la clope. Croblant, tu veux peut-être le développer ? Oui, parce que moi, j'ai fumé pendant longtemps, et j'ai essayé d'arrêter depuis longtemps, et grâce à l'hypnose, je pense avoir vraiment totalement surmonté... Non, fake, hein ? Non, vraiment, oui. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais réussi à arrêter. Moi, je fumais depuis grâce à un sorcier. Plus de 10 ans. J'avais arrêté par moi-même, j'avais arrêté pendant 8 mois, et en fait, comme tu un. Tu vas être trollé toute la semaine sur l'hypnose, gros. Non, je m'en fous, j'assume complètement. Moi, j'assume totalement, vous pouvez me troller. Vas-y, et en fait, je. Des montages avec hypnomade et tout. Vas-y. Mais pourquoi tu en donnes des idées, ouais. Vas-y, excuse-moi. Et en fait, je reprenais à chaque fois très connement, j'ai arrêté 3 ou 4 fois pendant 2 ans, dont une fois pendant 8 mois, et j'ai repris très connement, c'est-à-dire, en fait, tu te dis souvent, ça y est, en fait, mon rapport à la clope, il est stable. Je maîtrise ma consommation de cigarettes et je peux fumer une ou deux clopes en soirée. Et ça, c'est la plus grosse connerie parce qu'en fait, tu refumes une ou deux clopes en soirée. La soirée d'après, tu vas en avoir marre de gratter. Tu vas t'acheter un paquet en te disant, je vais fumer que 3-4 clopes. Et puis, en fin de compte, 2 semaines après, t'as un paquet dans la poche et tu fumes 20 clopes par jour. Bref, Papesto. Alors pour le 18-25, sachez que si vous voulez trop les caber, le loup des vieux Tex Avery, des vieux cartoons, il fume souvent. Tu sais, c'est un loup qui fume. Donc gros blanc, voilà, tu vas te retrouver avec des têtes de loup qui fument dans les cartoons. Non, mais en fait, sous hypnose. Non, mais vraiment là. Moi, la clope, je pense que pour plusieurs aspects, ça peut être très intéressant. Même d'ailleurs, ça va être obligé. Vous allez devoir arrêter de fumer, je vous le dis, parce que ça va devenir très ringard. Parce qu'on va exposer le fait semaine après semaine. Parce que comme l'a dit Raptor. Les défis ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes pas inscrit à la salle de sport la semaine dernière qu'il faut oublier l'idée. Vous pouvez vous inscrire dans 6 mois, dans 2 mois, dans 2 semaines. On a toujours vos candidatures, voilà, qui sont enregistrées, on vous répond. Nous, c'est pas du défi, c'est pas du défi éphémère. C'est quand on a édité une action possible, c'est pour toujours. Parce qu'en fait, on veut pimper vos vies. On veut améliorer vos vies. On veut rentrer dans l'action. On en a marre de discuter. On vient de vous expliquer qu'il va falloir qu'on se communautarise, qu'il va falloir qu'on passe à l'action. Et c'est là, on commence tout doucement. En fait, c'est que le début. Quand on vous dit, allez faire du sport, arrêtez la clope, vous allez voir que ça va monter en pression. Et à la fin, on va être capable de faire des actions ou pas. On verra. Mais donc, la clope, en fait, il faut l'analyser très froidement. La clope, ça a rien de cool. C'est Hollywood qui a vendu la cigarette pour faire plaisir aux marchands de cigarettes comme quelque chose de glamour. Et qui l'a vendu aux femmes. Voilà, par exemple, Rocky fume. Alors c'est complètement débile quoi, aucun sportif de boxeur de haut niveau va fumer pour tenir 10 rounds, tu peux pas fumer. C'est parce que Marlboro l'avait payé. Alors je peux juste citer, parce que chaque semaine je cite un livre pour faire le mec cultivé. Lisez Propaganda. J'ai oublié le nom exact. C'est Bernès. Ouais, il me semble. Ah oui. Lisez-le, alors il explicite et vous expliquera notamment que la femme a été mise en avant dans la publicité, etc., en train de fumer, pour en fait le rendre cool et intégrer les femmes. Je crois qu'il avait commandé ça, Edouard Bernays, à l'époque, ouais. Et il a inventé ce concept-là. Ouais, tout à fait. Et donc je finis, en fait, la clope a été vendue comme un rite de passage à la l'hypnose. C'est à cause de l'hypnose, c'est l'hypnose là. L'hypnose. Non, en fait. Non, s'il vous plaît. Vous avez compris, les auditeurs, que la fin du live, c'est plus détente. Ouais. Non, mais en fait, la clope a été vendue comme le rite de passage à l'âge adulte dans nos sociétés où, en fait, on n'a plus vraiment de défis. Et voilà, c'est un rite de passage. Et on va le changer. Avant, il y avait le service militaire pour les hommes. Pour les femmes, je ne sais pas ce qu'il y avait. Mais en gros, enfin, qu'on en réinvente un, on va le faire entre nous. Et on va plus être obligé de fumer pour avoir l'air cool. Parce qu'en fait, regardez les gens qui fument, regardez Usul. Vous avez pas envie de lui ressembler. Non mais clairement, en fait, vous fumez, honnêtement, vous fumez parce que vous êtes entré dans un phénomène de mode pour vous faire accepter dans les soirées parce que vous n'aviez pas de personnalité. Alors vous allez le prendre mal, mais bon, pour certains c'est vrai. Je sais que je caricature énormément. Mais surtout qu'en plus tu te mets à fumer à un âge où t'es hyper sensible au regard des autres. C'est ça. Je connais personne qui s'est mis à fumer après 20 piges. Ça n'existe pas. Tu commences à fumer quand t'es gamin pour donner de la compétence. Pas si tôt. Alors, sauf les mecs qui ont fait la guerre, qui rentrent et qui fument des clopes en regardant le vide. Je connais certains mecs de 40 balais qui ont vraiment fait du salon en Yougoslavie. Tu vois, ils se mettent à la fenêtre. Quand ils fument leur Marlboro, ils sont pas en train de penser à la dernière vidéo de Jerem Star. Parce que ça, il y a des images qui tournent. Donc, ceux-là, à la limite, on peut leur dire. En tout cas, quel est le défi de la semaine? Ah, voilà. Alors, tout simplement, le défi de la semaine. C'est de au moins ne pas fumer pendant 7 jours. En fait, moi, ce que j'ai appris par mes multiples tentatives d'arrêter la clope, c'est qu'en fait, plus tu vas t'entraîner à arrêter, c'est-à-dire plus tu vas t'entraîner à résister aux 3 premiers jours, qui sont en fait les plus durs, parce qu'en fait, après les 3 premiers jours, tu n'as plus de nicotine dans le corps. Donc, c'est plus facile. Les 3 premiers jours sont vraiment stressants, sont vraiment difficiles, tu as vraiment envie de fumer, il y a un appel de ton corps. Et donc, si vous vous entraînez à passer ces 3 jours, plus vous le ferez souvent, et plus ce sera facile d'y résister. Alors, je vais encore citer un livre. Donc, c'est Le pouvoir des habitudes, The Power of Habits. Et vous pourrez voir que comment être sûr d'arriver à implanter des habitudes dans son quotidien, quoi. Et un des trucs majeurs, c'est la récompense. Donc, quand vous arrêtez de fumer, mettez une récompense. Vous verrez qu'il y a tout un système qui va pouvoir vous aider. Vas-y, Crozon. Pour finir, en fait, si on veut rentrer vraiment dans le truc technique, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en fait, quand on est jeune, on devient adulte. Je sais que ça peut paraître très con, mais en fait, de devenir enfant. On commence à passer à l'âge adulte. Et quand on est adulte, notre cerveau a besoin de 4 ou 5 pauses dans la journée. Ça, c'est les gens ne le savent pas trop. Les gens qui ne s'autorisent pas ces pauses finissent en burn-out, finissent très mal. Et en fait, quand tu passes à l'âge adulte, tu commences à entrer dans la vie active et tu commences à t'habituer à prendre ces pauses dans la journée. Le problème des fumeurs, c'est qu'ils se mettent à fumer pendant cette période-là, et donc ils assimilent cette pause à la cigarette. C'est ça. Et le livre dont je te parle explique ça. Et je vous conseille de. Et de, en de fait, lire. Ce que, excuse-moi, mais en fait, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que votre corps, enfin votre cerveau surtout, ne réclame pas une cigarette, il réclame une pause. Donc trouvez-vous une autre pause. Le plus simple, c'est de prendre un café ou un thé. Conseil le thé parce que c'est plus long à boire et puis c'est savoureux. Non mais c'est vrai. L'instant hypnose. Voilà. Non mais c'est ça, c'était pour entrer dans le truc technique. Pour finir le défi de la semaine, donc pendant 7 jours vous ne fumez pas, vous passez au moins les 3 premiers jours. C'est quoi la supplie? C'est quoi la le... Et si vous ne fumez pas, si vous êtes un fumeur, laisse-moi parler enfoiré. C'est quoi le truc pour montrer que vous avez pas fumé? C'est que vous qui êtes des fumeurs, des sales fumeurs, vous allez prendre votre paquet et vous allez nous montrer en train d'écrabouiller le truc. Alors en vidéo, j'accepte les vidéos ou les photos. Le foutre à la poubelle, vous le pétez, vous faites ce que vous voulez, vous le foutez à la poubelle. Si vous ne fumez pas, et ben vous trouvez quelqu'un que vous aimez beaucoup et vous lui faites faire le défi à votre place. Et sinon, si vous êtes vraiment pas concerné, même par la salle, etc. Alors moi, j'ai un nouveau défi de la semaine parce que bon, il y a la boxe, ça fait mal au nez. Il y a la clope, c'est dur d'arrêter. Il y a un peu non, de ludique. Non, c'est pas dur. Il y a un peu de ludique, c'est de jouer à Turok. Alors. Turok de 2008 sur Xbox 360, mais jouable sur Xbox One. Quel est le pitch de Turok? Vous êtes un indien cisgenre qui a un fusil à pompe. Vous êtes accompagné de marines noirs et blancs. Et la seule chose qui vous unit, c'est tuer des dinosaures avec des poignards. Bon, voilà, pourquoi pas. Voilà. Donc ce jeu va vous convaincre que l'hétérosexualité, c'est génial. Parce qu'en fait, vous allez évoluer dans un milieu fortement hétérosexuel, multiracial. Il n'y a pas d'hétérophobie. Donc, voilà, il n'y a pas d'hétérophobie. Vous tuez des scorpions géants, vous butez des moustiques du Jurassique, vous tirez sur des vélociraptors au fusil à pompe, c'est un régal. Calme-toi. Une fois qu'on a fini de jouer à ça, on ne peut plus aller assister à la Fashion Week, c'est fini, on a d'autres standards. Le cerveau a reçu une empreinte beaucoup trop virile. On attend des candidatures parce que Mass Effect, il n'y a eu aucun Shepard de recensement. Turok se fait beaucoup plus rapidement que Mass Effect. Jouez à Turok, vous verrez, vous serez des hommes encore plus masculins qu'avant. On va finir en lisant quelques tweets. On avait un tweet de Klaus Visversa qui nous disait que Minute Papillon avait sorti une vidéo justement pour parler de ces temps de pause importants. Temps de pause qu'on devait se donner à soi-même. Attends, on a un montage. Alors allez voir le tweet de Yokior Ponchito. Fumer, c'est haram. Il est excellent. Donc, retweet-le. Et il a repris le retweet-le texte parce que c'est. Il a fait très vite. Le mec a été déter rapidement. Vas-y, t'as un autre tweet, Nur. On est le premier qui passe. Il paraît que la mission sur le dinosaure volant est fantastique. Oh, oui, tu confies. Et ça, vous me tuez quand vous parlez de Mass Effect et tout. Mais on attend vos participations à Turok. Et donc, je rappelle le mail, lerdvdissident@gmail.com ou sur Twitter, #rdvdissident. En me mentionnant donc à Raptor Dissident si possible. On va lire les dons pour finir. Tu peux nous mettre les dons s'il te plaît, régisseur. Alors merci à toi. Pendant qu'on charge les dons, je tenais à faire quelque chose que j'ai pas dit, c'est-à-dire merci à Nasty Tanuki qui nous a fourni donc tous les backgrounds que vous voyez, tous les overlays, toutes les animations, enfin tous les trucs que vous voyez en fond quoi. Les animations de dons. Et des animations, je sais pas si le régisseur a pu les mettre. C'est Kitsune RSA, qui a une chaîne qui s'appelle YouTube Drama, qui est avec Teddy Boy RSA. Ils font du dessin sur le YouTube Drama. Donc allez y jeter un coup d'œil, c'est assez drôle. D'ailleurs, vous avez vu sûrement le clip nazi, c'est lui qui l'a réalisé voilà, en entier. Le clip nazi de Cro-Blanc est réalisé par Kitsune en entier, et c'est vraiment très très très bien fait, donc voilà. Voilà, c'était pour les deux petits big up. Big up à Alex de la régie. Et on va finir de toute façon juste après que j'ai lu les dons. On en était à Octuple Pute Assimilé, c'est ça? Que pensez-vous de Paul Joseph Watson de la chaîne Infowars? J'aime beaucoup, surtout qu'il est très productif. Sinon, d'autres. Excellent, excellentissime. Et il est très bon. Il est un peu répétitif, mais du fait de sa haute production et du fait que l'actualité est répétitive. Hein. Non, il est charismatique, mais. Bien comme il faut, quoi. Ouais, très bon format. Voilà pour te répondre au octuple pute assimilé. Merci à toi, Romain. Fier d'avoir redistribué mon argent dans Raptor Coaching Pro. Bah écoute, je suis content que si tu l'as vraiment fait, on écoutera ton témoignage sûrement. Il va encore falloir brûler des calories pour cette nouvelle année. Il est temps de lancer les 9000 viewers, de faire de même. Bah, je vous invite à faire de même d'ailleurs. si vous faites déjà de la muscu et que vous stagnez, que vous voulez aller plus vite, etc. dans vos trucs, que vous recherchez tout simplement une expérience dans le coaching pour voir à quel point c'est efficace, je vous invite à nous envoyer un petit mail raptorcoachingpro@gmail.com avec votre nom, objectif et votre âge, et on vous répondra direct. Live de plus en plus qualitatif. Vivement la première confrontation. Bah écoute, on attend ça aussi et on a. Mais justement, je crois qu'il se vide. Sinon, tu peux t'adresser à Yann Max. en tout cas, si la connerie est de la créativité, je pense que c'est le cas. Ah ouais, super live aussi. Merci à toi, Fouquet, ça fait plaisir. Miaillon. Voilà, c'est le pseudo. Je suis désolé si je l'ai écorché. Continuez comme ça. Que Dieu vous garde et vous fortifie, valeureux guerrier. Merci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2:18. Les hommes et les femmes sont complémentaires, il faut nous réunir. C'est un message qui touche nos âmes. Merci à toi. Maxence, quels sont les livres à lire pour se former au niveau intellectuel sur les sujets que vous abordez? Quelqu'un a envie tout de suite? Moi, je conseille Adrien Abosi. Je l'ai découvert justement dans l'émission de Tepa. Très, très, très intéressant. Le livre fondateur pour comprendre quels sont les mots qui nous affectent. D'où ils viennent historiquement. En fait, ça s'appelle La France divisée contre elle-même. Okay. Et vraiment, Adrien Abosi a réussi à cibler l'ennemi, à expliquer quelle est sa sociologie, son histoire, comment il est arrivé dans l'histoire de France. Donc meilleur que le suicide français de Zemmour. Ah, pour moi, moi, Adrien Abosi, là vraiment, ça a été, je l'ai découvert et ça a reclarifié et ça a complètement amélioré ma position sur ces sujets-là. Voilà. Alors, moi, je continue 1984 de George Orwell. Ouais. C'est une base. Si tu veux commencer à penser parler de politique, on va lire ce livre. Peux pas un livre? Un livre en particulier? Ouais. Bah écoute, c'est dur, hein, c'est dur. C'est dur. Bah moi j'en ai lu beaucoup ces temps-ci. Ouais. Je plussois quand même le jeu de ce que dit Papacito parce que Abosi il a tapé très fort avec son dernier livre La France divisée contre elle-même parce qu'il nous donne une vision originale qui a jamais été vraiment développée. J'ai jamais entendu en fait cette. Ouais, il produit du concept. Ah, il produit du concept et il l'a fait. Et je suis sûr que t'as été séduit aussi. Avec précision. Ah ouais, ouais. Avec, si une enquête étayée, prouvée historiquement. Voilà. Bon, écoutez, je vais le lire parce que. C'est vraiment, voilà, je m'adresse aux sourciers parce que tu parles d'un truc en genre, les sources. Pour le coup, là, vous êtes gâté. Il vous a mis toutes les sources. Il y en a beaucoup, hein, des livres, mais. Et il est précis, c'est sourcé. Et en plus, c'est original. Vas-y, bah, et quand même, lisez les BD de Marceau et la BD avec Marceau. FDP de la mode, tome 1. Alors là, si vous voulez de la testostérone, eh ben, prenez-en une dose parce que vraiment, on y a mis toute la haine qu'on avait. Et donc, moi, je... Ouais, il y a un autre livre en toi, en tout cas, puisqu'on est là. On avait dit un livre, t'es pas... Oh. Ah, c'est vas-y. Bah non, c'est parce que j'ai dit le même que lui. Donc là, j'en dis un autre, si vous voulez. Il y en a un qui, en tout cas, il m'a fait péter des barres de... Et vraiment excellent, c'est Guérilla d'Auberton. Ah oui, Guérilla d'Auberton. Ouais. Ah bon, et ça, ça t'a pas fait rire. Je l'ai pas trouvé exceptionnel. Auberton, meilleur. Moi, je me bidonnais tout seul. Bah, on pourra en reparler. Mais voilà. Je me bidonnais. Alors tout moi, seul. je vais aller dans un peu l'original. Pour ceux qui n'ont pas cette culture de la lecture, cette patience, parce qu'elle n'a pas forcément été très bien transmise dans l'éducation nationale, hein, dont on parlera. Vous pouvez commencer à tester les livres audio, d'accord? Alors moi, je vous conseille un livre audio dont j'ai parlé la dernière fois. Mais qui est vraiment, c'est un qui m'a marqué vraiment ces derniers temps, c'est Psychologie des foules, voilà, Gustave Le Bon. Parce qu'il est très rapide, hein, il dure 5 heures. Moi, je vous le conseille dans les transports. J'ai réussi à développer ma concentration et je l'écoute à la salle. Ça fait vraiment Jean-Claude Van Damme ce que je dis, mais j'arrive à l'écouter à la salle. J'écoute l'équipe de merde qui passe à la salle. Hein. À la salle, j'écoute plus des gros sons énervés, mais j'écoute ça. Et je peux vous dire que ce livre est très très intéressant. Voilà pour répondre à ta question. On va peut-être lire les autres dons. On était à où? Ah, on Jaro. Était à Jaro. Jaro, merci Jaro. Le niveau de ce live est pour moi bien en deçà de tes vidéos. Ah, mais gars, en fait, le live, c'est pas possible d'avoir une qualité de vidéo parce que tout est écrit, tout est bien agencé, etc. Là, les lives sont de toute façon complémentaires. J'ai envie de créer une hebdomadaire. Et on est plus... En fait, si tu veux, on se veut pas aussi... on n'a pas la prétention de faire vraiment du haut apprentissage, etc. On est dans le divertissement aussi et on essaie de mêler les deux et des gens le font bien mieux que nous, on en a déjà parlé. Pourtant j'adore toutes. L'argumentaire va dans le même sens, c'est comme une sorte de pas vraiment parce qu'on essaie aussi de prévoir ce que d'autres pourraient dire en opposition, si on n'a pas besoin d'une opposition pour la prévoir. Et c'est pour ça qu'on pense qu'on a raison aussi, tu vois. En tout cas, je serais ravi de participer vocalement à ton prochain live pour m'opposer. Écoute, envoie-moi un mail en me donnant une critique complète et à quel thème tu souhaiterais participer. Donc, rdvdissident@gmail.com. Et si t'es compétent, normalement, ce que je voulais faire pour cette émission, mais j'ai pas eu le temps. Si t'es compétent, on t'invitera pour dialoguer un petit peu. Un petit sur peu, un sujet. Sur un seul sujet, ouais, un petit peu enfin. C'est une fille, hein, je crois. C'est tant pis. Ah bon? Bah, ravi avec un E. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Ok, bah, ok. Oula! Est-ce que tu peux. J'ai les moins chauds! Tu peux actualiser. Si, s'il te plaît, Alex, tu peux actualiser les dons pour voir s'il y en a eu d'autres. Allez dans le super chat après. Jamais. Qu'on n'en rate pas. Ok, non. Et dans le super chat. C'est peut-être tout en bas, non. Je crois que c'est tout en bas, hein, les derniers. Merci pour les dons sur le super chat de Laurent Ruquier. Romain Accard, bon live, merci. Virus Dog, merci pour le boulot. Croblanc, j'ai acheté tes deux albums. Raptor, je suis bien triste de savoir que j'ai fait de l'argent à Ruquier en te sponsorisant. Écoute, merci à toi, Virus Dog. Moi aussi, je suis triste, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Gabi, Hurricane, les communistes, on est là. Chaud patate, Raptor. Et voilà, c'est tout pour maintenant. Donc je pense qu'on va vous dire tranquillement au revoir. Ouais. Tepa, t'as un mot pour la fin? Bah écoute, non, merci à vous, merci à tous. C'est super. Merci d'avoir été là. Bah promo, pour aller sur le site patriote.info et puis sur ma chaîne YouTube. Abonnez. Qui est dans la description. Et voilà. Bah, et si vous êtes chaud pour écouter, parce qu'il y a une interview, qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne? Bah j'ai 1700 vidéos, ça va. Mais les dernières. Ah là, les dernières. Parce que je vais pas les faire chier, mais bon, les dernières. J'ai eu, c'est eu qui récemment? Donc en fait, Virginie Vota. T'interviews des gens et vous vous développez sur un thème, comme tout un peu fait. Ce qu'on essaie de ou faire. Ou alors je fais des vidéos aussi tout seul. D'accord. Et, j'interview soit des gens qui sont des fois des gens très contradictoires entre eux. C'est-à-dire que j'interview un mec un jour qui va défendre une idée, puis le lendemain un mec qui défend une autre idée, enfin des choses qui d'accord. Sont pas forcément... En gros, tu fais une interview sur la chaîne. Voilà, donc, voilà. Et aussi je développe des émissions aussi tout solo. D'accord, écoutez, allez voir la chaîne, le lien est dans la description. Papacito. Écoutez, moi, encore une fois, je vais refaire la promo de mon bouquin parce que vraiment, on y a mis tout notre âme. Il a été fait dans la douleur. C'était à l'époque où Marceau était un ouvrier. Et que vraiment on galérait, on a fait ça, on y a mis toute notre âme, réédité chez Ring, est disponible donc sur Amazon en précommande, il sortira le 16 février. Et tu peux nous raconter la naissance de FDP de la mode, ton histoire avec Jacques le Croquant, hein. Alors, ça c'est dans une interview, en fait, FDP de la mode est né après le visionnage d'un film de Lino Ventura, qui était succédé, donc c'était sur W9, qui était suivi, de Jacques le Croquant. Et si tu veux l'impact entre la gueule de Jacques, qui a l'air d'être en train de faire sa crise d'adolescence, et Lino Ventura, le mec, on dirait une brique en costard. En fait, là, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment un gros problème, quoi, tu vois. Ok, voilà. Vous pouvez trouver encore une fois les liens dans la description, Croblanc. Bah, moi, vous pouvez acheter mes albums. Il y a L'Appel de la Forêt, le premier, et L'Instinct, le deuxième. Si vous aimez l'écriture, prenez le premier. Et si vous aimez les flots énervés congoïdes, prenez le deuxième. Ok, bah très bien. Moi, bah vous me connaissez, j'ai pas trop besoin de vendre. Par Raptor Coaching Pro pour les intéresser. Merci Amir tu peux nous dire un mot. C'était juste de passage. Qui nous a vu avec assez de tweet qui a vraiment j'ai vu passer des tweets merveilleux, merci à tous du coup. Et merci à Alex de la régie qui assure, et vraiment un bon boulot. Ouais. Et donc je rappelle Nasty Tanuki qui nous a fait tous les overlays et Kitsune qui nous a fait les animations, vous pouvez aller voir leur chaîne, donc Nasty Tanuki et YouTube Drama. Écoutez, je pense que c'est la fin de ce live. Croblant, non, j'ai un peu paniqué parce que t'as dit merci Amir. Je me suis dit qu'est-ce que c'est. Non, merci. Oui, ça pouvait dire, ouais, c'était qu'on veut en conclusion. Merci, ouais, merci Mir. Voilà. Alors, bonne soirée à tous et ciao. Vivement dimanche, à la semaine prochaine.